fin de week-end et bonne soirée sur Fun Radio. Je m'appelle Miko, c'est depuis 18h. Je vous ai mixé le classement des 25 titres les plus joués dans tout le Club d'Europe. C'est l'Eurodance 25 avec le numéro 1 de ce soir, Avicii avec le Addicted to You, numéro 1 des clubs en Finlande et en Italie. Avicii, Addicted to You, c'est toujours premier. Eurodance 25 sur Fun Radio. Et pour retrouver tout le classement, pour ceux qui auraient raté le début, rencard sur le site de Fun, funradio.fr, rubrique Eurodance 25. Et elle replay également pour écouter les précédentes émissions. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, belle soirée à tout le monde. Allez, à suivre sur Fun Radio. Party Fun tout à l'heure dès minuit. D'ici là, plein de belles choses. Une équipe au taquet. Et je pense qu'il va encore se passer beaucoup de surprises ce soir. Je vous laisse avec toute la team de Mickaël qui est en pleine forme. Mickaël de Limite, ça démarre maintenant sur Fun Radio. Salut, bonne émission à vous. Salut à toi. Et puis on est parti là maintenant jusqu'à minuit sur Fun Radio. Allez hop. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Cette semaine, vous avez préféré dormir, regarder la télé, tirer votre coup. Vous avez raté ça. Toi, t'aimes bien la fessée. Oui, et je pense que c'est un véritable hommage qu'ils font au cul de la femme. Antoine, qu'est-ce que t'as comme conseil à filer à David? Ouais, bah alors, il faut, quand tu bandes, il faut taper son gland super fort sur la cuisse. Ah bah oui. Mais t'es un arvalo. Vraiment, vous vous foutez, mais ça désensibilise vachement le gland. Mickaël de Limite, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. En tout cas, vous avez été plus de 25 000 à aller voir la vidéo de Nabila, de la sextape de Nabila. Et ça, c'est beau. Oui, et c'est ça, beau. Et ouais. Ça, bande c'est de beau. Cochon. Et ça, c'est beau. Bah, continuez d'ailleurs, hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Miraculeusement, bah, parce que ça devait être le week-end, fallait voter, tout ça. À mon avis, les mecs de Facebook, YouTube n'étaient pas dispo. Mais la vidéo est toujours dispo, hein, si vous voulez. Hein, elle est en lien sur le Facebook et le Twitter de l'émission en tapant Mickaël officiel. Ou alors abonnez-vous tout simplement à ma chaîne YouTube. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, eh bien, je m'abonnerai à la vôtre également. Vous tapez Mickaël officiel, la sextape de Nabila qu'on avait chopée puisqu'elle l'avait perdue au festival de Cannes. Ouais. Quand elle est montée sur les marches, elle avait perdu son téléphone. Bref, toute une histoire. Mais heureusement, nous sommes une équipe, une grande équipe talentueuse d'investigation. Ouais, nous avons investigué, nous avons trouvé la vidéo, on vous l'a mise à dispo. Voilà, comme ça, vous savez tout. Tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre, quoi qu'il en soit. Bon, vu l'abstention pour les élections, vous vous êtes pas trop pris la tête pour y aller, hein. A priori, en tout cas, là, voilà. Bon, moi, j'y suis allé ce matin. Bon, moi, c'est parce que j'étais en Belgique, donc j'avais pas trop le choix, parce que hein, la liberté est qu'on t'oblige à aller voter. Et sinon, tu prends une prune. Donc, du coup, j'ai été aussi. Voilà. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Ah bah, c'était beau. C'était un bel écran noir et blanc et tout. Moi, c'est du papier. Hein. Ah oui, non, moi, j'avais un bel écran. Ah bah, moi, c'est encore du papier avec un gros crayon rouge. Tout en néerlandais, mais j'avais un bel écran. Ah ouais, c'était en français, mais en papier. Enfin bon, bref. Bon, je vous rassure, on parlera pas des européennes ce soir. Hein. Et puis, comme tous les dimanches, on est là en direct de 20h à minuit. Cherchez pas ailleurs, il n'y a rien d'autre. Et du lundi au jeudi, on est là également de 23h à 2h. Pour tous les nouveaux auditeurs qui ont peut-être l'habitude d'écouter d'autres radios, d'autres émissions, qui se sont fait chier, qui ont zappé sur Fun et qui se sont dit tiens, des têtes de cons. Eh ben vous êtes les bienvenus. Voilà, on est là ensemble jusqu'à minuit ce soir. Avec plein de choses hein. Ce soir, il y aura le chéri je peux te faire cocu. On fera les canulars. Il y aura les appels de Toff. Il y aura vous bien sûr en direct. Il y aura un iPhone 5S à gagner. Ce sera dans la colle dans quelques minutes. On va d'ailleurs accueillir Fred qui est avec nous maintenant. Salut de Lyon. Salut Fred, ça va? Ça va, t'es en forme? En forme, remis du week-end. Ah, t'as fait quoi ce week-end? J'ai fait mon premier concert vendredi, et puis on a fait une soirée samedi soir un peu arrosée. Ah, sympa, concert de quoi? En fait, ça fait 10 ans que j'ai fait du slam, et là j'ai été sponsorisé pour commencer mes concerts. Ah ouais, sympa. Donc, bon, bah, c'est cool. Ça s'est bien passé alors, voilà. Nickel. Ouais, bah nickel, il y avait 230 personnes à peu près sur Grenoble. Pas mal, bon, pas premier, mal. Donc ça va. Ouais, c'est clair, donc, non, bah c'est cool. Bah, tu peux aller voir ma page YouTube, j'ai fait deux petites vidéos pour Mickaël. D'accord, bah écoute, j'irai voir, tu vas me donner l'adresse tout à l'heure. Tu vas voir Kenzo le Slammer sur YouTube. Kenzo le Slammer, bah pour une fois, c'est pas une adresse impossible à réécrire. Donc Kenzo le Slammer, ça va, c'est pas trop facile. Tu t'es déjà abonné à ma chaîne au fait? Bah non, parce que du coup, moi, ça fait 3 semaines que j'ai commencé. Eh bah bravo, tu vas aller t'abonner à ma chaîne et puis moi je m'abonnerai à la tienne, voilà c'est le deal. Bah y'a pas de soucis. Voilà, donc dès que je te vois passer, hop, je m'abonnerai à la tienne et j'irai voir les vidéos. Donc mais tu tapes Mickaël officiel, voilà. Mais en fait c'est pas Kenzo le Slammer, c'est Frédéric Blanchard. Non, c'est Kenzo le Slammer. Ah bon voilà, c'est pas Frédéric Blanchard, oui. Bah, c'est un moine style pour Kenzo le Slammer. C'est un moine style, hein. C'est bah ouais. Bah écoute, voilà, bro, écoute, nous on a tapé Kenzo le Slammer, on tombe dessus. Tu sais quoi, abonne-toi à ma chaîne, je le verrai, comme ça du coup je cliquerai directement sur la bonne. Bon bah très bien, parfait. T'as fait d'autres trucs ce week-end? Ouais, donc samedi soir on a fini en boîte et puis le lendemain en gros j'ai fini en déguisé en bonne soeur avec une bulle sur le front. Parfait, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes. J'aime bien tes soirées. J'imagine, tu vas nous raconter ça dans quelques minutes. Tu restes avec nous. Fred, pour venir délirer à l'antenne avec nous, bah vous faites le 0. 01 42 48 5000. Et puis pour la Belgique, le 02 851 4x0. On parle évidemment de ce que vous voulez. Sandro, fait quoi ce week-end? J'ai été à la danse. C'est bien. Ah, maintenant c'est la danse, voilà. Il n'y a plus, plus la piscine. Si, si, la semaine et le samedi je vais à la danse. Ah d'accord, ok, très bien, parfait. Et puis j'ai mangé aussi, ah, bah, des oui, gâteaux, bah, voilà. Bah voilà, des gâteaux, des gâteaux, plein de gâteaux, parfait. Sauf qu'il a passé un bon week-end avec ses amis. Tu devrais faire autre chose au lieu d'emmerder le monde. Voilà, il a essayé, mais malheureusement il n'a pas réussi. Ça n'a pas marché. Bah non. Oh, espèce de connard. Oui, ça c'était ce matin quand il était en train de voter. Hein. Oui, il a dépassé une petite vieille et puis. Oh, espèce de connard. Voilà, qui attendait depuis 2 heures là, la malheureuse, et puis oh, il est passé devant quoi. Polo également, qui est parti en campagne avec les doux, hein. Ouais, c'est ce voilà. qu'il fait le mieux. Il a été leur apprendre à comment voter quand ils seront grands. C'est ça. Et voilà, donc ça s'est plutôt bien passé. Donc de nouveaux votants bientôt. On a également Dylan de Nantes. Salut Dylan. Salut. Oula, on t'entend mal. Salut Dylan, t'es là? Oui, je suis là. Ben voilà, maintenant c'est parfait. Bon, Dylan, sois le bienvenu. T'as passé un bon week-end, toi? Qu'est-ce que t'as fait? Je suis allée à l'hôpital pour voir mon petit cousin qui est né. Et puis, C'est choupinou. Oh, d'accord, bah oui, hein. Comment il s'appelle? Il s'appelle Naï. Oh, quelle horreur. Non, je plaisante, hein, ça va se pourrir. Hey, t'imagines, il aurait pu s'appeler Christophe? Enfin, Christophe, ça aurait été dramatique. Bah, ça aurait été dramatique. Moi, je suis content qu'il soit bien naé, quoi. Ouais, c'est drôle, ouais. Ça dit. Donc, hop là, tu prends déjà une minute. Allez, merde. Une oh minute. Non, pas pour ah, ça. Si, si. Allez, ah, si, si. Une minute. Une minute. Pour on a raison, Dylan. Une minute au coin pour toi, avec cette vanne de merde. Ah bah oui. Hein. Ah bon, on est d'accord. Bon, bah, très bien. Allez, hop, une minute au coin et je coupe son micro. Ça y est, c'est fait. Bon, parlons de choses sérieuses. Un iPhone 5S, ça te branche? Ouais, bah oui, trop. C'est mon rêve. Ah ouais, mais enfin, t'es un doux encore, toi, Dylan, là. Bah oui, je suis un doux. Bah ouais, un doux, je rappelle, ce sont les auditeurs de Fun qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans. Là, en l'occurrence, tu fais. T'as été en plein dans le mille, là, t'as 13 ans et en plus, t'as pas mué. Bon. C'est la cible. Eh ben, c'est complètement la cible. Bon, alors vas-y, fais péter la colle, je rappelle le principe. Tu vas donc raconter, expliquer une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse, qu'il s'inscrit soit par SMS, soit sur le Facebook, eh bien, il passe à l'antenne, il donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si jamais la personne qu'on appelle ne donne pas la bonne réponse ou ne décroche pas vers 10h, 10h30, à ce moment-là, pardon, à ce moment-là, c'est toi qui gagne. Ok. Ok. Allez, vas-y, fais péter la colle, on t'écoute. Hier, je coulais, aujourd'hui, je flotte, demain, je disparais. Qui suis-je? Ça a l'avantage d'être court. Bon, oui. Hier, je coulais, aujourd'hui, je... Ah bah, Toff peut revenir, tiens. Aujourd'hui, je flotte et demain, je disparais. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse ou si vous pensez l'avoir, eh bien, vous vous inscrivez maintenant, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. Alors, dans quelques secondes, je vous mets également la colle sur le Facebook de l'émission. Comme ça, vous allez pouvoir la lire et y répondre et voir même la magnifique boîte de l'iPhone 5S. C'est une version gold, hein. Je n'ai que ça ce soir. Ah enfin, oui, je désolé. Oh, excusez-moi, excusez du peu. Voilà, c'est un version or. Il y en a qui m'ont gueulé, c'est pas normal, moi je veux un blanc. Ouais, un gris. C'est de la merde. Bon, c'est bon la version or, Dylan, pour toi? Ah oh bah oui, parfait. The Gold Edition, très bien. iPhone 5S donc, à gagner si vous avez la réponse à la colle de Dylan. Vous pouvez aller sur le Facebook pour voir un petit peu ce qui se passe. Et il y a The Box Academy sur le Twitter qui dit enfin une bonne émission. Bah merci beaucoup, c'est gentil. Sinon, j'ai fait un son et j'aurais besoin de ton avis. Eh ben écoute, envoie-le-moi, The Box Academy. Sur mon mail, n'hésite pas. Il y a Quentin qui dit j'espère gagner l'iPhone 5S, j'ai pas de portable et en plus demain c'est mon anniversaire. Eh ben bon anniversaire d'avance. Et Rock'n'Wolf qui dit la réponse c'est la bite. Ah, je sais pas, est-ce que c'est ça ou pas Dylan? Non. Ah c'est pas ça, bon tant pis. T'as envie d'écouter un son particulier Dylan ce soir? Oui, Global DJ Kids. Global DJs avec Kids. Où est-ce qu'il est celui-là? Ah merde, putain j'ai We Are The Night. Ah oui mais c'est le vieux ça, merde. Attends mais je l'ai pas en extrait. Bon alors je vais le noter, je le passerai tout à l'heure avant la fin de l'émission. Enfin toi va le noter, on le passera tout à l'heure. Voilà, ça c'est fait. Ok. Et toi Fred, t'as envie d'écouter un son en particulier? Un truc qui pète. Alors j'ai le nouveau son que j'avais fait découvrir la semaine dernière qui déchire tout là. C'est Ariana Grande avec Problem. Allez, c'est parti. Celui-là il est pas mal. Et non, en parlant de trucs qui pètent, on a aussi le truc du karaopé, hein. Oui, c'est vrai qu'on a la version du karaopé, mais bon, je suis pas sûr qu'elle soit vraiment au taquet. Sinon, il y a Calvin Harris qui a des morceaux les plus demandés, les plus chasamés. Ah. Ouais, faut le savoir, avec Summer. En même temps, faut pas le chasamer, il suffit de demander, hein. Nous, voilà, Summer, on l'a, hein. Calvin Harris, on vous le passera tout à l'heure. Et puis, ce qui va arriver dans quelques secondes, la Pitbull et Jennifer Lopez, ce sera We Are One. Ce sera la musique, d'ailleurs, hein, je le rappelle, musique du football, musique de la Coupe du Monde qui démarre dans... Alors, ça nous fait 5, ça rapporte 2, ça fait 18. Voilà, merci. Ouais, parce que lui, il compte, hein, il a mis des croix sur son mur. Il n'y a pas besoin de compter, faut que ça va. Ouais, bah oui, c'est vrai. Bon, eh ben, en tout cas, Fred, tu restes avec nous. Ouais. Il y a Dylan qu'on va reprendre aussi dans quelques minutes pour la colle. Et puis, bah, vous toutes et vous tous en direct, n'hésitez pas. Dylan! En tant que bondou, qu'est-ce que t'as offert à la fête des mères? Parce que je rappelle qu'en France c'était aujourd'hui. Une chaise crapaud. C'est ma mère, elle est photographe. Une chaise crapaud. Une chaise crapaud? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, pour qu'elle fasse des photos avec les petits bébés. Une chaise crapaud. Et t'as payé? Ouais, c'est pas toi qui as payé, c'est ton père qui a douillé, non? Ah bah oui, j'espère. Ah bah oui, voilà, j'espère bien. J'espère. Donc en fait, lui a payé, il t'a donné le cadeau, tu l'as offert, genre c'est toi qui as payé, quoi, c'est ça? Voilà. Bon, bah merci papa. Eh bah c'est ça. Et toi, t'as offert un truc, Fred, à ta mère? Moi, j'ai célébré des roses parce que j'étais pas chez moi. Oh, so sweet. Bon, bah comme c'était la fête des mères en France ce week-end, bah venez nous dire ce que vous avez offert et surtout, les mamans, venez nous dire les trucs marrants que vous avez reçus cette année ou les années précédentes. On peut le faire aussi pour la Belgique, c'était pas ce week-end-ci, c'était il y a deux semaines, mais ça marche quand même, vous pouvez nous appeler évidemment. J'ai la liste des pires cadeaux qui ont été offerts et il y en a, je me demande si le gamin aimait vraiment sa daronne hein, quand même. Ah non, mais attends, c'est un truc de ouf. Donc venez nous dire et je vous donne ma liste juste après. Juste après le son de Pitbull et de Gilo là. 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis on salue également Pascal qui dit: tu m'as tellement niqué avec la sextape de Nabila. Bon, pas de quoi tu parles Pascal. Vladimir Poutine qui dit: remontez-moi le moral au plus vite s'il vous plaît. On s'en fout de Nabila, on veut voir le cul de Toff. Non, sincèrement je pense que c'est pas bon pour ce que vous non, avez. Non, pour vous c'est voilà. Et Jérémy Titi qui dit: coucou, c'est parti pour 4 heures de folie avec les meilleurs. Enfin quelque chose de bien à la radio quoi. Ah ben je te remercie Jérémy Titi. Jérémy Titi qui est notre pâtissier officiel. D'ailleurs j'ai vu qu'il avait fait des macarons, j'ai vu sur Twitter, il a dit: ah pour l'équipe de fun et rien. Et il n'est pas là. Bah je ne vois rien arriver surtout, c'est ce qui m'inquiète le plus. Bah assez ouais. Et bonne nouvelle aussi, on est au cœur d'une heure sans pub. Alors cherchez pas sur les autres radios, ça n'existe pas. On est là, une heure sans pub, on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio avec le chéri je peux te faire cocu qui va débarquer. Vous toutes et vous tous en direct et le son de Pitbull et Jennifer Lopez, c'est We Are One. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec le son de Pitbull à l'instant, c'était We Are One. Toutes les nuits, au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, on est en direct sur Fun Radio, 20h16, avec des messages, il y en a plein. Il y a Pascal qui dit: tu m'as tellement niqué avec la sextape de Nabila. Ma mère aussi m'a niqué, elle a vu mon historique. Ah oui, c'est bon ça. Ça c'est quand on est un porc, Pascal. Et tout ça bien entendu au sens figuré. Bien entendu, évidemment. Il n'y a pas eu pénétration. Voilà, je rappelle que la sextape est toujours disponible, hein, tant qu'elle l'est en tout cas. Donc allez voir, vous tapez Mickaël officiel, vous vous abonnez à la chaîne de l'émission et je m'abonnerai également à la vôtre. Il y a Lily qui dit un bisou à tous, ravi de vous retrouver. Bon, on est ravi de te retrouver également Lily. Il y a Julien aussi, salut toute l'équipe. Aidez-moi à tenir, je finis à 22h un dimanche, c'est long, bis à vous. Bah tu fais quoi Julien? Parce que nous après on peut aussi dire qu'on termine à minuit et qu'il faut nous soutenir, mais on n'a pas vraiment besoin, tu vois, nous on se marre bien et tout. Ça dépend ce que tu fais comme boulot. Il y a Timothée aussi qui envoie un message qui dit: moi j'ai oublié qu'il y avait la fête des mères, du coup pelle pour moi. Ah bah mec, je confirme, elle doit être contente ta mère, tiens. Alors il y a Césarine qui dit: salut l'équipe, ça fait du bien de vous retrouver, une semaine en Allemagne sans wifi pour vous écouter, l'horreur. Ah, continuez oui. Comme ça. Attends, c'est pas le pire, c'est pas le wifi le pire, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Ah, ya. C'est quand même d'une violence l'Allemagne. Il y a Johan aussi, c'est quoi l'adresse email de Toff pour qu'il fasse les appels? Ah bah les appels on va les faire dans un petit quart d'heure. Et puis les appels, si vous voulez donner des numéros de téléphone pour que Toff puisse les utiliser, n'hésitez pas. Et bien vous envoyez simplement ça sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Je parlais du chéri, je peux te faire cocu, qui va arriver et il va être lourd. Ouais, je suis lourd comme l'épaule de ta bite, fils de pute. Il était très gentil comme vous avez pu le remarquer. Hein. Tu crois, je vais appeler ta mère, tu vas voir si tu vas rigoler. Ah ouais, bah on n'a pas rigolé. Hein. Tout seul, je vais venir, je vais t'enculer ta race, toi. Voilà, donc très gentil comme vous avez pu le remarquer. Adorable. Le chéri, je peux te faire cocu, qui arrivera d'ici une petite demi-heure. On aura les appels de Toff dans un quart d'heure. Et puis, bah vous êtes en direct avec nous. On salue évidemment tous ceux qui sont connectés sur le Facebook, le Twitter et sur l'Instagram, ainsi que sur la chaîne YouTube dans les 4K. Vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. On va en profiter puisqu'il est 20h18 et qu'on est au cœur d'une heure sans pub pour reprendre Dylan avec nous là pour refaire la colle. T'es là Dylan? Oui. Très bien. Allez, vas-y Dylan. Quelle est la colle, je rappelle, pour gagner l'iPhone 5S? Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? Du alors, caca. Non, c'est pas ça, non, bah non. Non. Merde. Donc hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais, qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, envoyez Mickaël suivi de votre réponse. Vous envoyez ça au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Christophe qui dit la colle, c'est un cachet d'aspirine. Non, c'est pas ça. Et Dylan qui voulait savoir le numéro. Christophe qui voulait connaître le numéro des SMS. Eh ben je viens de le dire, mais là t'as répondu sur Facebook, ça marche aussi. Julie qui proposait un poisson. Non. Du sucre? Non. Un... Oh là, on est bon là. Alors attention, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen. Alors, donc quelqu'un proposait un sous-marin. Si quelqu'un arrive à reproduire l'orthographe, on lui offre un truc. Donc il a quand même écrit, ou elle, je sais pas, sous-marin. Alors attends, on va demander au Doux qui est là. Il y a Joachim qui est passé nous voir là. Prends le micro, Joachim. Attends. Alors attends. Joachim, quel âge as-tu, Joachim? Tu peux laisser le casque, hein? Mets le casque. Sinon tu vas mal entendre. Bon, ça va, Joachim? Ouais, ça va. Oh putain, ça c'est un doux. Ah, c'est un vrai doux. Ouais. Bon, quel âge, Joachim? 10 ans. Oh là. Mais t'es sûr que tu peux être là? Si, y a maman qui est venue avec. Ah ouais, mais bon. Bon. Enfin, pas parce que maman le laisse faire que. Joachim, peut, quoi. Comment écris-tu sous-marin? Si tu te trompes, tu sors. Ok. Alors? S. Ouais. O. Ouais. U. Ouais. S. Ouais. Tiret. Ouais. M. Ouais. A. R. I. N. Bravo. Quel talent, 10 ans. Alors, à ton avis, comment l'auditeur ou l'auditrice a écrit sous-marin? S-O-U-M-A-R-I-N-T. Sous-marint. C'est un sous-marint. C'est un sous-marint. Voilà, c'est ça. Bon, dans tous les cas, c'est pas la bonne réponse, malheureusement, et c'est surtout très, très mal écrit, même si on n'est pas dans le détail. Non, mais enfin, on n'est pas quand même. Ouais, on n'est pas aux chiffres et aux lettres, hein, vous inquiétez pas. Bon, du coup, Dylan, si vous avez la bonne réponse, vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission. Vous tapez M.I.K.L. officiel sur Facebook, et puis vous venez nous rejoindre. Donc, je rappelle la colle. Hier, je coulais. Aujourd'hui, je flotte. Demain, je disparais. Qui suis-je? Bonne chance, Dylan, on te récupère encore plusieurs fois avant la fin de l'émission, évidemment, puisqu'on offrira l'iPhone 5S vers 22h30, d'accord? Ok, à plus. Salut Dylan. À tout à l'heure. Bon, t'as offert quoi, toi, à ta mère, Joachim? C'était la fête des mères aujourd'hui, hein, gros. Non, laisse ton casque. Pourquoi il veut l'enlever à chaque fois? Rien pour le moment, mais je compte lui offrir la Wonderbox aujourd'hui. Il est sérieux, lui? Mais je pense qu'il il essaye de t'enfler, là, ouais, Mickaël. Ouais, non, parce que c'était la semaine dernière, ça, Joachim. Fallait venir la semaine dernière pour gagner la Wonderbox. On peut quoi? On peut plus maintenant, il y en a plus? Ah bah non, là, il y en a plus, c'était la semaine dernière. Parce que regarde, en fait, on a offert les Wonderbox la semaine dernière pour que tu puisses l'offrir à ta mère aujourd'hui. Ah ouais? Après, l'offrir aujourd'hui pour aujourd'hui. Ah moi, ils ont pas voulu que le standard, ils ont pas voulu que je fasse. Non mais c'est parce que c'est des cons là. Regarde, ils sont là. Regarde là, ils ont l'air bêtes. Hein. Regardez, ah, regardez. Les deux dindes, là. Regardez là, regardez là. Elles sont drôles, te regardent avec un air. Ça va être bon, non, ça. Nous avons eu quelques échanges de mails avec Joachim. Avec Joachim, ouais, mais il a l'air bien, Joachim. Oui, bah, il a fini sur Facebook, hein. Oui, bah, il a fini sur Facebook, c'est vrai. Ouais. Bon, Joachim, donc c'est ta maman à côté. Ouais. Comment elle s'appelle, ta mère? Bah, passe-lui le micro, tiens. Bonjour maman, comment ça va? Ouais. Attends, passe-lui le micro. Hop là, voilà, ça va bien. Ouais. Très bien. Bon, il a rien offert, Joachim, alors. Il a fait le crevard. Bah non, mais c'est pas grave. L'année dernière, rien non plus. Même pas un petit cendrier fait main ou je sais pas. Un collier de pâtes. Un collier de pâtes. Non, mais... une jolie petite carte avec un poème. Oh, très bien. Est-ce qu'on se souvient encore du poème qu'on rigole un peu, non? Non, mais bon. Non, dans le micro, maman, parlez bien. En gros, c'est Maman, je t'aime. Oh, bah il faut en profiter, ça va pas durer. Hein. Bon. Bon, voilà, donc Joachim était avec nous. Il va mettre 2-3 claques à Toff tout à l'heure. Bah oui, alors. Parce que je pense qu'à un moment il l'a mérité, c'est normal. Et puis on parlait justement de fête des mères. Florian, t'es avec nous? Ah, c'est les chiottes, il a tiré la chasse là. T'es où là, Flo? Ouais. T'es où là? Bah là je conduis, je suis en manœuvre dans une usine, je suis routier. Ah, t'es routier? Ah d'accord, bah fais pas de conneries avec la grue, hein. Oh si, casse un truc. Non, ouais, pas grue, routier. Ah, routier, je croyais grutier, d'accord, ok. Bon, toi tu nous appelais par rapport à la fête des mères, t'as 22 ans, t'appelles de Fournil en Nord. Ouais. Et t'as offert quoi à la fête des mères? Bah rien justement, je me suis fait tout petit toute la journée pour l'éviter. Oh bah, bravo, ouais, t'as la fin de la journée quoi. Oh t'es un enfoiré. Pourquoi? Ça parce que t'as pas d'oseille ou parce que c'est la guerre? Ah non, tout simplement pour lui faire une belle surprise on va dire. Non, comment ça une surprise? Quoi, la surprise c'est que tu lui as rien offert? Bah putain, elle doit être contente. Non, mais c'est quoi la surprise? Bah non, mais c'est pas parce que d'habitude je suis plutôt, ouais, juste c'était la fête des mères, enfin lui souhaiter quoi, et puis bah alors je voudrais lui souhaiter devant toute la France on va dire. Ah tu veux l'appeler? Oh, c'est choupignon. D'accord, bah oui on va l'appeler, comment elle s'appelle? Delphine, hey, c'est un cadeau pas cher ça, enfoiré quand même, hein. Ouais. Genre j'ai rien offert, je veux faire une surprise. Elle a quel âge, Delphine? Ouais, mais toute la semaine on entendait que c'était plutôt l'intention qui compte. Donc, oui, c'est vrai. Bah, voilà, quel âge a maman? Là, tant que je réfléchis un petit peu, 44 je crois. Oui, ah bah maman elle n'est pas l'année, maman est toute jeune. Mais oui. Très bien, bon bah parfait, bah, écoute, on va l'appeler, fais attention, toi fais derrière. Hein. Ah bah tu... elle est disponible ou pas? Bah je sais pas. Ouais, mais ouais, elle est disponible. Ah bah, ah, bah voilà, elle est sur le marché. Je vais lui faire un beau cadeau alors. Ah bah super, bah c'est parfait. Bon alors, on a le top 10 des pires cadeaux qu'on a offert à la mère en l'occurrence. Le cadeau de merde, hein. Bah alors justement, il y a une maman qui est avec nous, là, à pouvoir donner son avis. Alors, remettez le casque, maman, là. Comment s'appelle maman d'ailleurs, j'ai oublié. En passant, oui, je m'appelle Delphine. Delphine, voilà, c'est ça. Quel bon, charmant prénom. Delphine, si le petit, quand il sera plus grand, t'offrait un aspirateur, tu lui verrais comment? Là, ouais, non. Non, bon. Bah, c'est normal, c'est cher et surtout, si elle en avait besoin, elle l'aurait déjà acheté, hein. Bah, oui, c'est ça. Sinon, il y a la nouvelle machine SodaStream aussi, hein. Qui tu sais, le SodaStream, c'est des trucs bah, c'est pour faire de l'eau pétillante, quoi. C'est pour faire de l'eau pétillante ou du coca, du Fanta, n'importe quoi là. Ouais. Et donc là aussi, ça n'est pas que la cuisine, la mère, hein. Il y a le livre de cuisine également avec les meilleures recettes pour les nuls. Ça aussi, c'est la réalité, mais malgré tout, il faut éviter de le lui rappeler quand même. Ouais, c'est pas la peine de la vexer, c'est le jour, voilà, de la fête des mères. C'est ça. Il y a les gadgets inutiles, donc là aussi, pas la peine que ça se retrouve au fond du tiroir. Il y a un diplôme de la meilleure maman du monde. Oh. Bon, après, c'est 13 ans, c'est vite ringard. Il y a la crème anti-ride également. Alors, si elle avait pas de complexe, là, je pense que ça y est, c'est fait, c'est plié, vous allez l'achever. Il y a l'abonnement à un programme de régime en ligne. Ça, ah bah oui, alors. Je pense qu'en termes de... Il n'y a pas pire, hein, pour la mère, là. Un épilateur, hein. Voilà, bon. Alors, c'est pas comme le rasoir pour papa, là, parce qu'elle se fait quand même chier, elle a dépensé une fortune chez l'esthéticienne, c'est pas pour lui offrir le rasoir en plus. Et puis sinon, eh ben, si vous avez décidé de faire comme Florian, il n'y a rien. Voilà, donc si vous avez décidé de zapper la fête des mères cette année, parce que c'est une fête commerciale, etc., bah, vous auriez quand même pu offrir un petit bouquet, ouais, de roses, hein. Voilà, ça, un petit bouquet de fleurs. Ça fait toujours plaisir. Exactement. T'en faire quoi, toi, ta mère, Toff? Moi, je vais faire une liseuse, un Kindle Fire. Ah oui, c'est vrai, c'est la liseuse. Bah, c'est comme un iPad, mais pour lire des livres. Ouais, quoi. C'est juste, ouais, pour lire des bouquins, c'est hyper léger. Parce c'est une tablette. Fait, parce que ma mère, elle lit beaucoup et les bouquins, ça devient. Enfin, ça la fait chier parce que c'est lourd. Donc, du coup, maintenant, elle a. Et ça prend la poussière. Et ça prend la poussière. Alors que là, maintenant, elle a 2500 livres dans, wow, une feuille de papier. La classe. Elle est archi contente. Bon, et Florian, l'année dernière, t'avais offert quoi, ta mère? Oh, bonne question. Ah, tu te souviens plus, toi? Voilà, non. D'accord, ok. Bon, bah, très bien. Bon, allez, on va l'appeler maintenant, alors. Et, bah, écoute, vas-y, hein, Flo, hein, bonne chance, hein. Enfin, bonne chance, en même temps, comme je le disais. Cadeau gratuit, cadeau facile. Ouais. Ah ouais, allez, vas-y. C'est de trouver une musique de fête des mères. Pas gagné. Ah, ça y est. Ah oui, ça c'est pas fête des mères. Ouais, allô? Ouais, salut. Ouais, salut, maman. Alors, tu t'es fait? Yeah. tu sais que toute la semaine j'ai cherché après, enfin, je voulais faire quelque chose qui marque quand même le coup comparé à d'habitude à toutes les années. Ah, et, bah voilà, en fait, je t'appelle, là on est en direct sur Fun Radio et je voulais te souhaiter bonne fête et te dire que je t'aime. Oh, je... ouais, bah c'est bien, gentil, merci. On va laisser galérer, aussi, bien sûr. Je t'aime. T'es encore là? Ouais, bah ouais. Là, bien sûr, elle n'entend pas la musique ni nous, hein. Et c'est ça qui est bon. Bon, voilà, enfin, c'est pour dire ça. Voilà, donc là on va laisser galérer un peu. Oh bah c'est bien, c'est très gentil de ta part. J'espère que, bah, que ça va aller aussi, tu travailles au moins après. Ah, bah ouais, non, là je travaille parce que bah normalement je vais pas bosser, j'ai commencé à 18h donc c'est pour ça. Bah d'accord, puis bah moi je suis désolé mais mon téléphone comme d'habitude il est en train de recharger. Prendre, donc ils sont en train de raconter leur vie là. Ouais, bon, ouais, au moins t'as répondu, c'est ce qui compte. Voilà, tout à fait. Je te remercie, c'est sympathique quand même. C'est gentil. Sympathique. De ta part. C'est sympathique quand même, tu m'as rien offert, espèce de encore, connard, hein, mais c'est sympathique. C'est ça. Ouais, puis bah moi j'ai fait ça en direct de la radio, donc voilà, comme ça au moins toute la France a entendu. Enfin, ceux qui écoutent ça. Ouais, bah ça va, c'est gentil de ta part, c'est très gentil. Oh, la conversation. Ok, bah voilà. Bon. Bah écoute, de toute façon tu passes quand tu veux, hein. Oh là, hein, là, c'est là, pareil, là, hein, on pourrait pu passer aussi un petit peu. Bah là quand tu peux, il n'y a donc pas là, de soucis. Rappel, hein. Il n'entend de rien de ce qu'on dit, hein, donc. Et l'autre il attend qu'on intervienne. Bah oui. Mickaël n'intervient pas. Bon, bah je vais te laisser alors. Bah oui. Ouais, ok. Hein, bonne soirée, travaille bien et puis ben demain. T'aurais quand même pu offrir un cadeau, hein, espèce de crevard. Ouais. Ouais. Ça aurait été la moindre des choses. Ah, maman. Pauvre. Maman. Quoi? Bon, qu'est-ce qu'il a offert l'année dernière? Oh, oh bah, alors là, je me souviens même plus. Hein. Bon, bah, t'as bien fait finalement. Ah, ouais, je suis pas seul. Ouais, bah, voilà. Mais... Bon, au moins, comme ça, c'est bien fait. Hein. Au moins, c'est plié. Bon, et ben voilà, pas trop déçu de pas avoir reçu de cadeau physique? Non, pas du tout. Mais bon, ça fait plaisir. C'est pas... J'ai des enfants, j'en ai plusieurs, mais bon, ah, ça marche. Mais c'est ça. Du coup, ah, du oui, coup, ça mais va. Mais c'est sympa parce que tout le monde n'y pense pas. Il y en a beaucoup qui ont passé à côté. Bah oui, c'est vrai. Mais bon, lui, il y a pensé. C'est le meilleur des fils. Voilà, exactement. Ouais, ne nous emballons pas non plus. Bon, salut à toi en tout cas, maman. Et puis Flo, bah, tu reviens quand tu veux. Hein. Ouais, y'a pas de soucis, ça va toujours à l'écoute. Eh ben, j'espère bien. Salut à vous, en tout cas, à bientôt. Salut, salut, vous retournez au standard. De toute façon, on aura Naomi aussi pour réagir par rapport au cadeau dans un instant. Fred qui va nous raconter son week-end. T'es encore là, Fred? Ouais, je suis toujours là. Bon, on fait ça après Katy Perry, cette branche. Ok, ça marche. Et puis on fera les appels de Toff également là. Restez sur Fun Radio, on est au cœur du Nord sans pub. C'est Mickaël No Limit, on est en direct et on est les seuls jusqu'à minuit. Venez balancer vos messages sur Fun Radio, profitez-en. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No Limit. No Limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Exactement, en direct sur Fun Radio. Et bienvenue si vous arrivez pour la première fois sur Fun. On est là tous les soirs de 20h à minuit. Tous les dimanches de 20h à minuit. Et tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat. Il y a Vladimir Poutine qui dit la fête des enculés, c'est pour quand? Eh ben, ah oui, j'ai un cadeau, merde. Ouais, ce serait pas mal, ouais. Il y a Bach aussi qui dit vieillir est obligatoire pour grandir, c'est un choix. Il y a Julien qui dit moi à 15 ans, je vais faire un fer à repasser à ma mère. Je lui ai montré pendant une semaine comment il marchait. Je crois que c'est moi qui me suis fait niquer dans l'histoire. Il y a Sandra qui dit moi j'ai même pas eu mon cadeau. Mon fils l'a laissé à l'école. Ah bah bravo, ah, ça c'est ballot. Ah, mais tu l'auras demain du coup Sandra, t'inquiète. Victoria qui dit dédicace à ma mère qui supporte Tango dans la voiture et qui me supporte. Moi je t'aime, ta fille parfaite ou pas. Oui bah ou pas alors. Hein. Léa aussi qui dit mort de rire le doux qui essaie de gratter quelque chose. Ah il a pas essayé, hein. Il a essayé, il a plus qu'essayé, mais ouais. C'est toi qui gérera. Hein. Bien sûr. Voilà, ouais. Joachim c'est va gérer avec toi lui. Bien sûr, je vais gérer. Mais évidemment. Il y a un message de Thibaut qui dit continue, t'es un animateur vraiment super, c'est gentil Thibaut. J'espère que j'aurai la chance de gagner cet iPhone et surtout de passer dans l'émission en direct. Bis à vous. Ah bah gagner l'iPhone, il n'y aura qu'un seul avant 10h30 si elle a la réponse à la colle que j'ai mise sur le Facebook. Après pour passer l'antenne, Thibaut, tu nous appelles, tu passes, il n'y a aucun problème. Et Emilie qui dit je vous adore, je peux avoir un message de bienvenue, bien sûr. Tu devrais faire autre chose au lieu d'emmerder le monde. Bah voilà, comme ça au moins le message est passé, je te fais des gros bisous en tout cas. Cédric aussi, vous déchirez, je suis au taf pour toute la nuit, vous me donnez la patate. Bah, merci, puis bon courage à toi. Et enfin Agathe qui dit j'ai offert à ma mère le livre J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint. Elle l'a bien pris, elle a même rigolé. Oui ouais. Mais jaune peut-être à mon avis, hein. Il devait peut-être y avoir de ça aussi. Bon allez, parlons premier rapport avec les appels de Toff maintenant. Ah oui, alors quel était le thème de cette affaire? C'est surtout qu'on s'était rendu compte que les Anglais, donc le premier rapport était maintenant arrivé à 14 ans. Oui. Sauf que le petit problème c'est que normalement ils ne sont pas censés faire l'amour avant 16. Exactement. Enfin, en tout cas légalement. Ce qui pose un problème. Enfin, ce qui pose un problème technique. Exactement. Donc bah du coup ce que je propose c'est qu'on appelle le premier grâce au numéro que vous avez envoyé comme d'habitude tout au long de la semaine sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Allez c'est parti, on y va, premier appel. C'est parti. Oui, bonsoir monsieur. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Madame. Ah pardon, excusez-moi madame. Vous êtes qui? Oui, je m'appelle Toff, madame. Et alors? Et en fait, je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle. Mais ça peut vous foutre. Occupez-vous de vos fesses, monsieur. Mais je vois pas, je vois pas le rapport. Vous croyez pas que vous devriez vous occuper de vos fesses? Mais je vois pas le rapport, madame. Non, vous êtes qu'un petit con, allez vous faire soigner. Mais enfin, madame, allez voir un psychiatre, ça vous fera du bien. Mais pourquoi vous me dites ça, madame? Connard. Oh non, madame. Ah si, connard, oui, ah, ça, si. On peut pas dire non. Le contraire si, en même temps, évidemment qu'elle a deviné. Par contre, c'était pas clair dès le début, hein. Non. C'était pas officiel, c'était pas facile c'était de pas savoir évident, si c'était madame, monsieur, on sait pas. Je suis assez d'accord. Bon, on va rappeler, avec un peu de bol, on tombera sur le vrai monsieur maintenant, que Toff appellera madame peut-être, enfin, on verra bien. J'ai dit, c'est tous les noms. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Laisse pas parler des gens. Allô, vous m'entendez? Mais il a toujours parlé des gens. Allô. C'est la police, monsieur. Ah oui, c'est la police. Je vous écoute. Bah oui. Mais en fait, voilà, je voulais savoir à quel âge vous avez eu votre première relation sexuelle, monsieur. Vous êtes enregistré, monsieur. Oui, d'accord. Ça, mais je vois pas le rapport, monsieur. Ah mais là, raccroché. Bah voilà, c'est dommage. L'enregistrement coupé, du coup. Oui. Bah, attends, on va rappeler alors. Hein. Genre, vous êtes à la police. Ouais, truc crédible à mort. Bon connard, t'as que ça à foutre. C'est bon, hein. Mais enfin, pourquoi vous dites ça, madame? Ah bah allô, merde, c'est trop tard. Bon bah voilà, tant pis. On parlera de la fessée dans une heure. Ah oui. Voilà, très très grand programme. Lucas aussi qui dit Toff, occupe-toi de ton cul. Il y a ouais. Thibaut également, un message de bienvenue pour Thibaut, s'il vous plaît. Oh, espèce de connard. Bah voilà, Thibaut et Vladimir Poutine aussi qui dit j'invite tout le temps les gens à vous écouter. Mickaël, t'as dû remarquer ça, non? Allez tous sur Fun. Bien sûr qu'on l'a remarqué. Il y a de plus en plus de gens sur le Facebook, sur le Twitter, même sur la chaîne YouTube. Hein. Je vous rappelle qu'elle est là, elle existe, la chaîne YouTube, avec la sextape de Nabila qu'on a mise en ligne jeudi, qui est encore mise miraculeusement en ligne, qui n'a pas encore été censuré. Donc bah, profitez-en si vous ne l'avez pas encore vu. Vous venez nous rejoindre, tapez Mickaël officiel sur la chaîne YouTube. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis bah, je m'abonnerai à la vôtre également, sans problème, avec plaisir. Julien qui dit salut toute l'équipe, aidez-moi à tenir. Je finis à 22h le dimanche, c'est long. Et je suis caissier dans une station-service sur autoroute. Oh bah ça va ça encore. Bon après ça dépend des gens qu'il y a, mais dis-nous sur quelle station. Ça se ah bah oui, on passera un jour, on viendra boire le café avec Polo. Et Nadia ouais. également qui dit tiens, tu m'as donné une idée Mickaël, je vais me refaire la sextape tout à l'heure après l'émission en mode chaudasse à minuit. Et bah tu fais comme tu veux Nadia, en tout cas profites-en bien, c'est tout ce que j'ai à dire. Il y a Fred qui est de retour avec nous, de Lyon, qui voulait nous raconter son week-end. En gros, il a passé un bon week-end puisqu'il a pu aller se marrer pour la première fois, faire du slam et tout tranquille. 230 personnes qui étaient là pour te regarder, donc voilà. Ça c'est plutôt cool. Sauf qu'après, t'as fêté ça et ça s'est mal fini. Enfin, ça s'est pas mal fini. Mais fais-le en slam. Raconte-nous le truc en slam. Je me suis réveillé un matin. Alors, je me suis réveillé un matin déguisé en bonne sœur avec une bite sur le front. Je me rappelais plus de ce qui s'était passé. Et après, je me suis réveillé, paf, une claque dans la gueule. Mais c'est pas du slam, ça. Si, mais après, il faut une intro. Il faut que tu parles comme ça. Tu fais une voix et tu parles. Eh ben, fais-le. Tu veux que je fasse... T'as une intro ou pas? Bah non, moi j'ai rien. Qu'est-ce que t'appelles une intro? Une instru. Une instru. Ah bah oui, si tu veux. Bah bien sûr. Ah bah attends. Un peu de bousse. Bien sûr. Attends une seconde, il faut que j'en trouve une. Bah merde, toi tu voulais d'où alors? Attends une seconde. Bah oui, là il va être bien là. Le Terminal Burana. Bon, il va rentrer nu avec son chat. Voilà. Allez, c'est parti. La neige tombée du ciel est en semblant manteau. C'est le beau spectacle d'un soir d'hiver. Avec un brin de poésie dans l'air. Pour moi, ce n'est que le début du calvaire. Je suis dans ma voiture, bloqué au milieu de la chaussée, entouré d'un concert de klaxons, orchestré d'un tas de travailleurs, fatigués comme moi, pressés d'aller s'engouffrer dans les dédales de la capitale. Et je n'ai pas le cœur à éteindre le moteur, sortir, fabriquer, pour battre mon fils dans un duel aux armes blanches. Mais c'est l'histoire qui t'est arrivée, ça? Ah non, ça c'est là je t'ai fait une improvisation. Ah ben non mais moi je voulais l'histoire qui t'est arrivée mais en slam. Bon c'est pas grave, on la refera plus. Bon qu'est-ce qui t'est arrivé en normal alors? Donc en normal en gros mes potes m'ont déguisé en bonne sœur enfin quand je me suis endormi à la sortie de la boîte et du coup ils m'ont dessiné une bite sur le front et puis je me suis couru dans le tramway comme ça avec la team bonne sœur. Mais ça c'est drôle. Attendez, mais vous avez noté cette expression bien particulière, je me suis couru. Oui exactement. J'ai... Parce que comment tu fais pour t'être couru? J'ai couru dans le tramway quoi. D'accord. Ah c'est ça. Non mais qu'est-ce que t'as fait en fait? T'étais complètement bourré? Bah j'étais complètement pété et puis après ils ont fait tourner la vidéo entre eux mais ils l'ont pas mis sur YouTube heureusement. Oh c'est dommage. Hein? File-la nous, t'inquiète. Oh, non, mais on va juste regarder. Non, oui. Allez, t'as pas confiance? Non. Après, il y a une bite sur le front, il y a tout ce qu'il y a. Donc, mais c'est rien ça. Mais toi, il a bien une tête de bite, ça l'empêche pas de sortir. Mais ouais, lui, c'est de naissance. C'est pas le choix, de toute façon. Hein. Oui, c'est de naissance, c'est vrai. Bon, enfin, quand même, tu vois, ça l'empêche pas de sortir. Donc, moi, après, j'ai ma réputation à tenir aussi. Hein. En genre, il a une réputation. Bah oui. Bah oui. Tous les jours, hein. Non mais c'est clair, genre il a une réputation mais réputation qui faut tenir. Bon, bah écoute, c'est pas très grave, après tu t'en es remis, t'as nettoyé, ouais, il l'avait fait comment là? Ah bah ils avaient filmé pendant que j'étais en train de dormir dans le tramway après. C'est dommage qu'il l'ait pas publié là. On aurait pu rigoler un peu. Mais ouais, ça sert à rien de faire des trucs comme ça. Ça envoie le crabe quand elle bourrasse. Ouais, c'est pas mal. Et elle colle ses seins. Oui. Et elle arrête les voitures. Et elle te positionne dessus et elle aime tout le monde. Ouais, exactement. Ouais. Non, mais c'est vrai. Hein. C'est pour ça que je ne vois plus. Elle a même failli coucher avec toi en étant bourrée. Non, ça va. Elle était amoureuse. Elle m'a dit, ah, je suis in love. De quoi? T'aurais pu aller avec Sandro, je trouve. Ah oui, toi t'aurais pu aller avec Sandro, mais après ça tu fais comme tu veux, mais... Toff, t'as déjà fait quoi en bourré? J'ai déjà fait plein de trucs. Ah mais... si, il a fait chier. On était en vacances ensemble, on l'avait déjà raconté, mais il y a un petit bout de temps, on était en vacances ensemble, on était dans un hôtel où c'était all-in, même les alcools, tout était all-in, ce qu'il a perdu d'ailleurs. Et on était avec un pote, et donc il a commencé à faire le défi, tu vois. C'était des bombas, c'est en République Dominicaine. Et genre, bah tu sais, t'as le serveur qui dit, bon, bah je vous mets quoi? Oh, bah qu'est-ce que t'as comme truc fort? Oh c'est la bomba, vous allez pas tenir après le premier verre. Bon ils ont bu le premier verre, ça s'est bien passé. Et puis comme ils ont fait les malins, ils ont fait le deuxième c'est de la merde ton truc, là on dirait de l'eau, enfin bref. Surenchérir pour surenchérir. Toff quoi. On est arrivé à 5. On est arrivé à 5. Et pourtant il tient bien Toff. Mais ils étaient tous les deux bien, hein, c'est pas ça. C'est 5. Je pense que même le barman s'attendait pas à ce qu'on arrive à 5. Et donc nous moi je filmais, malheureusement j'ai perdu la vidéo, c'est dommage, mais bon. Je crois que je l'ai parce que j'ai retrouvé une caisse avec tout. Ah bah vas-y, je pense qu'on peut se marrer. Ça c'est tous tes pornos que t'as. Le problème c'est qu'il faut qu'on trouve un truc pour lire les cassettes. Oui mais ça va s'arranger, ça c'est pas grave. Bon et donc du coup il a terminé dans la piscine. piscine avec un couple qui était là dans cet hôtel tranquille. C'était un des rares hôtels que je connaisse où les enfants étaient interdits. C'était le bonheur. Désolé Joachim. Mais au moins ça gueule pas, ça braille pas, c'est tranquille quoi, tu vois. Ah, on était bien, Et donc, il y avait juste moi pour gueuler. Voilà. Et donc t'avais le mec, t'avais le couple, le jeune couple qui était là en vacances pépère, qui ont décidé de se faire un bain de minuit. Sauf Tatov qui voulait se pécho la meuf. Non, Tof. Ah, qui voulait, mais j'avais la top bien dressée aussi. Oh, voilà. Qui voulait pécho, la meuf. Ouais. Qui a pas arrêté de prendre la tête au mec en disant ouais non mais. Il parlait avec la meuf et tout. Pendant ce temps-là, l'autre pote, il s'était mis, je sais pas si vous voyez les espèces de terrasses où la barrière est en béton, en pierre. Et donc, tu sais, t'as une espèce de petite. Les barres qui tiennent la barrière. Ouais. Tu sais, la balustrade, forme, quoi. La balustrade, ont une forme un peu spéciale, enfin, tu sais, un peu. Tapé dans la pierre, il met sa tête dedans pour vomir à travers la balustrade, sauf qu'il restait coincé après, il n'arrivait plus à enlever sa tête. Ouais, mais t'as oublié de raconter juste avant le grand moment où en fait ce mec là est en train de boire la dernière, ça doit être la cinquième ou la sixième, je sais plus. Et donc il boit la moitié. Ah oui, il gerbe dans le verre. Il vomit, il gerbe dans le verre. Pas perdre, le il reboit. Et il finit le verre cul sec. Oh, quel porc ce mec. Oh, mais il est toujours vivant ce mec. Ouais, il est toujours. Bah, je pense, je sais pas, j'ai plus de nouvelles aujourd'hui. Moi, j'ai pas de nouvelles, mais je crois qu'il est vivant, ouais. Une fois que j'ai failli frapper Toff, on était dans un état à New York pour le nouvel an. Polo était bourré. Hein. Et non, j'étais pas bourré. Toff était bourré et il voulait absolument danser avec moi. Ah oui, c'est vrai. Et je lui dis dégage et tout. Mais mon dieu. J'espérais qu'on pourrait enfin révéler notre homosexualité. J'allais lui mettre une baffe. Alors, t'as vu finalement, il y a pas pire que toi, c'est vrai Fred, parce que c'est vrai que le transport en commun avec la bite sur le front, c'est moyen, surtout quand t'as tes potes qui filment, parce que eux ont gardé la vidéo bien sûr. Ça après j'ai pas été voir, mais normalement évidemment, oui. Au cas où. Après, au cas où qu'il y a une preuve irréputable à avoir. Exactement, ouais. Donc faut se méfier. Hein. Vaut mieux rester en bon terme avec tes potes. Hein. Ouais. Je te le dis, je t'en prie. Bon, bah tant mieux alors, parfait. Bon, bah salut en tout cas, Fred. Merci d'avoir appelé. Tu reviens quand tu veux. Ouais. À bientôt, Fred. Ciao, à bientôt, bye. Naomi qui est avec nous, Lyon, tiens, encore une lyonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je sais pas, il y a la radio allumée ou il y a un problème sur la ligne. T'es là, Naomi? Je peux essayer? Je suis là. Ah, j'adore. Bienvenue ce soir, on est en direct de Lyon. Sur fin de radio. T'as le téléphone, t'as le kit main libre ou le haut-parleur? Non, le téléphone du troisième millénaire. Ah, c'est dommage. Ok, bienvenue ce soir. Ah, c'est méga ça, ça passe méga 3D. Non, mon téléphone, c'est normal. Oui, ça marche, on est en club discordant ce soir. Naomi, elle a déjà la 5G. Oui, Naomi qui voulait nous parler de ce qu'elle avait offert à sa mère. Qui veut faire un voyage à ma mère. Il y a une voiture qui gêne. Et attention, l'anniversaire ce soir également de Tof, 18 ans, bonsoir ce soir. Et t'as offert un voyage à ta mère. Oui. Et c'est quoi le voyage? Au Maroc. Ouah. Donc je voulais te débarrasser de ta mère en fait. C'est pas vraiment un voyage. Bon attends, attends. Naomi, je t'en prie. C'est pas possible. Bouge pas, ouais. On va te rappeler. Parce que là il y a un écho mec, j'ai l'impression d'être à la montagne. Mais je trouve ça génial. Je m'entends avec un écho. Ah, il y a plus d'écho. Ah oui, mais c'est Sandro qui a déjà accroché la meuf. C'est pas putain, ça y est, j'ai pour une fois que j'étais direct. En écho là. Bon, en attendant on va reprendre Dylan. Dylan, t'es là? Oui. Merde. Bon alors Dylan, répète la colle pour gagner l'iPhone 5S ce soir. Vas-y. Ok, hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais, qui suis-je? Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais, qui suis-je? Je vous ai mis la colle sur le Facebook de l'émission. Il suffit d'aller voir, tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre sur le Facebook. Donc, et vous avez la colle qui est affichée dessus. Comme ça c'est plus facile à lire et à répondre. Il y a Charlotte qui proposait de l'huile. Non. Il y a Laura sur le Facebook également. Île de la tortue. Non. Julien qui dit un meurt. Non. Non, il y a Thomas qui proposait le reflet du soleil sur l'eau de la réponse à la colle. Non. Non plus. Un caillou pour Charlotte. Non. Non, il y a Émilie qui proposait la pluie. Non. Un humain pour Tommy. Non. La lettre R pour Charlotte. Non. Non plus. Bon, alors je répète. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais, qui suis-je? Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS, au 63-22 depuis la Belgique. Et du coup, Dylan, tu restes avec nous. On va donner la réponse avant 22h30. iPhone 5S à gagner également. N'oubliez pas que vous pouvez aussi jouer gratos sur le Facebook. Vous tapez Mickaël officiel. Si vous avez la bonne réponse et que vous passez antenne, vous gagnez l'iPhone 5S et du coup, Dylan perd. Si c'est l'inverse, c'est Dylan qui gagne. Tu restes avec nous, Dylan? Ouais. Très bien, bah tu restes là puisqu'on va écouter également dans quelques minutes le son de Calvin Harris. Calvin Harris avec Summer, on aura également le chéri je peux te faire cocu qui va arriver dans quelques minutes. Oh, fils de pute, franchement, c'est quoi? je vais pas rigoler avec toi. Ah non, je il le va... dis. Ah non, il va pas rigoler, hein. Ouais, je suis gros comme les épaules de ta bite, fils de pute. Voilà, très gentil, très sympa. On l'aura dans quelques minutes, le chéri, je peux te faire cocu. Ce sera avec Mélodie sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, c'est Mickaël No Limite. On est en direct et on est les seuls ce soir jusqu'à minuit. Venez et prévenez vos potes également. Il se passe enfin un truc à la radio. Et c'est sur Fun Radio que ça se passe jusqu'à minuit. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël No Limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Déchirez vos livres et vos cahiers. Pissez dans l'encrier. Coursez vos profs dans les couloirs. Écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. On est en direct, il y a le chéri que je peux te faire cocu qui va débarquer avec Mélodie dans quelques secondes. Jordan aussi, coucou Mickaël, j'adore votre émission. Est-ce que je peux avoir un message de bienvenue? Ben oui, si tu veux, oui. Enculé de ta mère. Ah bah oui, tiens, ça faisait longtemps. Sandra qui dit waouh. Pour la fête des mères, c'est génial. Ouais, exactement, ouais. Sandra qui dit waouh, quel charme, Toff. Merci Sandra. Je suppose que c'est une vanne. Hein. Elle doit confondre Toff et moi. Ouais, c'est Polo peut-être, qui a du charme. Peut-être. Ludivine qui dit mort de rire, le show de malade, j'adore dans ma chambre. Ah oui, quand on a eu l'écho avec notre ami Naomi là. Il y a également Timothée qui dit nous, on a collé une pancarte Kiss Me sur un pote. Il a été embrassé de partout par des belles et par des moches. Oui, bah c'est la moyenne en règle générale. Bastien aussi, l'histoire de la bite dure sur le front, pardon, ça me rappelle babysitting. Et alors un message de Vladimir Poutine qui dit si Toff devient prof, j'arrête mes études. Non, de ce côté-là, tu devrais être tranquille. Et Jade aussi, je vous écoute depuis novembre dernier, je n'ai jamais reçu de message de bienvenue. Oh bah alors Jade, on va arranger ça tout de suite, t'inquiète pas, bah, hop là. Alors. Ou Baltring Cotier, ou PD Cotier, enculé va. Voilà, toujours évidemment avec simplicité, bien entendu, et trop d'amour. Et Yacine qui dit salut l'équipe, ça va, vous êtes là, c'est trop la classe pour passer un excellent dimanche avec vous. Bah oui, on est là et merci à vous d'être là aussi, toujours de plus en plus nombreux. Et puis Céline aussi, Fun Radio, je vous kiffe trop pendant deux semaines sans vous écouter, c'était dur. Un message de bienvenue, please. Mais tu nous as pas dit ce que tu faisais, tiens, qu'est-ce que t'as été faire pendant deux semaines pour pas nous écouter? J'ai coupé la tête avec mon pénis, ok? Voilà, toujours évidemment avec la poésie qu'on connaît à tous les appels de Toff, évidemment. Bon, vous restez sur Fun Radio, je vous cale dans quelques minutes le son de Calvin Harris avec Summer. Il y aura avant 22h aussi le son de Ariana Grande avec Problem. Et si vous voulez écouter des sons en particulier, bah demandez avec le hashtag Mickaël. N'hésitez pas, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit, j'allais dire 23h, pas du tout, jusqu'à minuit. On est au cœur d'une heure sans pub également, on est tranquille, pas de pub pendant encore une heure, hein, en l'occurrence 55 minutes. Voilà, donc c'est pépère, fort, ça. On est en mode à la cool. Alexandre qui dit en semaine quand on... Attends, c'est quoi ? Message qui est arrivé. Ah, c'est Nico, pardon, qui dit j'ai offert à ma mère une pochette de jeu à gratter, c'est simple et ça lui fait plaisir. Eh ben j'ai envie de dire tant mieux d'ailleurs, continuez à balancer tous vos messages. On est en live, on va essayer de récupérer Naomi pour voir si ça marche mieux. Naomi ? Oui ? Ah bah non, il y a toujours l'écho. Ouais, mais il y en a moins. Il y a un peu moins. Non, bah non. Non, c'est pareil. Non, c'est pareil. Bon, Naomi, alors du coup, avant de faire le chéri, je peux te faire quoi ? Avec Mélodie ? Oui. Tu disais que t'avais offert un voyage à ta mère au Maroc, toi, pour la fête oui, des mères. Parce tranquille. Que l'année dernière, j'ai pas pu offrir de cadeau. J'étais chez mon père. D'accord. Ah. Et du coup, tu t'es rattrapé, t'as fait deux fêtes des mères en une. Oui, là. Bon, bah ça va, c'est tranquille. Elle était contente, j'imagine ? Bah, elle est partie à 14h. Ah oui, donc C'était départ direct. Départ immédiat. Oui. Ah, ça c'est sympa ça. Putain, cool. Elle est partie toute seule ? Oui. Bon, super. Elle est partie avec un DJ de rencontre un certain moment quelqu'un là-bas. Elle est partie dans un club de rencontre, donc mais ça va pas, voilà. Tu m'as pas demandé, je l'aurais accompagné. Bah oui. Oh bah. Même si j'aime pas trop le Maroc, mais. J'ai une love story avec mon beau-père. On s'en fout du beau-père. Donc, oui. Oh, mais tu l'envoies quand même toute seule là-bas alors que ton beau-père il est resté sur place lui. Bah oui, il garde. Ah bah oui, garde les enfants. Ah, il faut bien qu'il y en a qui bossent, hein. T'as raison, ouais. Bah bravo en tout cas Naomi, c'est un beau cadeau ça. Ah oui. Bravo à toi en tout cas, bah je te fais des gros bisous Naomi. Bisous à toute l'équipe. Bon, pas que je te jette, hein, mais comme il y a l'écho et tout, c'est pas super agréable. Ouais, je sais. Mais bon, je te fais des gros bisous quand même Naomi. Je t'embrasse. Ouais. À bientôt. Salut. Salut à toi. Ciao. Et puis appelez-nous si vous voulez parler. Hein. Qu'est-ce que vous avez offert comme cadeau pour la fête des mères? On en parle. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Jojo qui dit enculé de ta mère. Génial pour la fête des mères. Évidemment, vous nous connaissez. Bon, allez, chérie, je peux te faire cocu maintenant. C'est avec Mélodie qui est avec nous. Salut Mélodie. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bah écoute, plutôt pas mal. Prêt pour un nouveau chéri, je peux te faire cocu. On va dire ça comme voilà. Ça. Voilà. Voilà. Bon, alors, Mélodie, le chéri, je peux te faire cogut ce soir. C'est donc avec toi et on va appeler ton mec. Comment s'appelle ton mec? Il s'appelle Johan. Je rappelle le principe du chéri, je peux te faire cocu. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, le principe est donc très simple. On va donc appeler, en l'occurrence, ton mec, du coup, Mélodie. Tu vas lui faire croire que t'as rencontré un autre mec, c'est-à-dire moi, Michel. Mais attention, pas rencontré, genre, vous êtes amoureux, tu le trompes depuis des semaines. Non, non, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est que moi qui t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir. Et bon, t'es un peu intéressé, mais malgré tout, t'es quand même maqué. Mais comme t'es une fille bien, tu lui demandes l'autorisation. D'accord. Voilà, c'est un peu ça le principe. Normalement, bah, on n'a jamais eu de oui ou de non. Hein. Ça a toujours été va te faire enculer, je vais te couper en rondelles, fils de pute. Enfin, bon, tu vois, alors qu'au final, on lui demande juste son avis. Pas... Bah, tu vois, j'ai le même problème qu'avec tes questions, Toff. C'est ça, c'est scandaleux. C'est quand on pose une question simple et on n'a jamais une réponse simple. Oui, c'est scandaleux. Voilà, c'est toujours ça, Mais pas de chat entre nous. Bon, attention, je gagne. Alors, on met quoi? On met 100 points si j'arrive à placer un pas de chat entre nous? Bien sûr. Voilà. Mais pas de chat entre nous? Très bien. Allez. Bah, très bien. Alors, attention, je vais quand même. Paris, c'est moi le bookmaker. Je suis capable de pas l'oublier. Bon, alors, il s'appelle Johan, quel âge il a lui? 27 ans. Très bien, toi t'en as 22, très bien. 22. Voilà, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 6 mois. C'est tout frais ça. Bah oui, et vous êtes rencontrés comment? Chez des amis. Chez des amis. On avait des amis en commun et voilà. D'accord. Très bien, très bien. Est-ce qu'il a des défauts physiques? Genre, il a pris un peu de poids, genre, il a des paires de cheveux, les cheveux blancs, les oreilles décollées, enfin, je sais pas. Ouais, il a ses mains, il a quand même un petit bidou. Ah, voilà. Il a un petit bidon. Voilà, après, il est un peu rouquin. Ah, parce qu'en plus, il est roux. Enfin, ouais, il a des reflets roux. Il a des reflets roux. Ah, il a des reflets roux. Ouais, en fait, c'est un blond vénitien, c'est les roux qui s'assument pas. Voilà, d'accord. Je suis blanc vénitien. Ah oui, il est bon, bah c'est ça, donc il est roux, quoi. Très bien, parfait. Ok. Voilà, il a une petite voix un peu pas efféminée, mais. Ah oui, ça en fait quand même des tares. Voilà. Ça en fait beaucoup d'un coup. Ah, le pauvre, il me fait déjà de la peine, on l'a pas encore appelé. Bon, ok, très bien. Alors, où est-ce qu'on aurait pu s'être rencontré? Du coup, chez moi, non? On se retrouve chez moi pour le rendez-vous pour le compteur électrique. Ah oui, parce que tu emménages et donc forcément EDF vient de brancher. Oui, voilà. Très bien. Eh bien, je vais venir te brancher avec plaisir. Très bien, très bien. Donc, on va dire à la limite que, parce que là, du coup, ça fait un peu tard pour que le mec d'EDF vienne. Donc, on va dire que je suis venu chez toi hier pour brancher les câbles. Voilà. Que on sait plus, blablabla, et que, ben, je t'ai proposé de reboire un petit verre et donc, du coup, t'es venu chez moi. Cette fois-ci. D'accord. Voilà, d'accord. Pour que je te montre la gueule de mon compteur, pour qu'il est plus beau que le tien. Enfin bref, une histoire. On verra bien. D'accord. Et voilà, donc du coup, c'est que voilà, que pour un one shot, tu vas simplement lui demander son autorisation pour qu'on couche ensemble, mais c'est juste un one shot, donc pas l'appeler en genre oh, il arrive un truc, tu vois, c'est genre pas catastrophique quoi. Au contraire, fous-toi un peu de sa gueule, genre c'est pas grave quoi. D'accord ? D'accord, là je suis chez toi. Et là t'es chez moi, on est à Montauban, exactement, et puis voilà, d'accord? Ok, pas de problème. Eh ben c'est parti, on y va, on l'appelle, je te souhaite bonne chance. Plus il s'énerve, plus t'as de chance de repartir avec un iPad mini ce soir, d'accord? D'accord. Allez, on y va, c'est parti, on appelle Johan, bonne chance Mélodie, moi je serai derrière, je te parlerai probablement mal de temps en temps, mais c'est pas grave, c'est pas bien méchant. D'accord. Allez, c'est parti. Allô? Oui, salut, ça va? Allez, toi, mon. Tu fais quoi? Hein? Si, là, moi, je rentre de chez Alex, là. Ah oui, effectivement, il a une voix efféminée. Bon, mais moi, je suis chez un pote, à Montauban. En fait, hier, tu vois, j'ai le mec de DF qui est venu pour l'électricité. Ouais, il l'a mis. Et en fait. Oui, là, il l'a mis. Quoi? Quoi, il t'a mis l'électricité? Oui. Oui, il a mis l'électricité. Et du coup, il me plaisait bien, on a parlé, on a échangé mon numéro, et là, il m'a proposé d'aller voir un verre, du coup, je suis chez lui. De quoi, il est sous de ma gueule, quoi. Non. Allez, qu'est-ce qu'il dit en... Vas-y, parle sérieux, on va t'embrouiller pour des conneries. Ah, bah, qu'est-ce qu'il dit? Oh, t'es où, là? Je suis chez le mec du DF. Eh, mais vas-y, dégage vite, là. Attends, c'est bon, il a un prénom, le mec de DF, hein, bon, quand même, hein. Je suis chez Michel. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord ou pas? Ah, si j'ai, je vais pas demander je vais, encore. Je vais prendre la voiture, je vais venir, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je vais te demander si ça t'embêtait pas si je faisais quelque chose avec lui ce soir. Quoi, franchement, c'est quoi? Ça va commencer à m'énerver, je vais prendre la voiture, je vais venir. Je te jure, je vais pas rigoler, là. Il est d'accord ou pas? Ah, vas-y, passe-moi-le, la fils de pute. Qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, passe-moi-le, parce que c'est facile de parler derrière le téléphone. Qu'est-ce qu'il veut? Rani, je te le passe si tu veux. Ah, il veut me Michel, parler. C'est pour toi. Allô, oui. Ah bah attends. Allô? Allô, qu'est-ce que tu fais toi ça? Souvent t'invites des meufs comme ça? Qui, c'est qui au téléphone? Ouais, c'est Johan, son mec. Ah! Ah mais tu m'avais pas dit pour sa voix. Pardon, oh, tu me prends pour un mongol ou quoi? Non, non, pas du tout, mais c'est parce que je m'attendais à avoir une voix plus grave. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Bon, moi c'est Michel, bah enchanté, hein. Ouais, va te faire enculer, va. Bah, pourquoi ton violence? Non, dégage de là. Pas de ça entre nous. Ah, franchement, c'est quoi? Si tu veux rigoler, viens, on se rejoint. Bah pourquoi faire? Pourquoi tu veux qu'on se rejoigne? Moi je suis déjà avec Mélodie là, j'ai pas envie d'aller voir un mec. Mais t'inquiète, moi je vais t'amener d'autres meufs, tu vas voir, viens. Ah non mais en fait, alors non mais attention, qu'il n'y ait pas méprise entre nous hein. Moi je veux pas te piquer ta copine hein. Ouais, tirer un coup et vrai. Repasse-moi là, parce que vraiment, voilà. Donc, en fait, si tu veux, donc moi j'étais lui mettre l'électricité et je voulais lui mettre plus que l'électricité, mais bon, par respect pour toi, on a reporté notre rendez-vous à ce soir et donc après, je lui ai proposé de coucher avec elle juste un soir. Après, elle m'a dit, bah, je suis déjà avec quelqu'un. J'ai dit, ok, bon, bah, demande-lui s'il est d'accord et donc voilà pourquoi on t'appelle. Non mais attends, vous me prenez pour des pigeons ou quoi? Mais pas du tout, au contraire. On t'appelle pour te demander ton avis, c'est plutôt gentil de notre part. Ouais, j'aurai mon avis aussi. Bah du coup là on est chez moi. Il va te plaire mon avis, ouais. Ouais mais t'inquiète pas, je vais retrouver. Y'a ah pas bon de soucis ça. Bah tu vas retrouver quoi? T'inquiète, je veux savoir où t'habites. Ah mais il suffit que tu me demandes, moi je vais te donner l'adresse si tu veux, c'est pas un problème. Bah vas-y. Ah bah alors très bien, bah t'as de quoi noter ou pas? Ouais, y'a pas de soucis. Bon alors R, je t'appelle hein, parce que c'est un peu compliqué. Ouais bah vas-y. Alors pardon, R, U. Ouais. E. Ouais, toi, fils de pute, franchement, c'est quoi? Je vais pas rigoler avec toi, je te le dis. Et alors j'ai pas besoin de toi, tout seul je vais venir, je vais t'enculer ta race toi. Avec une voix pareille? Ouais vas-y fais le malin, tu vas voir ma voix. Non mais c'est pour savoir, parce que je voulais savoir si comme tu parles de m'enculer, je voulais savoir si c'est aussi gros que ta voix. Grosse pute va. Oh bah pas de ça entre nous voyons. Enfin, bon je te la repasse deux secondes. Hé hey, Mélodie. Hé hey. Eh ben reviens là. Oh là là. Oh quelle est gourde. Bon tiens je te repasse ta meuf. Allô. Oh mais alors tu fais quoi franchement? Oh tu m'as pris pour quoi? Je l'ai placé deux fois. Oui je te demande juste ton autorisation, tu m'as dit qu'on pouvait tous dire. Ah ouais moi. Ouais mais c'est bon, moi tu veux que. Tu veux que j'aille moi? Moi je refuse, je refuse par rapport que je suis avec toi. Hé Mélodie. Oh. Oui. Il a dit d'accord hein, pendant qu'on était au téléphone, il a dit qu'il était d'accord mais juste un seul soir. Non mais dis-moi où il est. Y'a pas de soucis. Dis-moi où il est, je vais venir. Ah c'est trop gentil, franchement, t'es trop mignon. Non mais franchement c'est quoi toi aussi franchement tu crois je vais appeler ta mère tu vas voir si tu vas rigoler. Eh pas des mères, on parle pas des mères. Tu vas te faire baiser. On parle pas des mères, c'est pas bien. Voilà. Tu vas aller te faire baiser, c'est bien ça. Putain, belle éducation. J'aurais mieux qu'à la maison, hein, écoute. Mélodie, il est vieux jeu, hein. Bah oui, attends, maintenant de nos jours, curé. Alors, franchement, tu me prends pour un pigeon, je te jure que je vais pas rigoler. Quand je vais venir... Mélodie quoi? Je suis pas trop loin de la voiture, t'inquiète pas. Quand j'arrive, tu vas voir. Mélodie, tu peux repasser ma chemise ce soir-là? Non, mais je m'en fous, je vais t'attendre toute la soirée. Tu vas pas obligé de rentrer chez toi. T'allumes le truc, ouais. Ouais, bah allume le fer à repasser, ouais, si tu peux le... Tu peux faire un peu de repassage là parce que non mais ma chemise j'arrive pas à la faire. Donc comme j'ai besoin pour demain là, bouge pas. Tu peux pas lui dire guitare mais ça bien, toi tu restes avec un type comme ça toi. Allô. Ouais. Ouais, la brûle pas la chemise hein. Ouais non mais je rigole. Ouais mais je rigole pas. Bon allez. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, dis-moi Johan. Oh là. J'avais une question à te poser. Quoi? Bon, comme je vois que le feeling est plutôt bon. Quoi? Vas-y, parle. Je voulais savoir, comme j'ai droit qu'à une seule fois, il y a des trucs qu'elle aime bien au lit ou pas? Ou qu'elle aime pas, tu vois, que je... Oh gros bâtard, il y en a pas assez de meufs pour que tu choisisses des meufs des autres, toi? Mais ça n'a rien à voir, je suis venu la brancher, enfin l'électricité je parle, hein. Qu'est-ce que tu fais? L'électricité que je vais te mettre, moi, fils de pute. Ah mais si tu veux, tu me demandes, moi je peux te faire un petit devis, hein, si tu prends une mauvaise électricité ou t'as la mauvaise option. Putain, c'est facile de parler au téléphone, hein, mais tu verras quand tu vas me voir en face. Là, tu vas pas rigoler. Bah, justement, j'ai peur que si. Parce que si ton physique ressemble à ta voix, j'ai peur que ça me fasse rire. Ouais, ce qui ne serait pas méchant, hein. Mais viens, je vais te faire mourir de rire, viens. Attends. Non, tu rigoles. Et après, toi, tu crois... C'est pas vrai. T'as une jolie voix, franchement, c'est beau, hein. Attends, putain, et toi, Johan, l'éducation que t'as, toi, t'aimes bien me baser de tous les côtés, toi. Johan. Gros bâtard, va. Johan. Attends, parce que... Non, je te crois pas. Non. T'es roux? Ouais, je suis roux comme les épaules de ta bite, fils de pute. Ah non, moi ils sont noirs, mais bon. Non, t'es roux, t'es sérieux, t'es roux? Parce que Elmeus le fout de ma gueule, t'es pas roux, hein? Ah man, vas-y, c'est quoi tes conneries? Vas-y, avant que je m'énerve. T'es roux ou pas? Vas-y, ferme ta gueule, toi, j'ai pas envie de te parler déjà. Je comprends pas pourquoi autant de violence. Moi je suis là, tranquille, posé, gentil, et là il faut que t'agresses. Ouais ben c'est pareil, quand je vais venir chercher ta mère pour la baiser à quatre pattes, on va voir si tu vas rigoler aussi. Hein? Je vois pas le rapport avec ma mère. Je vois pas le rapport avec ma mère, en plus elle habite pas dans le coin. Ah oh, non. Bon écoute, attends, parce qu'elle a fini ma chemise là. Ah bah ben, il était pas trop tôt là, j'ai failli appeler quelqu'un là. Bon tiens, écoute, je te repasse là deux secondes et puis. Oh, je parle, Mamoun. Oh, quoi? C'est quoi ça? Ben quoi, c'est quoi? Oh, c'est quoi? Attends, je suis chez mon collègue, je rentre et c'est ça l'histoire quoi. Oh, il va pas nous chier une pendule hein. Je crois qu'on va se voir et on va pas se voir quoi, c'est quoi ça? Eh, il va pas nous chier une pendule. Vas-y là, c'est quoi ce bordel là? On va se voir. Je finis avec Michel et après on va se voir. Eh, il va pas nous chier une pendule, si? Dis-moi où t'es. Excusez-moi pour la chasse hein. Et j'ai un petit studio. Vas-y, je vais venir, je vais tout casser, je te jure. Oh, tout de suite les grands mots. Bon, Johan. Quoi? Qu'est-ce que t'as, toi, bon, encore? Allez, excuse-toi et on passe l'éponge. Ouais, vas-y, mais tu m'as pris pour une pute ou quoi, toi? Mais pas du tout, mais excuse-toi et on passe l'éponge. Et alors, tu sais, on va faire un autre deal. Tu t'excuses parce que quand même tu m'as insulté, ma mère et tout ça. Et en échange, de 1, je fais rien avec ta meuf. Et de 2, je t'annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ouais, tu vas niquer ma femme, c'est ça la bonne nouvelle? Bah non, justement, je viens de te dire, si tu t'excuses, je ne la baisse pas. Et en plus, t'as une bonne nouvelle en plus, en sus. Mais d'où je vais m'excuser? T'as cru que je vais m'excuser? Bah oui, parce que t'as été un peu violent. Tu baises ma femme, et là. Mais je l'ai pas fait encore. Mais d'où je vais m'excuser? Je vais pas m'excuser du tout. Je l'ai pas fait. Donc tu dis, voilà, bon bah je suis Johan, je m'excuse, voilà. Non, il y a pas de toute façon, même pour ce que vous avez fait, vous allez payer tous les deux, c'est tout. Putain, mais on a rien fait. Mais on a rien fait. On n'a rien fait. Bon, Johan. Mais ouais, toi, tu m'appelles, t'es avec. Johan. Putain. Hé hey, Johan. Johan. Ça va m'énerver, là. Oh là là. Oh, mais vas-y, tu vois, Johan, tu me prends pour un pigeon, là. Mais non, dis juste. Voilà, bon, je m'excuse. Voilà, hop, terminé. Hop, on enterre l'affaire. Et après, je te lance une bonne nouvelle. Ouais, vas-y, je m'excuse, vas-y. Oh, quel pouf. Oh, le pigeon. Oh, Johan, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. C'était le chéri, je peux te faire cocu. Mais oui, c'était pas vrai, Mamoun. Mais non, c'est pas vrai. C'était sur Fun Radio, là. C'était le chéri, je peux te faire cocu. Putain. Vas-y, c'est ça, ouais. Mais oui, elle a joué pour gagner un iPad mini ou un casque DJ. Donc là, en l'occurrence, toi qui vas choisir. C'est dégueulasse ce que t'as fait à ton mec, Mélodie. C'est une honte. Bon, on va filer le cadeau à Johan. On n'est pas des enculés, quand même. Hein. D'accord. Bah ouais, tu veux gagner quoi, Johan? Il y a l'iPad mini ou il y a un casque DJ? Bah l'iPad mini, hein. Ah bah l'iPad mini, hein. Eh bah très bien, parfait. Bon, on va t'envoyer ça alors, y'a pas de problème. Bon, salut Mélodie, salut Johan. Salut, merci beaucoup, allez, bonne soirée. Bon, et puis on va se refaire également un petit chéri, je peux te faire cocu demain, hein, si vous voulez jouer avec nous. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Appelez-nous, on joue demain bien sûr. Y'a Nico qui dit en tout cas le mec du chéri, je peux te faire cocu était remonté comme une pendule. Ah, il était en pleine forme, ça c'est clair. Hugo Rio aussi, je l'adore celui-là, le je peux te faire cocu. Virginie qui dit il est bon, Michel toujours aussi. Bon, oh bah merci pour lui Virginie. Laura qui dit le roux fait trop son malin avec sa voix. Vladimir Poutine aussi qui dit passe entre nous, la phrase mythique de Toff qui a été replacée. Eh oui. Et Ninon également. Salut Mickaël, j'arrive que maintenant, je sais que je suis bête, mais je vais pas avoir un message de bienvenue et un coup de pelle. Oui, c'est surtout que tu as une heure de retard. Ouais, hein. C'est deux coups de pelle minimum. Oui, minimum, effectivement. D'ailleurs, un petit message là. Va te faire foutre, connard. Voilà, et hop là, un petit coup de pelle. Et un deuxième coup de pelle. Restez sur Fun Radio, il est 21h09. On est toujours au cœur d'une heure sans pub. On va reprendre Dylan dans un instant pour la colle, pour gagner l'iPhone 5S. Je rappelle qu'il est toujours à gagner. C'est la version Gold qu'on vous offre. Il reste une heure pour vous inscrire, un petit peu plus. Vous allez sur le Facebook, facebook.com/MIKAELOfficiel. Déchirez vos livres et vos cahiers, pissez dans l'encrier, coursez vos profs dans les couloirs, écoutez Mickaël tous les soirs. Mickaël, No Limit, de 20h à minuit, sur Fun Radio. Et on se fait l'un des morceaux les plus chasamés là pour l'instant, Calvin Harris, c'est Summer. When I met you in the summer. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio, 21h13. Et puis surtout, toujours au cœur d'une heure sans pub. Cherchez pas ailleurs sur les autres radios. Il y a pas ça. Ils vous bastonnent avec la pub tout le temps. Nous, on est en mode pépère. Le dimanche soir en plus. Vous avez vu, tranquille. Si vous avez, si vous voulez d'autres radios, bah vous êtes les bienvenus. Hein. Vous êtes ici chez vous. On est là tous les dimanches soirs de 20h à minuit. Et tous les soirs de la semaine de 23h à 2h du mat. L'iPhone 5S a gagné avant 22h30. Avec la colle, on aura l'occasion de remettre le couvert avec notre ami Dylan dans quelques minutes. Hugo Rio qui dit vive le No Limit, je vous lâcherai jamais la team, let's go. Hugo Rio, le No Limit ça n'existe pas, c'est Mickaël No Limit le nom d'émission. Bah oui. Parce que j'en vois parfois qui mettent le hashtag No Limit, ça veut rien dire parce que du coup on les voit pas nous. Il y a Pixel également sur le Twitter, c'est mon anniversaire, peux-tu mettre la chanson? Bah évidemment, évidemment, évidemment. Alors attends. La petite chanson, elle est là. Eh ben bon anniversaire à toi du coup. Hein. Même si je sais pas quel hashtag, Pixel. Ah c'est Pixel Cube, voilà, alias Etienne. Allez, bon anniversaire à toi Pixel. Voilà, jusqu'au bout, et c'est fait. Voilà, il y a Vladimir Poutine aussi qui dit tu peux pas lutter contre tonton Michel, il est trop fort ce bâtard. Et Samantha qui dit je pourrais avoir un message de bienvenue, ça fait 6 mois que je vous écoute. Vous déchirez, bah c'est gentil ça Samantha là. Mais bien sûr qu'on va se mettre un petit message de bienvenue là, hop là. Bâtard que tu es. Et voilà, tout sympa en tout cas. Jacques est avec nous également, salut Jacques. Jacques. Jacques. Jacques. Frère Jacques. Jacques. Bonjour ouais, Jacques. Jacques de Marseille. Ouais. Ah, ça va Jacques de Marseille? Ouais, ouais, ça va. Eh bah, tant mieux alors. T'as passé un beau week-end, une bonne journée? Nickel, nickel, encore au boulot. Ah merde, tu fais quoi? Je suis serveur. Serveur? Ah, pardon. Où ça? À la Ciotat. À la Ciotat, d'accord, ok, très bien. Bon, bah écoute, bon service, c'est dans quel resto là? Le spot, le snack qui est sur la plage. D'accord, et t'es ouvert chez quelle heure? Dépend, minuit, minimum. Ah oui d'accord ok bon bah très bien donc si vous venez de la part de Fun allez si vous venez de la part de Fun vous avez 80% de ristourne ça va ça on peut le gérer ou pas bon allez 10% tu files un café allez, ça un café ou un cocktail sans alcool allez parti bon, alors, voilà. Bon après le problème c'est qu'il est 21h soleil se couche à mon avis il doit plus faire très très chaud mais bon si vous voulez y aller à la Ciotat c'est quoi le nom du bar encore? Le spot, voilà, c'est ça. Bon, vous y allez, il n'y a pas de problème. Je sais pas encore, ça n'a pas été confirmé. Normalement, on devrait être à Marseille pour la fête de la musique. Donc, du coup, on en profitera pour aller boire un petit verre au spot, du coup, Jacques. Hein. Tu nous feras le service, du morito, ouais. Tout ça, pépère, quoi. Et on va pas hésiter. Ces magnifiques poubelles sur le port de Marseille. Pas la Ciotat. C'est beau, le port, Marseille. Le vieux port, il est beau. Après, t'as les quartiers de mer, ouais. Mais comme partout. Nina qui dit, ça fait longtemps que je vous avais pas écouté. Bah, bravo, Nina, je te félicite pas. Mais c'est bien d'être revenu, cela dit. Bon, alors, Jacques, qu'est-ce qui t'amène? Moi, je vous appelle parce que je suis assez coincé avec ma copine dans la piscine. Ouais. Voilà. Comment ça, t'es resté coincé pendant un coït? Et voilà, j'essaie d'utiliser des beaux mots parce qu'on a un doux qui a 10 ans dans le studio là, donc on peut pas dire n'importe quoi non plus. Hein. Mais j'ai un collègue qui nous a surpris, ça nous a bloqué, on est resté bloqué l'un dans l'autre. Ah oui, ça fait ventouse. Hein. Ouais, bah c'est à la limite c'est pas toi qui a été surpris, c'est plutôt elle. Parce que toi oui. À la limite c'est pas toi qui gonfle au point de rester coincé, c'est elle qui se contracte et donc du coup c'est toi qui reste coincé. Oui, c'est sûr. Et comment tu t'en es sorti, c'est le cas de le dire. Pour le coup c'est pas au sens figuré. Bah, j'ai dit au collègue d'appeler les pompiers. Oh la grande, c'est bon ça, le grand moment de solitude dans la piscine. Mais là, c'est pas de te mettre un doigt dans le lionf. Je parle en verlan parce que le doux comme ça il comprend pas. Voilà, donc du coup, ouais, les pompiers, et après, bon, bah, les pompiers nous ont débloqués, ça se finit à l'hôpital, quoi, Attends, ça veut dire que les pompiers sont arrivés avec le brancard, ils vous ont mis tous les deux dessus l'un dans l'autre, mais non, et vous êtes partis à l'hôpital. Ah, trempé. Et mouillé, évidemment, et c'est ça. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, exactement ça. Attends, reviens avec nous là, parce que là t'es parti en train de servir, là on t'entend plus. C'est exactement ça. Ah voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous débloquer? Ils ont une petite piqûre ou un truc comme ça? Non. En fait, après, c'est bien on a réussi à se détendre un peu les deux et ça s'est bien passé en fait. Ah mais putain, heureusement. T'as le kit Malibre là, non? Ou le haut-parleur? Oui, j'ai le haut-parleur. Ah bah tu peux pas l'enlever parce que le son est pas terrible. C'est bon, j'ai l'enlevé. Voilà. C'est bon? Ah bah là ça va beaucoup mieux là. Et ta copine, qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que au niveau de l'angoisse, je pense qu'elle en tient belle quand même. Hein. La pauvre. Ah ouais, c'est clair. Entre elle et moi, c'est fini quoi. Donc, à cause de ça? Oh. À cause de ça, ouais. Non. Tout bon, ça pour un petit effet ventouse. Mais non, mais à la limite, c'est pas ta faute. Pourquoi elle t'a viré? Elle est con quoi. Ouais, ouais. De toute façon, c'était ça, elle était con. Ah ouais, franchement. Non, là, je suis déçu là parce que. Enfin, c'est pas ta faute quoi. Non, mais vraiment en plus. Ouais. Bon, et elle t'a viré vraiment, elle t'a dit bon, c'est à cause de ça, elle a pas essayé de chercher une autre excuse bidon, quoi, non, rien. Non, elle m'a dit c'est à cause de ça. Et oh, c'est ça faisait longtemps? Ça faisait 6 mois. D'accord. Ouais, mais enfin quand même, tu vois, c'est le principe, elle aurait pu faire un effort. Et tes potes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce que eux, ils ont dû bien se marrer, à mon avis aussi, non? Ah bah, ils étaient morts de rire. Sans déconner, tu m'étonnes. Putain, ça doit être bon ça. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes, si ça vous est déjà arrivé, des petits soucis comme ça, vous avez terminé à l'hôpital, mais pour un truc à la con. Genre là en l'occurrence là Jacques qui est resté coincé dans sa copine. Tof, c'était déjà arrivé un souci stupide ou alors je t'interromps, si vous êtes ambulancier, infirmier, médecin, vous avez des petites belles à nous expliquer, n'hésitez pas à appeler nous, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On vous attend. Non, je réfléchis, mais il m'est déjà arrivé des trucs graves pour lesquels j'ai fini à l'hôpital, mais des trucs vraiment des trucs graves. Il y a son poumon, hein. Oui, c'est rien, j'ai failli perdre un poumon. C'est rien, t'en as deux. Ah oui, c'est vrai. Attends, mais c'est ça. T'as deux poumons là, on va pas se faire chier. Bah, c'est pas grave. La prochaine fois, tu mets un sachet en plastique avec un petit tube et tu souffles. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Bah, voilà, ouais, mais ils ont resté collés du coup. Moi, je me suis coupé la main en faisant un sandwich. Je voulais déjà raconter, je pissais sans mec. Ah si, putain, j'ai failli oublier le. Ça te dérange pas que je peux terminer ou Vas-y, fini. Non, mais vas-y, je me suis rappelé d'un truc. Vas-y. C'est quoi, vas-y? Bah, je faisais la vaisselle et donc il y a un verre qui s'est ouvert en deux. Ah ouais. Et donc moi je tournais dans le verre pour le laver au fond, et donc en fait j'ai pas senti que le verre était en train de m'ouvrir le doigt. Oh. Et donc en fait t'as fait la boîte de conserve, quoi. Exactement. Ouvre boîte. Et donc ouais, je me suis retrouvé avec le doigt à moitié coupé, donc j'ai dû filer aux urgences. L'horreur. T'as mis du pipi dessus. Et ce qui est très drôle, c'est quand j'arrive aux urgences, la meuf elle me dit ouais bah vous voyez tous les gens là, bah ils passent avant vous. Et donc mais tu sais, moi j'étais en train de pisser le sang, j'avais mis un on pissait le sang, il avait 2-3 gouttes. Ouais, c'était hyper ouvert, donc ça coulait vraiment fort. Et j'avais une espèce de chiffon que j'avais mis dessus qui était couvert de sang. J'ai dit ouais, mais enfin j'aurais plus de sang d'ici à ce que quelqu'un me prenne pour me mordre. Oui, bah c'est rien, hein. Y a pire. Il y a pire, ouais, c'est ce qu'elle me dit. Grave. Elle me dit sinon il y a l'hôpital militaire là-bas, vous pouvez y aller. Ah bah oui, bah bonne idée, tiens, l'hôpital militaire, très bon choix là. En parlant de trucs à la con, Toff, il avait un truc à la con, il avait une moisissure pendant des années en haut de la fesse. Ah oui, c'est vrai. Ce truc moisi, et en fait c'était du savon. Ouais, c'était juste du savon. Et la plus grosse connerie également que Toff a eu, il était à l'hôpital, c'est quand sa mère. Okay. et le pire c'est, en fait il faut expliquer, c'est j'ai inauguré l'hôpital, ils étaient pas encore tout à fait bien préparés. Voilà l'explication. Bah oui, c'est ça, c'était ma mère était une des premières à coucher dans cet hôpital. Non. Ah si, et félicitons ta mère également qui apparemment a fait 50 voix parce qu'elle était aux élections. Hein. Voilà, elle va devenir nouvelle. Non, elle va devenir rien, elle aura juste 50 voix. Si, moi avec la mère de Toff, allons, on la soutient là, on vote tous pour elle. Voilà, bah c'est trop tard maintenant. C'est trop tard, c'est on essaiera l'année prochaine, ouais. Voilà, on va essayer de la faire élire. Bah c'est ça. Bon bah Jacques, merci beaucoup en tout cas, la Ciota au spot alors. Hein. Allez, oui, le spot, oui. Eh ben voilà. Excusez-moi. Eh ben, y a pas de problème. Voilà. Tu reviens quand tu veux, tu nous rappelles quand tu veux. Je peux passer une petite dédicace? Eh ben écoute, vas-y, profite à une seule personne, choisis la bonne. La bonne personne, à mon meilleur ami Juju. Très bien. En ce moment. Et ben voilà. Il y a possibilité de gratter un cadeau. Oui. Je voulais répondre à la colle. Eh ben écoute, tu peux essayer, mais c'est pas l'heure encore. Donc, et comme on sélectionne que ceux sur le Facebook et les SMS, tu peux toujours donner une réponse, mais je ne te dirai pas si elle est bonne ou pas. Le Titanic. Bah écoute, on va quand même poser la question à Dylan, je suis pas un connard. Hein. Dylan? Oui. C'est la bonne réponse ou pas de Jacques là, le Titanic? Ben non. Eh ben non, bah voilà Jacques. Bon bah voilà, t'auras bien essayé. Hein. Salut Jacques. Salut à toi. Allez, à bientôt. T'as coulé, ciao. Lui a dit. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bon bah Dylan, puisque t'es là, répète la colle pour gagner l'iPhone 5S. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? Alors, si vous avez la réponse, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et comme quoi, on a vraiment le cadeau. Ledoux qui est avec nous. Ledoux. Non, remets ton casque. À chaque fois il enlève son casque pour parler, Ledoux. C'est toujours le casque sur les oreilles. Toujours, toujours. En plus il veut devenir animateur là. Bon, le téléphone on l'a là, hein. Ouais. Voilà, très bien. Non mais il confirme parce que après il est déjà venu. Ouais, chez chaque on gagne là, chez l'iPhone là. Il voulait prendre les nôtres. Bah, il voulait déjà se servir. Il dit bon bah je vais prendre celui-là, plutôt faire mes courses, etc. Bon, oui. Donc du coup, alors il y a Léo qui proposait pour la colle, c'est le soleil. Non. Non, il y a Samuel qui proposait un poisson pour la colle. Non. Paola qui proposait le R, on l'avait déjà dit que c'était pas ça. Mickaël qui proposait un papier. Non. T'aurais pu faire honneur au prénom, Mickaël, merde. Un insecte éphémère pour Christian. C'est quoi un insecte éphémère? Je sais pas. Il y a Chewbacca qui dit je suis le retro. Attends, c'est quoi? Ah oui, ça c'est autre chose, ça c'est par rapport aux accidents. Donc on va le lire dans quelques minutes. On proposait un cadavre pour Gaëtan. Non. Et Cyril qui proposait un moustique. Non. Non, bon bah très bien. Allez-y les autres, hein. Et Mickaël officiel, tapez ça sur Facebook, rejoignez-nous. Et puis bah si vous avez la bonne réponse, vous répondez à la colle de Dylan. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? À vous de jouer. On donne la réponse dans moins d'une heure maintenant. L'iPhone 5S a gagné. Peut-être pour toi Dylan, c'est tout ce que je te souhaite. Si vous avez la bonne réponse et que vous passez l'antenne, vous donnez la bonne réponse à l'antenne, vous gagnez l'iPhone 5S, Dylan le perd. Si vous passez à l'antenne et que vous avez la mauvaise réponse ou que vous ne décrochez pas, Dylan gagne. D'accord? Dylan? Non, il est pas d'accord. Mais si, je suis là. Ah bah oui, bah enfin, il faut dire d'accord alors, Dylan. Bon, oui, oui, à tout à l'heure, Dylan. Dans moins d'une heure, tu seras peut-être le gagnant de l'iPhone 5S Gold en plus. Ouais. Ça, c'est beau. Ouais. Avec l'empreinte digitale sinon, et tout, c'est bien. Ou l'argent? De quoi? Si je finis deuxième, je suis bronze. Si tu finis deuxième, tu retournes chez ta mère les mains vides. Oh non. Ah si, ah bah oui. Ah si. A tout à l'heure Dylan. Ok. Ils font de plus en plus les malins les doux, hein. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Bon, tu voulais dire un truc toi le doux? Ouais, je veux bien passer une dédicace. Je veux bien, c'est genre... Tu veux bien mais... Est-ce que t'as déjà été officialisé doux? Oui. Oui, c'est quoi ton nom de doux? Le doux malin. Je viens juste me le donner. Je viens de le baptiser en direct. Ah, tu l'as fait aux antennes? Non, parce qu'il a été... baptisé à l'antenne, mais à l'époque je donnais pas son nom. Et c'est vrai, le doux malin. On l'a fait en live. Bon, tu veux dire bonjour à qui? Profites-en. À Lucas. Donc c'est. C'est le sous-chef. Il a compris. Il veut être animateur. Et directement, il salue les. Il salue les mecs un peu bien placés. Tu salut vois. Salut Pedro aussi. Non, voilà. Il sera pas animateur radio. Mais non, on parlait de Lucas. C'est le sosie de Toff. Ah, c'est le sosie de Toff. Ah bon, alors c'est pas le. Il faut l'applaudir. Hein. Ah, oui, bah, surtout pas de chance, le pauvre. Hein, mais... il veut deux messages de bienvenue. Plein. Bon, il en veut deux ou il en veut plein? Je sais pas combien, plein. Bah, plein. Je vais en mettre un. Ah, te faire un cul au PD, va. Voilà, et puis je vais en mettre un deuxième. Vous êtes déséquilibré. Bon, tu veux un plus fort? Attends, je vais t'en mettre un plus fort, là, voilà. Tu vas dire à ta mère que c'est la plus grosse pute que la terre qui soit portée, t'as compris, enculé. Désolé, il est parti tout seul, et puis bonne fête, hein, aux mamans, bien entendu, évidemment. Voilà, tu voulais écouter un son aussi, le doux? Lay Me Down d'Avicii. Lay Me Down d'Avicii, très bien. Bon, on aura d'abord Ariana Grande qu'on va écouter dans quelques minutes avec Problem. Et puis, bah, du coup, le son de Avicii, Lay Me Down. Voilà, et le doux danse, hein, donc c'est magnifique. Voilà. Il y a des auditeurs qui voulaient avoir la tête du doux. On va faire une photo avec le doux et puis on va la mettre sur le Facebook et le Twitter, comme ça vous allez le voir. Voilà. Qu'est-ce qu'il pense, Toff, du doux? Il est magnifique. Oh, quel talent. C'est un très beau doux. Ah oui, c'est un. Il honorera l'armée de Polo. Voilà, ouais. Et vous avez remarqué, il a comme tous les doux une espèce d'épi sur la tête à l'arrière. Ouais. Les cheveux qui remontent en pétard à l'arrière, c'est parfait. Tiens, Chewbacca qui dit: je me suis retrouvé la main coincée dans un radiateur en cours. Ça, c'est quand on fait le malin et qu'on essaie de voir jusqu'où sa main va. Sauf qu'il y a un moment, ça rentre et puis ça ne sort plus. Donc faut se méfier. Dites-nous si vous avez déjà eu des petits accros comme ça. Vous avez déjà eu des conneries comme Jacques qu'on a eu tout à l'heure, qui est resté coincé lui dans sa copine. Et on en parlera dans quelques minutes avec Jo qui est avec nous de Villeurbanne. Décidément, on cartonne à Lyon. Ça va, Jo? Salut, ça va et toi? T'es en forme? Ouais, ça va, nickel. Bon, bah tant mieux alors. Alors, Jo, tu veux nous appeler par rapport à quoi? Ouais, bah justement, par rapport au collègue qui est resté bloqué en ventouse avec sa copine dans la piscine. Ouais, ah, c'est ton pote? Non, c'est pas ton pote, Jacques, qu'on a eu. Mais bon, non, je l'appelle le collègue parce que je suis aussi dans le métier, dans la restauration, donc c'est pour ça. Ah, d'accord, ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'il veut? Un café? Il veut un café? Un picon bière, une 16, à la frappe, s'il vous plaît. Ouais. Je peux m'installer en terrasse, monsieur? Ah, bah non, vous allez manger ou pas, là? Bah non, c'est que la restauration. Oh là là. Et on garde la table de 4 au cas où il y a personne. Oui, ouais. Ici, il y a un groupe de 4 qui vient. C'est au moins, on a la table. Le truc qui m'énerve le plus dans les brasseries. Ouais, non, mais c'est plus que du vécu. Tu sais, quand il est 14h30, parce que nous, on mange, on est un peu décalé. On arrive parfois avec Polo, il fait beau, on veut se mettre en terrasse. La terrasse est vide, voire. Allez, on va pas exagérer. Elle est à moi, elle est remplie à un quart. Donc il reste quand même trois quarts de vide. On se dit, bon, on peut se mettre là pour boire un verre? Non, c'est que pour déjeuner. Ouais, mais je dis, les 14h30, là, vous aurez plus grand monde, là. Non, c'est que pour déjeuner. Ah bon? Il faut revenir à 15h, vous pourrez vous mettre. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 30 prochaines minutes, là? C'est pas comme s'il restait une place et que quelqu'un pouvait venir manger et tout ça. Non, les trois quarts sont vides. Et non, les mecs veulent pas qu'on s'installe. Et des fois, ils sortent. Oui, mais on va redresser les tables. Ouais, redresser. Mais on va bouffer, là, en fait. Redresser ta mère. Ouais. Bon, alors, du coup, Jo, toi, tu voulais dire quoi, toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé, là, comme accident? Enfin, c'est pas des accidents, c'est des trucs un peu. Qu'on appelle ça en merdant, quoi. Un peu la gêne quand tu vas à l'hosto à cause de ça. Ah ouais, mais non, mais là c'est même pire qu'une gêne, tu vois, pour une première fois, ça a été vraiment l'enfer. C'est quoi? Je sais plus quel genre. Enfin, moi je me suis fait dépuceler très très tard, j'avais 18 ans. D'accord. Ma gueule, enfin bref. Il n'y a pas d'âge, rassure-toi. Non, il n'y a pas d'âge, non. Il y a une vieille, elle a 51 ans là. D'accord, j'arrive. Tu dis c'est bon, là, cette fois-ci c'est bon, je suis débuté. Non, c'est con. J'étais parti en camping avec ma première copine, on va dire. Ouais. Et moi étant gamin, j'étais pas décaloté. Enfin, on ah oui, t'arrivais pas à descendre la peau complètement là. Voilà, puis ma mère n'avait absolument pas montré. Enfin bon, je t'écarte le détail. Ouais, ouais, en même temps, vaut mieux. Fois... Attends, mais t'es sérieux, fais-le toi-même. Non, normalement, quand t'es petit, quand ta mère te lave, elle est censée le faire pour justement que ça passe. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas dégueulasse ou quoi, c'est normal. Porc, va. Non, mais c'est normal. Sale porc. Bon, et donc, vas-y, continue. Écoute pas Polo, c'est un con. Et donc et du coup moi avec ma première copine, pour la première fois ça a été fait sous une tente et tout, ses parents étaient partis. Mmh. Et on a commencé à faire des petits préliminaires, on va dire, parce que pour la première fois tu te bases un peu au fil de cul et sur le cahier ouais. De la redoute. Mmh. Hein, bon, on sait de quoi on parle, bref. Le cadre de la redoute, ouais, il faut vraiment être en chien. Bon, enfin bah, bon, non. Soit. Hein, voilà, faut être en chien, bref. Et du coup, elle a commencé à se mettre sur moi et s'est assise d'un coup. Et donc je laisse imaginer le reste, ça m'a tout déchiré. Oui, forcément, ouais. Ah ouais, putain. Ouais. Et du coup, tout déchiré, du sang partout, on a dû appeler les pompiers en urgence et tout. Grande classe. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai dû me faire recoudre et me faire recréer le frein. Oh là, oui, c'est le frein qui a pété. Bah oui, elle était comme une bourrine. Mais il faut y aller doucement, les filles, même les garçons d'ailleurs. Allez-y, pépère, tout va bien, il n'y a pas d'urgence. Attends, pour une première fois, tu vois, la première fois, tu touches une femme, voilà quoi. Ah ouais, elle a dû te niquer tout. Ah bah la première fois, tu vas t'en souvenir. Hein. Ah ben ouais, justement, ouais, je m'en souviens pas mal. Hein. Du coup, sans déconner. Un an après à recoucher avec une personne. Quoi. Tu m'étonnes. Bah écoute, bah merci Jo en tout cas. J'ai eu mal pour toi là, tu vois, j'ai un peu serré les jambes. Ouais, mais comme tous les mecs qui nous écoutent là. Au final, vaut mieux à ce moment-là que tu sais, quand t'as déjà une vraie vie sexuelle active et que tu te dis, tu vois, je vais pas pouvoir baiser pendant 2 mois parce qu'il faut que j'attende que ça cicatrise. Mais quand t'as pas de vie sexuelle active, tu as la main qui est très active. Et dans les deux cas, c'est pareil. Fais-toi circoncire, c'est mieux. Ouais, bon après, c'est une question de choix, mais bon. Bah oui. Eh bah écoute, Jo, mais merci d'avoir appelé en tout cas. Mais je t'en prie, écoutez, vous êtes génial les mecs ce soir et franchement, continuez. Eh bah c'est gentil. Merci beaucoup Jo, à bientôt hein. Allez, à bientôt. Salut, bien, ciao. Allez, on aura Thomas, on aura Jérôme et Théo dans quelques minutes. La colle avec l'iPhone 5S à gagner et tous les messages qui arrivent avec le hashtag et Mickaël, on aura le top tweetos aussi tout à l'heure. Pour ceux qui débarquent pour la première fois, car oui, il y en a beaucoup qui nous écoutent ce soir pour la première fois, car on est les seuls à être là entre 20h et minuit, en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France, dans toute la Belgique, et ben, on aura le top tweetos. Le principe est simple, on offre un cadeau offert par... Passage du désir.fr. Il a foiré. Donc c'est un magnifique sextoy. Ça vaut quand même 100 euros, il y a les œufs vibrants, etc. Donc on vous offre ce soir, si vous êtes celui qui a le plus tweeté avec le hashtag et Mickaël, donc même quand vous tweetez avec vos potes, vous mettez le hashtag et Mickaël, ça vous fera monter dans les stats. Voilà. Bonne chance tout le monde. On aura les appels de Toff. Qu'est-ce qu'on aura spéciaux fessée. C'est la fessée. La oui. Fessée après Ariana Grande maintenant. Au cœur d'une heure sans pub, c'est Problem. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël No Limit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 20h à minuit sur Fun Radio. On est toujours en direct sur Fun Radio, effectivement, on vous laisse pas tomber. Il y a Anthony qui dit, c'est la première fois que j'écoute. Eh ben, bienvenue à toi, ouais. Anthony, là. Bah, ça, qu'est-ce que tu faisais avant, surtout, là? Comment ça fait que t'as mis tant de temps à débarquer, à te rendre compte qu'en face, il y avait que dalle? Il y a Diams aussi qui dit, mes doigts sont restés coincés dans la poignée d'une casserole, ça fait mal. Lol, et mon fils coincé le pied dans une porte de maison de poupée, obligé de la couper à la pince pour la décoincer. Et heureusement que t'as pas dû aller à l'hosto avec la maison de poupée. La honte pour le petit, quoi. Le garçon qui reste coincé dans une maison de poupée. Hugo Réo aussi. J'harcèle mes parents tous les jours pour monter à Paris pour venir vous voir et je sens que ça va payer. Bah ça va aller, Hugo Réo. Et ça paye toujours, mais si ouais. Tu prends la tête. Et Maëva qui dit, ça fait plaisir de vous retrouver. Vous m'avez grave manqué, je peux avoir un petit message de bienvenue. Ben oui, Maëva, on va te mettre un petit message de bienvenue. Bon, ferme ta gueule, gros bâtard. Ah, faisait longtemps, tiens. Bon, avant de récupérer notre ami Thomas, il y a Amanda, il y aura Jérôme, il y aura Théo, il y aura un autre Thomas aussi pour les accidents que vous avez eus, puisque c'est Jacques qui avait lancé le délire. Jacques qui nous avait appelé pour nous dire qu'il était resté coincé dans sa copine alors qu'il était en plein coït dans une piscine à Marseille. Et ça, c'est dommage. Il est resté coincé. En attendant, parlons fessé. Allons-y. Ah bah c'est parti. Ah d'accord, bah donc en fait il paraît que 50% des femmes de plus de 35 ans adorent la fessée. Exact. Et que c'est 18% des moins de 35 ans qui aiment ça. Et donc du coup bah on allait vérifier. On a vérifié effectivement grâce au numéro que vous envoyez sans cesse sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. N'hésitez pas d'ailleurs à continuer, bien sûr. On bien sûr, toute avec la soirée plaisir. Et toute la semaine, bien entendu. Et je vous mets la photo avec le doux aussi dans quelques secondes là sur le Facebook et le Twitter, là, bougez pas de là. Il va falloir donner vos avis hein, comme ça, comme il y en a beaucoup qui demandaient à quoi ressemblait le doux qui était avec nous là. Toujours là le doux? Ouais. Très bien, parfait. Il a remis sa casquette. Il a remis la casquette là, il a remis la casquette là, il a remise. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant le premier. Let's go. Allô. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aimiez recevoir des fessées quand vous faites l'amour. C'est quoi cette plaisanterie, monsieur? C'est pas une plaisanterie, madame, c'est une question. Allô. Oui, un instant, ne quittez pas. Bah, je ne quitte pas, madame. Un instant, il y a un mec qui me demande si j'aime avoir un fessé quand je fais l'amour. Allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, j'étais en communication avec votre femme. Et, oui. Et en fait, je lui demandais si elle aimait recevoir des fessées quand vous lui faites l'amour. Et mon pote, ta gueule. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Bah parce que tu m'emmerdes, là. Mais pas du tout, monsieur, je vous pose une question. Moi, je te dis, c'est mon poids dans ta gueule. Mais oui, mais ça... foutre. Mais ça foutre. Bah oui. Ah bon? Bah t'es un connard, toi. Mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous pose une question gentille, et vous m'agressez, vous voulez... Ah, mais moi, bon, les branleurs comme toi, moi, je leur éclate la gueule, hein. Mais pourquoi vous voulez m'éclater la gueule, monsieur? Je comprends pas. T'as que ça à foutre de raconter des conneries. Mais je raconte pas des conneries, monsieur, je vous pose une question. Mais moi, je t'emmerde. Moi, c'est ma réponse. Mais oui, mais ça répond pas à la question, monsieur. Mais qu'est-ce que t'as à foutre de ta vie que de raconter des conneries au téléphone, d'y faire chier le monde? Mais enfin, monsieur, moi, je vous fais pas chier, je vous pose une question. Ah si, tu m'emmerdes, là. Mais pas du tout, monsieur, répondez à la question. Allez, va te faire foutre et puis vous ne casse pas les couilles, hein. Mais oui, mais répondez à ma question, allô. Non, il est parti, là, attends, on va le rappeler. Hop, il avait l'air chaud comme la braise en plus, ce serait dommage de ne pas le rappeler. On y retourne. Allô. Oui, je m'excuse, madame, mais votre mari a pas répondu à la question. Oui, alors je vais vous dire une chose, monsieur, vous me rappelez avec un numéro qui s'affiche. Mais je peux vous donner mon... Si vous êtes un homme, vous m'appelez avec un numéro qui s'affiche. Mais je peux pas, madame, parce qu'en fait, ça marche pas dans mon téléphone, mais je peux vous donner mon numéro aussi. Si vous pouvez pas afficher votre numéro, vous m'emmerdez pas. Mais je vous en... madame, je vous pose une question, c'est vous qui répondez pas, qui perdez votre temps à crier. Eh oui, mais elle crie tellement qu'elle raccroche de nouveau. Attends, on va la rappeler encore un coup, hein. Même le téléphone, il est saoulé. Grave, grave. Allez, hop, on rappelle. C'est toujours toi le connard, hein? Oui, parce qu'en fait, vous avez pas bien répondu à ma question, monsieur. Je vais pas répondre à ta question. Pourquoi vous voulez pas répondre à ma question, monsieur? Mais t'es qui, toi? Moi, je m'appelle Toff, monsieur. Comment? Non, je dis, je m'appelle Toff, monsieur. Ah oui? Oui. Eh ben, c'est bien. Bah oui. T'as rien à foutre de ta vie, là? Bah non. T'as pauvre type? Bah pas du tout, monsieur. Enfin, pourquoi vous me dites ça? Mais t'es un idiot, toi. Mais non, monsieur. Enfin, moi, je vous appelle pour vous poser une question. Oui, mais moi, j'ai pas envie de répondre à ta question, puis t'arrêtes de nous emmerder. Bah attendez, je vous emmerde pas, monsieur. Je vous pose une question et vous n'y répondez pas. Je suis bien obligé de vous rappeler. Je peux pas répondre à ta question. Bah ça se fait pas, monsieur. Bah si. Bah non. Et ta mère a fait baiser par qui? Par un con comme toi? Bah non, monsieur, je couche pas avec ma mère. Oh, ça m'étonnerait, parce que con comme t'es, mon avis, tu dois vouloir, je sais pas, par qui assez baiser pour avoir un mec comme aussi con que toi. Ah bah monsieur, enfin, c'est pas gentil ce que vous dites. Ah bah moi, je suis pas un mec gentil. Ah bah oui, j'entends ça, monsieur. Hein? Alors que moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une petite question sympathique. Pas gentil, toi, tu m'emmerdes, là. Tu me casses les couilles, là. Oh non, monsieur, non. Si, si. Non. Si. Oh non. T'as à moitié pédé, toi. Pourquoi vous dites ça? Ah bah, je sais pas, t'es à moitié pédé. Ah non, monsieur, non, je peux pas vous laisser dire ça. Monsieur. Oh non, monsieur, pas de ça entre nous. Bon, allez, va te coucher. Hein? Mais vous voulez pas répondre à ma question avant? Ah bah, j'ai pas à répondre à ta question. Mais si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Ouais, mais tu vas pas nous appeler tout le temps, là. Bah, répondre à la question, je vous appelle. Ah bah, je répondrai pas à ta question, il y a autre chose à foutre que de répondre à la question d'un mec comme toi. Oui, mais alors je vais être obligé de vous rappeler, monsieur. Ah non, faut pas faire ça, mieux. Bah, pourquoi, monsieur? Parce qu'on va te tracer, on va te retrouver. Bah, je peux vous donner mon numéro, ça ira plus vite. Si tu veux, ouais, mais qu'est-ce que t'as à foutre de ta vie, connard? Bah, moi, je veux juste savoir, monsieur, si votre femme aime prendre la fessée quand vous lui faites l'amour, c'est tout. Bah, ça te regarde pas. Bah si, c'est pour ça que je vous appelle, monsieur. Ah ouais? Bah oui. Mmh. Eh bah allez, salut. Mais tu rappelles pas, connard, hein? Bah oui, mais alors dites-moi si elle aime la fessée. Et toi, t'aimes la fessée? Bah, quand je la donne, oui, j'adore ça. Ah ouais, tu la donnes, toi? Ah oui. Oh, tu dois baiser souvent, toi, avec la gueule de con que tu dois avoir. T'as la foutre, mais t'es vraiment un pauvre type, toi. Enfin, monsieur, c'est pas gentil, pas de ça entre nous, monsieur. Bah non, pas entre nous, mais il l'a quand même fait, là, entre nous, hein. Bon, attends, ça se fait pas. Oui, ça se fait pas peut-être, mais il l'a quand même fait, hein. Donc, attends, on le rappelle encore une fois, là. Allez, c'est parti. Oui, allô, madame. Allô. Oui, non, mais parce que votre mari, il veut pas répondre, je comprends pas pourquoi. C'est encore vous? Bah oui. Mais vous allez m'appeler longtemps, comme ça? Bah, jusqu'à ce que vous répondiez à la question. On se connaît? Bah non. Alors pourquoi vous me faites chier? Mais je vous fais pas chier, je veux juste vous répondre à ma question. Et vous savez quelle heure il est? Vous avez pas l'impression de faire chier les gens chez eux à cette heure-là? Bah non, madame, pourquoi vous dites vous ça? Vous voulez que je porte plainte? Bah alors, si vous portez plainte, c'est pour appel malveillant à caractère pornographique. Mais ça serait plus simple que vous répondiez. Non, je porterai pas plainte pour appel malveillant à caractère pornographique. Je porterai plainte pour harcèlement. Ah non, donc, ça n'existe pas ça, madame. Non, non, mais vous n'avez pas m'expliquer pourquoi je peux porter plainte. Ah, je si. Je vous dis qu'il faut arrêter de m'appeler. Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai bien compris, mais en tant que spécialiste, vous allez, madame. Vous allez faire chier quelqu'un d'autre, mais vous arrêtez de m'appeler. D'accord, mais en tant que spécialiste des appels malveillants à caractère pornographique, ce sont des appels malveillants à caractère pornographique, hein, madame. Non, mais j'en ai rien à foutre. Ça, c'est pour moi qui ferai le boulot. Vous arrêtez de m'appeler, d'accord? D'accord, mais vous voulez pas répondre? Alors, vous allez raccrocher et vous allez plus m'appeler, d'accord? Oui, mais répondez à ma question. Alors, j'attends que vous ayez raccroché, et rapidement, s'il vous plaît. Ah non, vous d'abord. Non, écoutez, j'ai raccroché 3 ou 4 fois mon mari aussi et vous continuez à me harceler. Donc maintenant, je vous demande, s'il vous plaît, de raccrocher le téléphone, que ça ne soit pas moi qui ai à le faire et de ne plus me rappeler. Non, on est d'accord ? Non, vous d'abord. Non, non, je vous ai posé une question. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Bah, seulement si vous raccrochez d'abord. Non, je ne raccroche pas d'abord. Je l'ai déjà fait, ça ne sert à rien, vous me rappelez. Voulez-vous raccrocher, s'il vous plaît ? Non, si vous raccrochez, je vous rappelle plus, promis. Très bien, au revoir. Eh ben, elle est partie, voilà, très bien. Eh ben, voilà. Et puis, bonne nouvelle également, on aura le canular dans quelques minutes aussi, hein. Allez, nique ta mère à la pute! Voilà, qui était très sympathique, comme vous avez pu le remarquer. On le fera dans quelques minutes. Christelle qui dit trop mimi le petit. Ouais, voilà, j'ai mis la photo de Joachim, le doux de 10 ans qui est avec nous. Elle est sur Twitter, sur l'Instagram et sur le Facebook. J'ai demandé qu'on donne leur avis, hein. Voir lequel était le plus beau, Toff, moi, Polo, ou le doux. Donc, allez voir. Facebook.com, tapez Mickaël officiel ou sur Twitter et sur Instagram. Là aussi, c'est Mickaël officiel. T'as été voir ou pas, le doux, là? La photo? Ouais, bah oui. Viens voir, on va la montrer là. Et bon. Je trouve que c'est moi le plus beau sur la photo. Oui, surtout, effectivement. Ouais. Ouais. Il y a Amanda qui est avec nous de Lille. Salut Amanda. Oui, bonjour Mickaël. Oui, bonjour Amanda, comment ça va? Salut. T'es en forme? Ça va. Bon, tant mieux. Il y a Jordan qui dit se fait tuer, Toff, c'est trop marrant. Je suis mort de rire. Christelle aussi, trop mimi, je l'avais lu. Devers45 qui dit et les gangsters de fun, ça va ce soir, petit retard. Je suis obligé de prendre un grand coup de pelle ou ça se passe comment? Eh ben écoute, nous ça se passe plutôt bien. Le coup de pelle, tu l'as eu puisque t'as quasiment 2 heures de retard. Et on salue également tous les nouveaux auditeurs qui débarquent ce soir. On en a beaucoup depuis la semaine dernière. Et c'est normal, hein, puisqu'on est les seuls à être avec vous en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio le dimanche soir. Profitez-en bien et surtout, faites passer le message à vos amis, car en tant qu'amis, vous devez de les sauver de radio médiocre. C'est enfin, vrai. Surtout d'émissions médiocres. Voilà, vous devez leur demander, leur proposer en tout cas de venir écouter au moins une fois Fun le soir pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Sinon, il y a non-assistance à personne en danger. Exactement. Bon, Amanda, sois la bienvenue à Lille. Toi, tu nous appelais parce que tu as, Jacques tout à l'heure de Marseille, tu as eu un petit accident. Lui était resté coincé dans sa copine, ce qui était un peu perturbant quand l'ambulance est arrivée. Et toi? Et moi j'ai vu en fait arriver une dame aux urgences. J'ai travaillé aux urgences et j'ai vu une dame arriver en fait sur un brancard avec un berger allemand qui était coincé à l'intérieur. Attends, t'es pas sérieuse là, un berger allemand était dans madame? Un berger allemand était coincé dedans, madame. Donc on a dû couvrir par un drap, la dame criait, le berger allemand criait. Mais Fallu du temps pour pouvoir les décoincer. Mais c'est pas possible, c'était voulu? Non, apparemment pour elle c'était pas voulu, le chien l'avait attaqué, mais après on n'était pas là. Hein. Oui, c'est ça, et ça paraît quand même genre elle a pas eu de chance, le chien l'attaque. Voilà, c'est ça, pour elle c'était ça. Oh enfin, après il faut le voir pour le croire, mais je veux bien le croire, mais je ne veux pas le voir. Mais comment vous l'avez sorti de là? Eh ben les médecins. Hein, on a donné une croquette au chien. Non, il a fallu attendre. Justement, il a fallu attendre que comme le garçon de tout à l'heure, hein, il a fallu attendre que ça se dégonfle tout seul et puis qu'après qu'ils finissent par se décoincer tous les deux. L'angoisse. Waouh. Putain. C'est plus pour les deux. Tu m'étonnes. Et il y a Jérôme aussi de Marseille là. Salut Jérôme. Jérôme. Oh là là. Salut Jérôme, coupe la radio et prends le téléphone, pas le kit manivre et pas de haut-parleur s'il te plaît. Voilà, ça y est. Impec. Donc toi t'es infirmier, t'as aussi vécu des trucs un peu bizarres comme Amanda qui est avec nous? Ouais, un petit peu, ouais. Je travaillais aux urgences et puis on a vu débarquer une petite mamie avec des douleurs au ventre, douleurs abdos et puis... Ça canne. C'est ça. Et donc? Et donc, bah après l'échographie, on a trouvé un pot de confiture. Ah bah la confiture bonne maman. Ah bah oui, non, hein. Oh là là. C'est dans les vidéos qu'on fait les meilleurs. Mais c'est pas possible. Et qu'est-ce qu'elle a dit, mamie, quand on lui a dit que c'était le pot de confiture? Ah ben bah, ça fait 3 semaines que je la cherchais. Ouais. La pauvre, non, elle perdait la tête, elle était en maison de retraite, donc... Est-ce qu'elle a mis toute seule ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui a mis, on sait pas. Oh putain, quelle angoisse. Mais tu crois que c'est une conspiration ou il y a un mec? Peut-être. Il y a un mec qui est venu qui lui a enfourné le pot de confiture. Va savoir. Calme-toi, Teuf. Des fois, heureusement qu'il s'est pas ouvert le pot. Mais tu m'étonnes, ouais. Bon, bah il y en aura d'autres. Il y a Théo, il y a Thomas qui vont débarquer. Il y en a deux là qui vont débarquer dans un instant. Bah merci Amanda et Jérôme pour la petite histoire, la petite anecdote. Merci. Et vous revenez quand vous voulez. Merci. Gros bisous Amanda, je te fais plein de bisous. Et puis Jérôme, il est parti. Ok, bah salut à toi, Jérôme. Bon, bah restez sur Fond Radio dans quelques minutes, il y aura le canular. Allez, nique ta mère à la pute. Voilà, et puis on écoutera aussi le son d'Avicii sur Fond Radio, Lay Me Down. À la demande du Doux là, d'ailleurs il y a la photo du Doux, hein, si vous voulez le voir, il est avec nous, il a 10 ans là, il est haut, pas plus haut que 3 pommes. Vous allez voir sur le Facebook, le Twitter et l'Instagram, vous tapez M-I-K-L officiel. Restez là, on se met la pub en super speed et on revient encore avec une heure sans pub juste après. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. J'ai enfin trouvé la lampe du génie! Je vais enfin pouvoir faire les 3 vœux! Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top! Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou de vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, on est de nouveau au cœur d'une heure sans pub sur Fun Radio. Bah profitez-en bien, restez bien là, il y aura le son d'Avicii dans un instant. Je l'ai promis tout à l'heure, il va arriver, hein. Lay Me Down, le son d'Avicii, c'est un de mes sons préférés pour l'instant sur Fun. Et puis il y aura aussi Nicki Minaj, le nouveau Pills and Potions, que je vous avais fait découvrir la semaine dernière. Et si vous voulez écouter des sons, bah vous demandez, hashtag et Mickaël, comme d'habitude. Il y a Robo qui dit aussi, moi vers 2h du mat, il y a quelques mois, j'ai vu un mec se faire pomper le chibre dans une voiture sur un parking. Moi j'étais mort de rire parce que j'étais cagoulé quand je suis passé devant eux. Ça a dû être stressant pour lui. Bah oui, ouais, m'étonne. Ouais. Ça a dû bien les faire flipper. Grave. Il y a Layam qui dit, Polo, tu es laid, trop stylé Mickaël et le doux. Ah, les deux, d'accord, ok, bah merci Layam. Il y a Mathis qui dit, Mickaël, t'as un sosie connu. Ah bon, bah qui? Bah balance un nom là, moi je vais nous voir. Moi j'ai bien des idées, mais elles vont pas te plaire. Qui? Mario. Mario? Ouais c'est ça, c'était Mario de la Starac. Ah de la Starac, c'est la vieille mais je me souviens de ça, voyons. En plus c'était faux. Solène qui dit aussi, il est chou Joachim avec sa casquette là, c'est Jojo. Le doux est choupinou. Ah il est choupinou nous. T'as vu, t'as déjà des fans hein? Non on t'entend mal, dans le micro le doux. On t'entend pas. J'en ai beaucoup. Ah oui, voilà. Bon, enfin, t'emballes pas non plus. Hein. Marine aussi, qui aime bien, trop mignon. Il porte une casquette à 8 ans, la racaille. C'est Matisse. Ah, il a 10 ans, attention. Hein. Et ouais. Oh, attention, attention. Hop, hop, hop. Anthony qui dit, les gars, je vous écoute tous les soirs. Trop marrant. Merci pour ces grands moments. Ben, de rien, merci à vous, parce que sans vous, on les ferait pas trop, les grands moments. Il est Mimi, Mimiquel est toujours plus beau. Heureusement, Audrey, quand même. Hein. Il a que 10 ans, là. Il va encore changer. Tu sais qu'en général, les petits-enfants qui sont mignons deviennent laids après. Ouais. Bah, moi, c'était pareil tout le temps. Oh, mais non, ah, c'est l'exception qui confirme. La règle. C'est l'exception qui confirme la règle. Non, moi j'étais laid quand j'étais petit, je suis devenu très beau. C'est Sandro qui me l'a dit la dernière fois. Ouais, bah oui. Ah oui, mais c'est quand elle a perdu la vue. C'est ça. Et Arthur qui dit, je vous écoute depuis 10 mois, j'ai pas eu de message d'arrivée. C'est normal Arthur, c'est un message de bienvenue, pas un message d'arrivée. Il se croit à l'aéroport. T'imagines, on fait des messages d'arrivée, des messages de départ. Bon, et Mathis qui dit, ton sosie c'est Jérémy Toulalan, enfin je trouve. Ah oui, on l'avait déjà dit. Ouais, vraiment fait, speed. Non, vraiment speed, je trouve. Je trouve que c'est vraiment speed. Non, il y a quelqu'un. Attends, il t'avait trouvé le mec de How I Met Your Mother. Des gens trouvaient que t'avais des ressemblances. Il y a une ressemblance. Ouais, mais après, il y en a plein qui m'ont dit, même Leonardo DiCaprio. Alors j'ai beau regarder à nouveau. Je vois pas quoi. Oui, quand il a eu un peu la barbe, il avait les cheveux un peu comme moi. Enfin, je veux dire, il y en a plein qui ont les cheveux comme moi ou un peu de barbe et de moustache, tu vois. Mais c'est pas non plus pour autant qu'on est sosie quoi. Dernièrement, on avait ta version, mais avec une allergie, avec le visage bouffi. C'est qui? Le mec là, je sais plus comment il s'appelait. Putain, ah oui, ah, bah, je me souviens plus. Ouais. Bon, bah 21h55 sur Fun. Bienvenue tout le monde. Il y a Thomas, Théo et un autre Thomas qui vont nous parler d'accidents stupides. Et avant ça, on va d'abord se faire évidemment le canular. Vous connaissez le principe. Tous les soirs, on en fait ça. Hein, tous les dimanches soirs. C'est parti. C'est avec Youssef qui est avec nous pour le canular. Là, comment ça va, Youssef? Ouais, salut. Ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Bon, t'es dans quel coin, Youssef? Bah là, je suis à Lyon. T'es à Lyon, t'es lyonnais ou t'es là comme ça? Ouais, non, je suis lyonnais. D'accord, ok, très bien, parfait. Alors, Youssef, on va faire un petit canular. Qu'est-ce qu'on fait comme canular? Bah, on va faire croire à un ami que je suis gay, quoi, et puis j'ai envie. Ah, que t'as envie de lui. Voilà, c'est ça qui va être bon. Très bien, écoute, ça me paraît un bon plan. C'est un vieil ami, enfin tu le connais, c'est un ami de quoi? Un ami d'enfance? Ouais, c'est un ami depuis tout petit, je le connais. On a tout le temps, on est tout le temps ensemble. Ça, on a pris des douches ensemble. Voilà, voilà, c'est on ça. On a pris des douches, voilà, ouais. Ok, ok. Ah, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle il pourrait croire que t'es gay? Bah ouais, là. C'est que souvent, tu sais, je lui touche, je lui lance des petites phrases, j'aimerais bien coucher avec toi. Ah bon? Et voilà, je le dis à la rigolade, quoi. Et lui, il pense que... Ouais. Que je rigole, et là, on va lui faire croire que c'est sérieux. C'est marrant de dire ça à la rigolade. Ouais, c'est marrant, bah, je vois pas, j'ai des petites pensées qu'ils ont envie de faire pour de vrai. Alors, je rigole. Ah ouais, non, mais y a pas de mal, après, tu fais ce que tu veux, moi, ça me pose pas de problème. Non, je veux pas ça, du tout. Aucun souci. Bon, alors, ce qu'on va faire, donc, tu vas lui faire croire, donc, effectivement, que t'es gay, que ça fait, bah, comme il le sait, pour le coup, tu le fais vraiment, tu sais, que tu lui fais quelques petites caresses à gauche, à droite, et que, ouais. Du coup, t'as cru comprendre qu'en fait, il avait pas trop l'air fermé, et que un ami à toi, alias Michel, homosexuel, t'a conseillé, évidemment, de, bah, d'y aller franco de port. Ok, c'est voilà. Super, voilà. On va donc tu lui dis ça, et alors si on voit qu'il s'énerve et qu'il commence à être un peu assez chaud, du coup on lui proposera de faire un truc à plusieurs avec Michel, bien entendu. Ok, d'accord. Parfait. Super. Bon, et ben on y va, il y a une GoPro à gagner, hein. GoPro Hero 3 Plus, ça vaut 300€, donc si t'es bon, tu la gagnes. Si t'es mauvais, tu la gagnes pas, d'accord? Ah ouais, ok, d'accord. Bon, t'as mis la pression là ou pas? Un petit peu. Ouais, mais écoute, je vais essayer de... C'est quoi le but? Il faut que je réussisse à... Bah il faut qu'il... Non mais il faut qu'on se marre, quoi, voilà. Après, il faut qu'on s'éclate. Voilà, il faut qu'on se marre, c'est tout simplement. S'il s'énerve, c'est mieux. S'il t'insulte, encore mieux. Après, on verra, on n'est pas dans le détail. Ok, okay, d'accord. Bon, quoi okay. qu'il en soit, j'ai prévu la musique. Tout est prêt. Tu vois, c'est juste pour se mettre bien, tu vois, pour se mettre dans l'ambiance. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est pas... Et puis l'avantage, c'est que c'est pas du tout cliché, donc... Non, bah non. De ce côté-là, on est tranquille. Bon, allez, c'est parti, on y va, Youssef, on l'appelle. Pardon, on l'appelle, là, vas-y, nous on est derrière. Au début, on parle pas. On est derrière, il va aimer ça. Allô? Oui. Allô, bonjour, Farid, salam, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, c'est Youssef, là. Ouais, je suis Youssef. T'es où? Ouais, ça va, tranquille. Moi, tu vas bah, pas là, je suis au quartier, là. Ah, pourquoi tu appelles en inconnu? Ah, c'est mon téléphone, désolé. Il est en panne. Ah, tranquille, déjà. Dis-moi, tu fais quoi là? T'es tranquille ou quoi? Tu fais quoi, tu viens? Les gens nous entendent pas, évidemment. Ouais, je vais pas tarder, mais en fait, voilà, je voulais te parler un peu et... Voilà, je voulais t'avouer un truc, tu vois. Et voilà, je me suis dit, c'est le moment, j'ai vu un ami, tu vois, j'ai pris contact avec un ami, j'ai parlé avec lui et tout, et il m'a fait comprendre, tu vois, il m'a conseillé de te parler directement, tu vois, je préfère te le dire au téléphone, j'ai peur de ta réaction en face à face. T'es un choléra, tu veux me dire quoi? Hein? Tu me dis pas en face? Non, mais tu vois, même là, je suis... Vas-y, dis-lui, sois fort, dis-lui. Bah écoute, en fait, je sais pas si t'as remarqué, ça fait quelques années, tu sais que je te lance des petites phrases, ouais, Farid, viens, on douche ensemble, Farid, viens, on dort ensemble, tu vois, je te passe des petites mains, toi, tu sais, tu dis ça en rigolant, je t'ai trouvé, ouais. Toi, pas assez fermé, et en fait, je t'annonce, c'est que je suis gay, quoi. T'es là? Je suis gay. Et en fait, j'ai envie de coucher avec toi, et je te jure, c'est vrai. Non mais je t'assure, c'est justement pas, je suis très sérieux là. Qu'est-ce que tu dis? J'ai vu un ami à moi qui s'appelle Michel, je vais pas te le mentir, je l'ai déjà fait. C'est celui qui parle la dernière fois, c'est qui? Comment est-ce qu'il réagit? Bah comment est-ce qu'il réagit? Apparemment il le prend pas assez mal. Ah bah tant mieux, parce qu'en plus il va bien le prendre, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah bon? Oh bah je suis content pour toi là, je suis vraiment content pour toi là. Comme t'avais l'air un peu inquiet là, c'est... Non ça va, je suis content pour toi, comme t'avais l'air inquiet, je suis très content. T'es content de quoi? On fait une fête! Content de sexe, je sais pas, on dirait que tu prends pas mal, ça fait que je suis content. Ah, mais vas-y, t'es sérieux là, t'es gay? Bah oui, je suis gay, tu me touches. Y'a rien de mal. Comment y'a rien de mal, Pélo? Touche, pourquoi tu me touches? Bah ça fait... écoute, à chaque fois que je te touche, je prends à la rigolade. Voilà, c'est sérieux, Pélo. Non, ben non, je suis très sérieux. Est-ce que... dis-lui qu'il peut venir ce soir à la maison. Ah oui, on fait une gueule. Ah putain, oui, ta mère, t'as derrière, ça, là. Non, mais tu viens de la maison. Ça, tu vois, ça c'est mon petit ami, ça fait 4 ans que je suis avec lui. Je vois pas pourquoi tu lui parles comme ça. Entendu, Youssef, il est gay. Bah, c'est pas la peine de le dire aux gens, toi aussi. Pourquoi mais attends, mais je te jure, ouais, je fais ça, on s'est connu. Eh mais dis-lui qu'il vient de la maison ce soir. Oui. Écoute, moi je suis avec mon ami Michel. T'inquiète, je vais passer, je suis avec mes Jésus, on va passer, t'inquiète. Attends, mais passe-le-moi si tu veux. Ouais, bah tiens, écoute, Farid, je vais te passer mon ami Michel. Vas-y, bah passe-moi. Allô? Ouais. Ça va, c'est Michel. Ah écoute, je suis très content parce que ça fait plusieurs semaines. Ça fait plusieurs semaines qu'il me parle de toi. Attends, ça me fait plusieurs semaines qu'il parle de toi, donc c'est moi qui lui ai dit, bah écoute, vas-y, dis-lui, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe. Donc là, je suis plutôt content. C'est la faute, toi. Ouais, dans la religion, ça se fait pas d'être gay. Mais on s'en fout, c'est la vie, hein. C'est pas la vie, c'est pas comme ça que ça se passe. En plus, il me touche, pourquoi il vient, il me touche. Il me touche pas, si l'est gay, il va faire sa vie à côté. Je vais l'enculer, ce bâtard, dis-moi pas qu'il est comme ça. Non mais c'est rien, écoute, il avait des envies comme ça. Mais en fait, je crois, et je vais t'avouer, je crois qu'il est plutôt bisexuel. Parce que on l'a fait une fois ensemble, et il a pas l'air aussi dur. Pourquoi il vient, il me colle, il me touche. En tout cas, lui, il m'a dit que tu pouvais. Non mais écoute, mais ça tu t'arranges avec lui. Mais tu viens pas avec moi, tu traînes pas avec moi. Ah mais non, mais écoute, Minou. Passe-moi avec moi. Eh Foufou, c'est pas grave. Parle pas avec moi, s'il te plaît. Passe-moi le. Faridou. Passe-le-moi. Bon, écoute, tu viens à la maison ou pas? Passe-le-moi, vas-y. Bon, attends, je te le repasse. T'inquiète pas, je vais passer. Vas-y, passe-le-moi. Bon, ben, génial. Ah, Youssouf. Youssef, écoute, je viens de discuter avec lui. Il passe à la maison, il a l'air très ouvert. Ah ouais, écoute, je prépare les lubrifiants. Mais est-ce qu'on peut lubrifier les fesses? C'est magnifique. J'aime pas, je pense que Farid, tu mets un truc à essayer, Farid. Oui, tu vois. C'est le gros bâtard, va, Youssef. Arrête, insulte-moi pas juste parce que je suis gay, Farid. Oh, ah, c'est bien. Je vais le dire à tout le quartier. Là, il y a tout le quartier encore en train de crier, là, dehors. Oh, Youssef, c'est un gay. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien de le dire à tout le monde. Et en plus, c'est que c'est tout seul, je serais pas capable de le dire à tout le monde. Mais voilà, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on essaye au moins un plan 3 que ce soir, Farid. Après, si t'aimes pas, mais il faut essayer, merde. Voilà, il faut pas mourir bête. Youssef, au moins, écoutez pas le choléra là-bas derrière. Tes cheveux, là, direct. Faridou. Mais Faridou, Doudou. Faridou. Arrête, c'est mon copain. Faridou. Je vais passer. Faridou. Dis-moi, allez, t'es où? Je suis avec Michel en bas de chez moi. Eh Faridou! En bas chez toi, normal en plus, en bas chez toi. Eh Faridou! En bas chez moi, écoute, ma mère, elle sait pas que je suis pédé, ça fait, j'en profite. Eh! Ah, j'ai un choléra, mais oh, t'as tante! Eh Faridou! En bas chez toi, en plus. Eh Doudou! Écoute, oui, vas-y, Michel, parle-moi pas comme ça, espèce de tuant, gueule. Dis pas ça. Pourquoi tu dis ça? Quelle violence! Ah oui. Ah ça se fait pas, hein. Ah si, moi j'aime ça comme violence. J'arrive là. Mais non, mais c'est bon, viens pas, ça sert à rien, c'est pas vrai, c'est une bête, tu peux en battre moi. Je suis chez lui en fait, là on t'attend, c'est pour ça justement que tu t'es appelé. Allô? Merde, il est parti. Il est parti, il a raccroché. Heureusement, avant qu'on l'appelle, tu dis... Non, non, mais il a rien contre les gays, il est juste... voilà, il est pas gay, mais c'est tout. En fait, on l'a déjà parlé, en fait, apparemment, il a rien contre les gays, mais il veut pas les approcher, quoi. Attends, non, mais enfin, bon, mais c'est pas... Ils sont pas malades, hein. Non, mais attends. Non, mais je sais, bon, attends, on le rappelle. Attends, on le rappelle. Je veux pas qu'ils viennent en bâtiment parce que je suis réellement en bâtiment. Oh, merde. Je vais me cacher dans l'allée d'à côté. Attends, on va le prendre. Allô? Faridou. Oui. Ah, je suis en bas de chez toi, je te vois pas là. T'es où? Mais c'est normal, on n'est pas en bas de chez lui. Bah vous êtes où? Vous me faites balader comme ça, moi. Mais on est en bas de chez moi, ça fait depuis tout à l'heure qu'on te le dit. Mais oui, mais oh là là, il n'écoute rien. Bon, écoute, je vais te donner mon adresse. Vas-y, bah passe-moi ton adresse, qu'est-ce que ça t'attend? Bon, est-ce que t'as de quoi noter? Ouais, t'inquiète, c'est mon pote, il est à côté de moi. Voilà, donc c'est R, je vais te l'appeler, hein. R. Vas-y, Marc, R. U. U. Vas-y, Abrège. Bah R, U, E. Vas-y, abrège, ouais, vas-y, rue, ouais, vas-y. Espace. Vas-y, D-A. Vas-y, tu veux que je vienne ou pas, là, on va faire un plan à 3, vas-y. Oh, vas-y. C'est génial. On va faire un plan à 3. Ouais, il y a Génial, là, avec moi, vas-y, à 4. Il y a qui, ouais, Génial? T'as vu, tu te fous de ma gueule, toi, ça, j'apprécie pas, c'est pas bon de ta part, Paris, tu vois. Ah, il y a Génial qui est là. Youssef, t'es sérieux, là. Youssef, sérieux. Va te faire enculer, ça. Tu vas me faire balader, là, tu vas me faire venir. J'espère que c'est une blague, arrête de te racler sur moi. Je te jure, c'est pas une blague, Farid. Tu crois que je vais t'appeler comme ça avec Michel, arrête. Tu vas te faire enculer, sale PD. Oh, putain, c'est avec un pelot qui s'appelle Michel. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est bizarre, c'est raciste. Farid. Pourquoi tu fais des trucs? Faridou. Vas-y, parle pas avec moi, s'il te plaît, parle pas avec moi. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Voilà. Attends, tu brises les os, mon gars, je t'encule au passage. Tu fais quoi, toi, espèce de sale tremblant, là? Je brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Vas-y, bah j'arrive, là. Mais non, bon, Farid. Farid. Allô, Farid. Vas-y, donne-moi ton adresse, arrête de... Bon, alors, R. Allô. Allez, nique ta mère, la pute. Oh non, Farid. Farid. C'est bon, qu'un toi, pourquoi t'as insulté ta mère? R, il est parti. Allô, il a raccroché. Ouais, c'est énorme. Et on peut découper celui-là, je vais le garder dans les extraits. Ah bah, nique ta mère, la pute. Ah ouais. Oh, il est bon. Bon, allez. C'était pas pour moi. Hein. Non, bah non, c'était pour moi, t'inquiète pas, Youssef. Bon, allez, on le rappelle. Enfin, c'était pas pour moi, c'était pour lui. Je te brise les os, mon gars, je t'encule au passage. Oh non. Bon, attends, on le rappelle. Bonjour. Merde. Merde, il est en train d'appeler tous les potes là. Ah putain, ouais, mec, il va t'afficher au Youssef. Bon, allez, c'est parti, on rappelle. Bon, et ceci est un canular hein, pour tous les. Parce que la majorité des gays vont comprendre, mais après t'as les relous qui vont dire oui, c'est dégueulasse, c'est une bande d'homophobe. Non, mais je préfère prévenir. Allô. Faridou. Oui. Faridou, arrête de raccrocher, s'il te plaît. Vas-y, bah dis-moi, t'es où là? On est sur Fun Radio. Mais oui, Farid. C'était une blague, Farid. Eh, tu t'es fait baiser par Youssef, au sens figuré, bien sûr. Évidemment. Tu m'as vraiment crié, t'étais content parce que j'allais te péter de cul. Il était content, il faisait le mec, il est le bon. Il a plein de vraiment entendu. Youssef, Youssef, il a déjà été mettre des 4 par 3 dans toute la ville là. Hein, ça y est. Ah ouais, ça y est, c'est fait, ouais. Il y a ta photo avec un gros cœur et tout. Sinon je sors plus de chez moi là. C'était une petite blague, c'est tout entre amis quoi. Mais oui, bon ça va Farid. C'est sur une radio. Ouais, mais oui, t'es sur Fun. C'est sur la radio que t'es sur Fun Radio, Farid. C'est Fun Radio, mais Fun Radio, mais oui, c'est Fun Radio. Eh Farid. Ouais. Attends, tu mets la radio en 2 secondes. Farid, attends, tu veux qu'on file le cadeau à toi ou tu veux qu'on file le cadeau à Youssef? Ouais. Quel cadeau? Ah, il y a un cadeau. C'est une, en plus. C'est, ah oui. C'est une ah GoPro, oui. Une GoPro Hero 3 Plus. Une quoi? Une GoPro? Une GoPro, ouais. Non. Eh ben, tu vas gérer ça hors antenne. Bon, Farid, bouge pas. Youssef, merci d'avoir appelé en tout cas. Tu reviens quand tu veux. Ouais, de rien, tranquille. Hein. Et puis, vous arrangez avec Sandro au standard pour gérer la GoPro, là, d'accord? Allez, super, ok. Allez, salut Youssef. Allez, salut, ciao. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit canular, vous n'hésitez pas, hein, vous inscrivez, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y aura des cadeaux évidemment pour vous. Semaine prochaine, enfin dès demain, on aura des Wii Mini à vous offrir. Il y en aura des mallettes de poker également si vous voulez démarrer là-dedans. Ouais, ça va être bien. Il y a Titi qui dit trop marrant le canular. Nadia aussi, je te brise les os et je t'encule au passage du désir.fr. Il est utile de le repréciser, c'est vrai. Évidemment. Bien sûr, précisons tout le temps. Voilà, Nicolas qui dit canular gênant. Bah, pourquoi gênant, Nico? Il y a Virginie qui dit trop bien le canular, la voix de Deb de Toff. Anthony qui dit trop marrant, le mec qui fait croire qu'il est gay. Le Doux doit être choqué. Je sais pas, il était choqué ou pas, le Doux là? Il écoute pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, bon, ça va alors, très bien. Devers 45, et maman, elle est choquée ou pas? Elle est scandalisée, elle se dit comment ça, mon fils écoute ça? Mais quelle horreur, moi, maman. J'ai l'habitude. Hein. Qu'en pense maman? Voilà, c'est comme ça. Hein. Oui, c'est comme ça. Quel âge a maman, grosso modo? Ah. Bon, plus ou moins, plus ou moins. Bon, plutôt... Une fourchette. Oui, une fourchette. Une fourchette. Non, bien fort dans le micro. Entre 30 et 40. Entre 30 et 40. Bon, ça va, jeune. Bah oui, jeune. Bah oui, mais ça va, jeune. Bah très bien, elle est pas choquée, évidemment. Devers 45, il dit, vous faites toujours aussi fort pour les canulars, je surkiffe. Grave, mort de rire, comment vous faites trop les enfoirés, c'est trop ça, on adore. Hein. Jojo du 78, il dit, minou, Faridou, je veux parler avec toi. Et fan de fun qui dit, je prépare le lubrifiant. Salma qui dit, mort de rire, le canular, que du kiff. Mort de rire avec Michel, c'est Cédric. Et puis il y a Mathieu aussi qui dit, je vous écoute tous les soirs. Vous êtes trop bon, vous pouvez faire une dédicace à tous les crossman de France et au bahut de Beaumanoir. Et ben, le message est passé. Merci à vous d'être là, en tout cas, tous les soirs. On est de plus en plus nombreux à être sur Fun Radio de 20h à minuit le dimanche, de 23h à 2h du mat tous les soirs de la semaine. Et puis avant de se faire le son d'Avicii avec Lay Me Down, on va reprendre Dylan, dernière fois. Dylan, avant de donner la bonne réponse, Dylan pour la colle. T'es là, Dylan? Oui. Bon, l'iPhone 5S a gagné. Dans 20 minutes, on saura qui va repartir avec cet iPhone 5S. Est-ce que c'est toi, Dylan, si personne ne trouve la réponse, ou si la personne qu'on appelle ne décroche pas ou donne la mauvaise réponse, on sait jamais, qui décide de changer d'avis, on sait pas. Ou alors, c'est la personne qu'on appelle, si elle donne la bonne réponse, qui gagne. Bon, vas-y, Dylan, fais péter la colle. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais, qui suis-je? Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais, qui suis-je? Vous envoyez M.I.K.L. et la réponse au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Il y a Arthur qui proposait sur Facebook, M.I.K.L. un poisson mort, c'est Arthur? Non. Non, il y a Gilles qui proposait la réponse, c'est la lettre H. Non. Non, il y a les feralgans pour Willy, car il va au fond du verre, il remonte et ensuite disparaît. Bon, c'est l'aspirine, quoi. Bon, c'est pas ça. Allez-y, si vous voulez, il vous reste 20 minutes pour vous inscrire. Vous pouvez le faire sur le Facebook également. Vous tapez M-I-K-L officiel et puis vous nous rejoignez. Il y a la photo où j'ai l'iPhone 5S que je vous offre. C'est une version gold. Hein. Vous allez pouvoir le remarquer sur la photo. Vous allez pouvoir donc voir ce magnifique iPhone et puis surtout répondre à la colle. Regardez bien également, puisque si on vous tire au sort sur le Facebook, il faut nous donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous appeler. Donc regardez bien dans votre boîte à messages et surtout dans autres, car parfois c'est là qu'arrivent les messages. Donc voilà, c'est con de tomber là-dessus quelques jours après. Non, mais ça marche par SMS et sur le Facebook, Dylan. SMS c'est plus avantagé. Bon, non, pourquoi? Pourquoi ce serait plus avantagé, Dylan? Parce que comme ça, s'il répond pas, parce que. Si on demande par message privé le numéro, c'est sûr qu'il va répondre. Bah non, pas forcément, pourquoi? Parce qu'on peut très bien envoyer un message maintenant et tirer au sort quelqu'un maintenant, tu vois, on sait pas. Ah, ok. Encore un doux qui fait le malin, décidément, il y en a beaucoup ce soir qui font les malins. Dylan, reste avec nous, les accidents cons, Thomas, Théo et un autre Thomas, on va en parler dans quelques minutes. On aura Amaël également avec vous, enfin avec nous, puis avec vous aussi d'ailleurs. Et puis on va se faire les appels de Toff, hein. Appels de Toff, on l'avait les fessés tout à l'heure et on va parler de tromperie maintenant. Maintenant, dans un petit quart d'heure quoi. Bah, parce qu'on a le stéréotype type du mec qui peut faire... détourner votre femme, hein. D'accord, eh ben on va en parler dans quelques minutes. Vous restez là, on est au cœur d'une heure sans pub. Je l'avais promis, le son d'Avicii maintenant, Lay Me Down. C'est le doux là qui est avec nous de 10 ans qu'il avait demandé, n'est-ce pas? Ouais, très bien. Avicii, Lay Me Down, on écoute ça maintenant. 22h12 au cœur d'une heure sans pub. Bienvenue, c'est Mickaël No Limit, on est là jusqu'à minuit ensemble sur Fun. L'excellent son d'Avicii à l'instant sur Fun, c'était Lay Me Down. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio avec dans quelques minutes le son de Nicki Minaj. Je vous le cale aussi comme promis. Pills and Potions. Donc vous restez là, ça arrive avant 23 ça. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez choisir un son, eh ben n'hésitez pas, hashtag et Mickaël, vous demandez, on peut faire un point top tweetos peut-être? Mais bien sûr. On est un peu plus de la moitié de l'émission, mais bon, reste encore un petit peu de travail quand même. Si vous voulez tenter de repartir avec un magnifique sextoy offert par... passagedudésir.fr. Évidemment, si vous n'êtes pas doux, ça tombe sous le sens. Alors, il suffit tout simplement d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël, et si vous êtes l'auditeur le plus influent de la soirée, vous repartirez donc avec ce magnifique cadeau. Qui est le numéro 5 actuellement? Sandra. Numéro 4. Il ferait mieux de faire le standard. Ouais. Jérémy Titi. Numéro 3. Vladimir Poutine. Numéro 2. Virginie 66. Et numéro 1. Nadia Le Prince. Plein de nouveaux ce soir, hein. C'est bien, vous êtes les bienvenus tout le monde. Bon, sauf Nadia évidemment, qui est une fidèle. Donc tous les autres, si vous voulez passer devant Nadia, bon, c'est facile, il reste encore 1h45 d'émission. Vous mettez le hashtag et Mickaël, vous balancez vos messages, n'hésitez pas, comme Cameron qui dit c'est du doute compète. Alors je sais pas s'il parle de celui qui est avec nous en studio ou si c'était de Dylan qui était au standard, mais quoi qu'il en soit, le message est passé. Célia qui dit bonne soirée à l'écoute de Mickaël, bah merci Célia. Émilie qui dit un petit message de bienvenue s'il te plaît, ça fait grave longtemps que je vous écoute. Bien sûr, avec plaisir, petit message de bienvenue. Espèce de petit pili de merde, va. Voilà, Charlie aussi, Love Fun Radio, vous êtes géniaux, ne changez rien surtout. Bise à toute l'équipe et Fabrice qui dit salut l'équipe, toujours pas de message de bienvenue alors que ça fait plus de 6 mois que je vous écoute. Bah oui mais Fabrice, tout vient à point, à qui c'est attendre? Allez vous faire enculer profondément. Voilà Fabrice, c'est Devers. C'est mignon ça. Également un autre qui dit, il est Mimi le petit loup, la photo elle est d'art aussi, par contre qu'est-ce que tu as de grands doigts Mickaël? Oui, t'as remarqué aussi toi. Parce que c'est moi qui tiens le téléphone et alors Polo et le doux étaient loin derrière. Donc bah oui. Donc forcément j'ai l'air beaucoup plus grand qu'eux, évidemment. Bon allez, balancez vos messages, on attend vos appels également. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Appelez-nous, n'hésitez pas, il y a Thomas avec nous maintenant. Salut Thomas. Salut. Comment ça va? Bien. Bon, salut. Tant mieux, t'es en forme Thomas, t'as passé une bonne journée? Oui. Bon, tant mieux, très bien. T'as fait quoi? Beaucoup d'ordi. T'as fait quoi? Aujourd'hui, oui, par exemple. Oui, sinon ce week-end, si je suis allé à la mer. Ah, t'as été à la mer? Bah tranquille, t'étais où à la mer? Toi, t'es dans Calvados? D'accord. Dans ma beach. Bon, bah très bien, parfait. Tu t'es éclaté, c'est le principal. Bon, qu'est-ce qui t'amène, du coup, toi, cher Thomas? Le débarquement, bah, là-bas. Bah, le débarquement, oui, c'est vrai. Partir à l'hôpital pour un sujet très con. Ah, vas-y, dis-moi. Je descendais, donc tous les matins, je vais aux chiottes, sauf que j'étais crevé. Je mets ma main sur le mur, je ferme la porte et je m'ouvre le doigt. Ah oui, c'est con. Ah oui, ça c'est complètement con, effectivement. Et oui, là pour le coup, effectivement. Donc, ouvert le doigt comment? On voyait l'eau, si je pouvais bouger ma peau. Oh Oh putain. Oh ça c'est un truc, ça peut me bloquer complètement ça. Oh mon dieu, quelle horreur. Ah l'horreur. Oh, là. Ah ouais ouais putain, moi ça peut vraiment me bloquer mais grave direct. Hein. Oh je peux mal le vivre. Ouais, le pire c'est que je vais à l'hosto, plus de 9 heures d'attente. Ah bah oui, ils ont le temps hein, à l'hosto. Hein. Mais c'est pas normal ça. Et surtout que bah, on est reparti sans me refaire recoudre. Pourquoi? Bah parce que il n'y a plus assez de personnel. Ouais, t'aurais dû faire comme moi, t'aurais dû aller à l'hôpital militaire. Ah oui, bah oui, hôpital militaire là, t'es bien servi là. Ah hein, bah grave, grave, le mec il prend une aiguille, il me la met dans le doigt, je dis putain, ça fait super mal. Il me dit ouais, mais c'est l'anesthésie qui fait pas encore effet, il remet une deuxième fois, je dis ouais, c'est quand même violent. Puis le mec il dit ah bon, bon attendez, je remets de l'anesthésie, il repique une troisième fois. Et là, Toff est mort. Ouais, c'est pour ça. 5 minutes, il s'est. Et tu sais, il voit que j'ai toujours mal, puis il regarde l'aiguille, il fait ah oui, y a pas de pointe sur cette aiguille. Il est sérieux, ouais, qu'il est con, oui. Ah mais c'est pas normal qu'il t'ait laissé comme ça, normalement il te redirige sur un. Un autre hôpital éventuellement, mais t'as pas été avec tes parents? Allô, Thomas? Ah, si. Ah, et ta mère, enfin tes parents, ils ont pas tapé un scandale, là, parce qu'ils t'ont laissé attendre pendant 1000 ans? Ah, bah non, mais en fait, moi j'ai fait exprès, j'avais tellement mal, mais je me suis fait plier le doigt pour dire que ça allait bien, sauf que j'avais trop envie de hurler. Ah ouais, mais tu m'étonnes. Parce que moi, ma daronne, je passais premier hein, devant tout le monde. Oui, mais alors... ta mère, elle gueule pour tout et n'importe quoi. Elle a foutre, elle aurait gueulé jusqu'à ce qu'il y ait un médecin qui vienne me voir. Non, mais ça, à la limite, c'est clair. Maman, tu te dis, bon, j'arrête quoi. Attends, on va prendre Théo également de Strasbourg là. Salut Théo. Salut Mickaël. Comment tu fais pour nous écouter à Strasbourg puisque nous n'avons pas le droit d'émettre Nous n'avons pas d'émetteur fan radio là-bas. Ouais. C'est à cause de Toff. C'est une honte. Je l'ai cassé. Non, bah non, ça date de bien avant malheureusement. Mais c'est dommage quand même. C'est dommage, tu nous écoutes comment? Par internet du coup? Non, mais c'est parce que en fait je veux pas dire d'où je suis parce que c'est par rapport Je suis pompier, j'ai pas envie de savoir. Mais voilà. Quel bon choix d'avoir pris Strasbourg, la seule ville où on est pas. Non mais après on embrasse tous les Strasbourgeois parce qu'il y en a aussi qui nous écoutent via le site Dauphin, via les applications également. Ouais. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a l'application Mickaël No Limit qui existe, hein, si vous avez un iPhone ou un iPad, tapez Mickaël No Limit pour la télécharger, c'est gratuit évidemment. Bon alors du coup Théo, c'est quoi? Toi t'es pompier et tu voulais réagir par rapport à Jacques qu'on a eu tout à l'heure qui est resté coincé dans sa copine dans la piscine ce week-end et qui a terminé bah évidemment à l'hosto puisque bah ils ont dû évidemment les désincarcérer. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi comme truc un peu, je vais pas dire drôle mais en tout cas comme anecdote? Bah moi en fait je suis parti en intervention, donc on nous appelle, on part, on arrive là-bas et donc l'histoire c'est que la femme elle est en manque de sexe. Ouais. Et elle a voulu elle s'est doigtée en fait avec un poisson surgelé. Ouais. C'est ce qu'elle avait sous la main. Et au final, bah, ça se décongèle. Et comme ça s'est décongelé, ça rentre. Mais avec les écailles, il est pas ressorti. Oh l'horreur. Et du coup, on voyait que sa queue qui. Enfin, la queue du poisson. Il avait la queue qui remuait. Voilà. Oh l'horreur. Oh quelle horreur. Oh putain, ça peut me. Oh là là. Ah, ça peut me bloquer à vie, ça. C'est dingue, ça. Quelle angoisse. Putain. Et t'en as vu d'autres, des trucs un peu bizarres? Ah, j'en ai vu de pas mal, ouais. Il y a des trucs pas mal, ouais. Genre? Encore un autre exemple comme ça, un autre petit, là. Un autre exemple dans le même genre? Ouais, La dernière fois, c'est un couple qui était adepte du fist. Oui, donc et c'est la main, hein. Voilà. Et en fait, il a mis la main à sa femme dans la chatte et. Ouais, il y a des doux qui écoutent encore, là. Ouais, doucement, on enlève le casque du petit, là, elle a bien fait. Dans les parties génitales. Voilà, c'est mieux, ouais. Et en fait, au final, elle s'est bloquée et elle est restée bloquée. Ils nous ont appelés, on a dû les transporter comme ça. Oh putain. Avec lui, lui à côté d'elle, mais ouais. Avec la main au milieu. D'accord. C'est dingue, ça. Oh, c'est dingue. Putain, grave. Bon, écoute. Eh ben, tu dois en voir des belles, à mon avis, toi. Il y en a des belles, ouais. Eh, pompier, ça doit quand même être un. Enfin, c'est violent comme métier, hein. C'est-à-dire que après tu peux sourire avec des trucs comme ça, bon après t'as des trucs plus violents, hein. Mais quand t'as des histoires comme ça, bon sur le moment même ça reste un patient comme tout le monde, mais après t'en ris, tu vois, tu te dis putain le mec il est quand même resté coincé, c'est un truc de ouf. Surtout que ce qui est le plus drôle à la limite c'est l'histoire qui te raconte. Oui mais en fait j'ai glissé. Mon poing est rentré. Et mon poing est arrivé à l'intérieur de ma femme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un accident stupide, enfin bon bref. Ben merci Théo, merci Thomas d'avoir appelé en tout cas. De rien. Allez. Et vous revenez quand vous voulez, à bientôt tous les gars. À bientôt tous les deux. Bah tous les gars. Salut à vous en tout cas. Tiens, je tenais à souligner les propos d'un Jérôme G, hein, qui dit propos homophobes sur Fun Radio sur un jeu de blagues. Mon dieu, ils ne changeront jamais. C'est triste quand même de pas avoir d'humour. Ouais. C'est dingue. Alors que j'ai dit en plus que c'était dans un canular. Si les mecs, on peut plus rien dire. Alors là, c'est dramatique. Mais oui. Les mecs c'est un scandale. Sont d'un coincé, mais c'est une violence quand même. Tu remarqueras, c'est jamais des gays qui disent ça. Non, c'est toujours les mecs. C'est toujours l'hétéro qui veut défendre l'humanité. Exactement. Mais on t'a rien demandé, nous c'est de la vanne. C'est quand même un truc de ouf. Bref, soit c'est pas, le message est passé. Bah Jérôme G, du coup, tu peux, n'hésite pas, change de radio, hein, au moins on sera tranquille. Nous on aime pas les prises de tête et les mecs qui se prennent la tête avec des conneries comme celle-là. Voilà, donc tu n'hésites pas, tu peux aller voir ailleurs. Nina qui dit moi je suis tombé dans les escaliers avec un verre et ça m'a ouvert, du coup je me fais opérer, bah c'est normal. Et Caroline qui dit hôpital pour rien, on était à la cité de l'espace, j'avais mal au ventre, très mal même, donc on est allé aux urgences et ils m'ont demandé de faire pipi dans un petit pot, et ben en fait après le pipi j'étais beaucoup mieux. Ah bah voilà, tu vois, finalement c'était pas la peine d'aller faire chier les mecs des urgences, tiens. Mais ouais. Clément qui dit j'écoute Mickaël en bossant sur un devoir avant de partir se coucher, bravo à Nadia pour sa première place, et c'est pas gagné encore, c'est à minuit la finale du top tweetos. Et Benjamin qui dit et moi mon fucking message de bienvenue, il est où? Eh ben, je vais t'en mettre un petit là. Dans ta gueule, on va te le mettre. Voilà, on va te le mettre. Et attends, voilà. Qu'est-ce que c'est que cet enculé qui fait me faire chier? Eh ben voilà, bah c'est lui en l'occurrence. Et dernier message pour les accidents à la con, là, Thomas avec nous, un autre de Talence en Gironde. Salut Thomas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Thomas. Bonjour, comment ça de va? New York. Pourquoi New York? Non, parce que l'autre Strasbourg est là, le mec il veut se cacher. Ah oui, pour se planquer, ouais. Bah ouais. Salut à toi Thomas, bienvenue. Tu nous appelais pour les accidents stupides, toi. Oui, oui, c'est ça. Alors vas-y, on t'écoute. Donc c'était en seconde l'année dernière. Et j'étais en cours, je jouais avec mon ciseau et là je commence et je me coince le pouce dans l'anneau, dans le truc pour tenir le ciseau. Ouais. Et je suis resté bloqué toute la journée en fait. Mais comment ça t'es resté coincé dans quoi? Dans l'anneau qui est pour couper, on tient le ciseau. Mais t'es resté coincé toute la journée avec ça? Mais comment ça se fait? Parce que j'arrivais pas à retirer mon pouce en fait du ciseau. Ah ouais. Et du coup t'as fait comment pour le retirer? T'as mis un peu d'huile ou t'as dû aller aux ostos? T'aurais dû faire pipi dessus. Mais non, ça sert à rien. Ça glisse. Non, aussi attends. Enfin, tu mets un peu d'huile ou tu mets un peu de savon ou je sais pas quoi. Mais non, mais en cours j'en avais pas. Ouais. Ah ouais. Mais c'est ce que je te dis. Sinon il y a la meuf aussi, hein. c'est, si tu l'excites bien, après c'est super glissant, hein, si tu t'en mets sur le doigt. Non. Non mais si con. Non mais non, bon, bref, bah oui, mais bon, on fait avec les moyens du bord, hein. Donc t'es resté toute la journée avec cette paire ciseaux plan coincé. C'est ça. Non mais c'est un truc de merde. Ouf. Oh là là là là là. Bon bah ça va, t'en es sorti, c'est le principal, hein. Ah mais j'imagine le mec en course et qui se promène avec sa paire de ciseaux. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Bah rien, j'ai une paire de ciseaux dans la main. Ah ouais, normal en fait, hein. Mais quand t'es petit, tout va bien. Moi j'ai fait des merdes comme ça, tu sais les goulots de bouteille. Combien de fois je me suis coincé le doigt dedans? Ah bah oui, il fallait péter là, après faut. Bah évidemment. Et après, il faut pas que ça coupe en plus. Hein. Ouais. Bah merci Thomas d'avoir appelé, tu reviens quand tu veux. Hein. Je peux passer une petite dédicace? Eh ben vas-y, il y a une personne, choisis la bonne. À Lorenz Mensa, mon ami de ma classe. D'accord, eh ben le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi, à bientôt. Ouais. Bientôt. Ciao Thomas, il y aura la réponse à la colle dans quelques minutes sur Fun Radio. Si vous voulez participer, ben vous pouvez encore le faire. Vous allez sur le Facebook de l'émission, tapez M-I-K-L officiel. Et si vous avez la réponse à la colle de Dylan, eh bien vous y répondez, vous serez peut-être tiré au sort dans 5 minutes. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? Vous souhaite bonne chance. Il y a Hugo qui envoie un message qui dit bienvenue en France, on peut rien dire même sur le ton de la rigolade. Bref, vive Mickaël. Bah merci à toi Hugo. Bon, c'est même pas vive Mickaël, c'est juste que c'est dommage qu'il y ait des gens qui soient complètement fermé, enfin voilà. Mais oui, il y a des gens un peu obtus. Bah oui, bon c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez. Vladimir aussi qui dit cette voix de Deb de Toff qui nous a fait vibrer de jour en jour. Vladimir Poutine, arrête de dire ça, après il y a encore des gens qui vont dire vous êtes homophobe, c'est dégueulasse, c'est une honte, etc. Ça ne se fait pas. Le grand pâtissier qui dit moi aussi s'il te plaît, je viens de découvrir votre émission, elle est superbe. Cool le grand pâtissier, bah quand tu veux pour les petits gâteaux, hein. Ah bah oui, avec plaisir, avec moi, plaisir. Dès qu'on peut bouffer, moi de toute façon. Ah bah grave, Alexandre aussi, bande de fous, de foufou dingo, vous êtes au top. Oui, alors Alexandre, par contre, cette expression, il va falloir la remplacer rapidement, hein, et la rendre à la grand-mère de Toff. Oui. Voilà. José qui va très bien. Et bah tant mieux. Coucou à tous, c'est Mamie Nova qui va envoyer un message. 88 quand même, hein. Oui, c'était hier. Iras-tu jusque là? Bien sûr, lui, bah, il va nous enterrer. Grave, enfoiré non, comme il est, c'est clair. Mais oui, ça m'étonne pas. Bon, je voulais vous parler d'un truc. Est-ce que vous avez vu cette histoire de ouf là? Il y a un mec de 11 ans qui a sauvé son grand-père d'un accident mortel. Jusque là, c'est bien. Le grand-père conduisait sur l'autoroute, il a fait une crise cardiaque à 120 km/h. Le doux a pris le volant pour conduire le papy aux urgences. Et à votre avis, comment il a appris à conduire? Le doux. Pas le grand-père, hein. Bah je sais pas, il devait son daron, il devait lui apprendre. Non. Il se souvenait d'une ancienne réincarnation. Pas du tout, il a appris. Il a été transcendé. Pas du tout, il a appris en jouant à GTA. Il a appris en jouant à GTA. Ok, accessoirement, il a buté des mecs au passage quand il était en train de conduire le grand-père à l'hôpital. Non, mais est-ce qu'il y a des jeux comme ça qui vous ont appris des choses ou qui que vous avez peut-être utilisé plus tard? Voilà, si vous, ça vous a appris quelque chose, appelez-nous, on en parle. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Le gagnant de la colle, l'iPhone 5S. Dans quelques minutes, on aura Adeline également, on aura Amael. Et puis je vous mets le son que je vous avais fait découvrir la semaine dernière. Tiens, Nicki Minaj au cœur d'une heure sans pub. C'est Pills and Potions. C'est Mickaël No Limit sur Fun, bienvenue. Pills and Potions. Et voilà le nouveau son de Nicki Minaj qu'on vous a fait découvrir la semaine dernière sur Fun, la Pills and Potions. Je pars passer une bonne soirée au cœur d'une heure sans pub, c'est Mickaël No Limit. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël No Limit dure longtemps, qu'il continue à nous faire rire et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my God! Mickaël, limite. De 20h à minuit sur Fun Radio. Bon, et puis on est toujours en direct évidemment avec les appels de Toff qu'on va faire maintenant. J'avais dit qu'on parlerait de tromperie. Eh bien, nous allons le faire. Eh oui, avant, on récupérera aussi Gadget dans quelques minutes. Adeline qui est là également. Et le gagnant de la colle, bah, juste après les appels de Toff, comme promis, c'est parti. On va donc parler de tromperie. Quel est le thème particulier donc? Bah, en fait, selon une grande étude encore, dont très on grande étude. Évidemment, le prototype type du mec avec qui votre femme pourrait vous tromper, c'est le sportif. Exactement, donc il faut absolument éviter d'être le sportif. Voilà, c'est ça. Ne laissez jamais votre femme parler avec un sportif. Exactement, ça peut être dangereux, surtout si vous avez le physique de Toff. Voilà, mais vous pouvez laisser votre femme parler avec Toff, car Toff n'est pas sportif comme moi d'ailleurs. Il y a très peu de risques que j'arrive à la série. Ah, il y a très peu, effectivement. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle le premier et on offre l'iPhone 5S juste après là. Allez, restez là. Allô ? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, allô, voilà, je vous appelle parce que je voulais savoir avec quel type d'homme vous seriez prête à tromper votre mari. Vous êtes malade? Non, pas du tout, madame, pourquoi vous dites ça? Vous êtes complètement malade, là? Mais non, pas du tout, madame. Moi, j'ai pas que ça à faire. Mais, d'accord, mais ça répond pas à ma question, madame. Oui. Ça répond pas à sa question, mais c'est pas grave, on va rappeler quand même, du coup. Allez, hop, c'est parti, on avait remis le couvert, là, 22h35, toujours en direct sur Fun. Oui, je m'excuse, mais on a été coupé. Oui. Oui, non, bah parce que du coup, vous n'avez pas répondu à la question. D'accord, c'était quoi la question? Ah, bah, pardon, parce que je pensais que j'étais avec madame. Je demandais à votre femme avec qui elle serait prête à vous tromper, enfin, quel type d'homme. mais t'es complètement con, toi. J'ai fait chier les gens, pourquoi, là? Excuse-moi. Je ne veux pas chier, monsieur, je vous pose une question. Non, mais attends, mais sans déconner, c'est quoi tes questions, là? T'as la radio, c'est quoi ton c'est un jeu, c'est quoi ton délire, là? Bah non, monsieur, c'est une question. Sans déconner, pourquoi t'appelles en masqué? Bah parce que c'est bloqué dans mon téléphone, mais je vous donne mon numéro si vous voulez. Bah, c'est quoi, va te faire enculer avec tes jeux à la con. Ah non, monsieur, non. Ah si, oui, bah non. si. Pas attends, entre nous, bah oui, bien sûr. Enfin, bon, rappel, on l'avait rappelé. Allez, c'est parti. Allô? Oui, je m'excuse madame, mais parce que j'étais avec votre mari, mais on a été coupé aussi. Et du coup, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais j'en ai rien à foutre, arrêtez de m'appeler, c'est tout. Bah s'il oui, vous plaît. Mais répondez à la question. Mais répondez à la question. Je m'en fous, ne m'appelez plus. Mais non, mais c'est moi qui veux la réponse, madame, c'est pas mais vous. Je m'en fous. Mais non, parce que vous comprenez pas, parce que en fait, vous répondez à la question et puis on arrête de s'appeler. Non, je répondrai pas à votre question, c'est tout, point barre. Bah oui, mais alors j'étais obligé de vous rappeler, madame, parce que vous avez pas répondu à la question. Ah non, mais point barre, c'est point barre. Bon, alors, on va encore appeler un petit coup, là, c'est parti. Allez, hop là. Allô? Oui, madame, je m'excuse, mais faut pas vous énerver comme ça. Oui, et puis après? Bah après, je voulais juste la réponse, madame, savoir avec quel type d'homme vous pourriez tromper votre mari, c'est tout. Oui, bah je suis lesbienne, comme ça, c'est fait. Bah non, ça c'est pas beau de mentir, madame, parce que je sais que votre mari est là. Si, c'est pas mon mari. C'est pas beau de mentir, madame. Bref, au revoir. Bah attendez, vous avez pas répondu à la question, madame. Ah oui, mais elle a pas voulu répondre. Bon, bah tant pis. Quelle connasse. On parlera du sexe tout à l'heure avec du beau temps. Ah oui. Voilà. Ah bon, oui. Bon, donc ne bougez pas de là, c'est encore un nouveau petit thème dont nous parlerons bien sûr. Et puis bah c'est parti, Dylan, c'est le moment, c'est l'instant. Vas-tu repartir avec l'iPhone 5S ou pas? Dylan, t'es prêt? Oui. T'as posé une colle depuis 20h ce soir. On va donc appeler le ou la gagnante maintenant, celui ou celle qui décroche et qui donne la bonne réponse, de repartir avec l'iPhone 5S. Si la personne qu'on appelle maintenant ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, c'est toi qui gagne, Dylan, l'iPhone 5S. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, comment tu t'appelles? Putain, j'ai cru qu'il y avait personne. Salut, comment tu t'appelles? Je m'appelle Déborah. Salut Déborah, tu as la réponse à la colle de Dylan. Dylan, vas-y, fais péter la colle, on t'écoute. Hier je coulais, aujourd'hui je flotte, demain je disparais. Qui suis-je? Alors je crois que c'est le glace. Oui. Eh ben voilà. Glaçon, effectivement. Dylan, t'es bien refroidi maintenant. Eh, hey, l'iPhone 5S dans le fion, hein. Ouais. Est-ce que le Doux avait la bonne réponse, le Doux ici présent, là? T'avais quoi comme réponse, le Doux? Dans le micro, jeune Doux. Non. T'avais quoi comme réponse? J'avais le savon et un œuf dans le vinaigre. Wow. Dans le vinaigre. Ah ouais, t'allais chercher loin, toi. Oui, bah non, dans les deux cas, c'était pas ça, non. Sur le Facebook, comme j'ai vu qu'il y avait glaçon, je me suis dit que c'était pas ça. Ah ouais, bah si. Eh bah tu vois comme quoi, finalement, hein, ça y est, c'est fait. Comment tu t'appelles? Rappelle-moi, j'ai oublié ton prénom. Joachim. Non, pas toi, ça je me doute, mais c'est qui a gagné. Déborah, bravo, l'iPhone 5S, version gold. Merci. En plus, ça tombe bien pour une fille, en général. Il paraît que c'est plutôt les filles. Bah, j'ai vu des mecs aussi avec, hein, mais bon. Après, quand tu l'as gratos, tu chipotes pas dans le détail, mais c'est plutôt pour les filles, paraît-il. Je ne le prendrai pas. Non, si, moi je le prendrai quand même, je m'en fous. Bon, bah salut Débo, tu restes au stand, on prend tes coordonnées, je te fais des bisous. Et puis, bah Dylan, bah tu retournes chez ta mère les mains vides. Hein. Bah ouais. Tu m'en donnes pas? Bah ah non, pas là, non. Non. Bon. Salut Dylan. Hein. Salut. C'est sympa d'être passé. Hein. Ciao. Allez, à bientôt. Enjoy. Bah oui, c'est ça. Quoi que j'aurais pu lui offrir, j'avais offert ça un jour à un pote. Il m'a tellement cassé les couilles pour avoir un iPhone. Je lui avais offert un iPhone en laine. Tricoté, ouais. Il était tricoté. Et donc, main. Et le pire, c'est que j'étais quand même un gros enculé, puisque pour Noël, je l'ai mis dans une boîte, ouais. Dans une vraie boîte d'iPhone. Donc ça, dans la boîte de mon iPhone, j'ai mis l'iPhone tricoté. Je lui ai offert, il était content. Et il regarde la boîte, il se dit putain, non, c'est pas vrai. Ouais. Il en croyait pas ses yeux. Il ouvre la boîte et là, il m'a insulté de tous les noms. Oh, ça m'a fait rire, voilà. C'était très drôle. Quoi, on rigole avec moi, pas grand chose. Je me souviens de sa tête au moment où il a ouvert la boîte. C'était magnifique. Ah, les filles également, si vous faites moins d'un mètre 60, appelez-moi. J'ai un sondage qui parle des avantages d'être petite et je veux vérifier avec vous. Mesdemoiselles, appelez-moi maintenant. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On aura Adeline dans quelques minutes. T'es là, Adeline? Oui, je suis là. Salut, Mike. Ça va? Ouais, un peu stressé. Bon, il faut pas, Adeline. On est en famille, là. Quel est le problème? Mais oui, malgré ta voix de cochonne. Mais oui. Bon, Adeline, combien mesures-tu? Non, mais je veux juste savoir. Attends. Combien elle mesure. 1m67. Ah merde, t'es trop grande. Pèses-tu? Non, elle est trop grande, toi. C'est parfait. C'est moi, pour le sondage, bien. C'est trop grande. Oui, ça mais sert c'est rien. Adeline, combien mesures-tu? Combien pèses-tu? Oh, il en est perdu, là. Je fais 53 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Faut manger maintenant. 11B. Ah oui. 11B? 11B. 95B. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 36. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle est bonne? Bon, du coup, ça nous fait pas 1m60, ça, malheureusement. Bon, non, mais Adeline, elle est bonne quand même, tout va Adeline, bien. Adeline, reste avec nous, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Ben, j'essaierai de comprendre le fonctionnement des mecs. Mais bah, t'inquiète pas, t'as frappé la bonne adresse. C'est facile, tu te mets en string, ils bandent et... Oui, merci, Toff. Une minute, merde, une minute au coin. Allez, hop. Je remplace. Eh bah, voilà, si tu veux, tiens. Si. Une minute au coin, c'est comme ça. Bon, Adeline, reste avec nous. On a d'abord Gadjik. Ouah, putain, à chaque fois, je sais plus. Gagik ou Gadjik? À chaque fois. C'est Gagik? Ouais. Gagik, à chaque fois je me gourre. Bon, bah bienvenue Gagik, toujours de Mont-Saint-Aignan dans le 76. Et toi, ouais. Tu voulais nous expliquer qu'est-ce que tu apprends dans les jeux vidéo, puisqu'on rappelle qu'un doux de 11 ans avait réussi à sauver son grand-père qui a fait une attaque au volant de sa voiture. Il était en train de rouler à 120 km/h. Le petit a pris le volant, il l'a amené à l'hôpital, donc pépère. Et il avait appris à rouler en jouant en GTA. Et donc toi, du coup, t'as appris à faire quoi? Bah, comme Mario, je saute sur la gueule des gens quand on me casse les couilles. Tu manges des champignons aussi ou pas? Des champignons magiques? Non, pas magiques, non. Pas bien. Des champignons. Champignons de Paris. C'est ça, des bons champignons de Paris. Blanc, ça, tu manges blanc. Pas quoi? Des champignons de Paris, tu manges pas, non, pour avoir plus de force? Non. Ah merde, c'est dommage, parce que du coup tu peux gagner des vies en mangeant des champignons. C'est vrai. Et ouais, moi, avec grâce aux jeux vidéo, j'ai appris la stratégie militaire. Ah c'est bon? Dire ouais, bah, tu ah apprends. Oui, mais ça tout le monde, hein. Moi je bon, d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Mais non, mais il dit ouais, ça tout le monde. Mais non, c'est parce qu'en fait, t'apprends à gérer tes troupes. Ah oui, bah tu c'est vois, comme ça que tu es le général des doux. Exactement, ah ben voilà. Je gère des petits bonhommes. Exactement. Et c'est comme ça qu'il remportera la Troisième Guerre mondiale. Tout c'est ça, ouais, ouais, bah, peut-être. Polo, si tu veux des conseils de guerre, va demander à mon petit frère sur Call of Duty Ghost. Le mec, il est prêté 5 alors que je suis encore pas prêté 3. Alors, ah bah, je vais. Quel âge il a, petit frère? Il a 8 ans. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais, putain, il démarre. Mais il démarre pas mal, attends, c'est quel âge C'est pas interdit au moins de 16? Bah oui, je crois que c'est même 18. Non, hein. Non, 16. Ah, 16, hein, il me semblait bien. Non, non, mais c'était, non, c'était juste pour savoir. C'était juste pour savoir. Attends deux secondes, il y a Gaëtan avec nous également de Clermont-Ferrand. Salut Gaëtan. Oui, allô. Oh, un doux. Ça va Gaëtan? Oui. Bon, bah, bienvenue Gaëtan. Hein. Tu as appris à faire quoi, toi, dans les jeux vidéo? Moi, c'est dans Minecraft. Ouais. J'ai appris à faire, ben, en fait, ce que c'était du gré, des choses comme ça. Et l'autre fois, on a fait une sortie des VT et elle nous a mis un gros contrôle parce qu'elle s'était énervée contre nous. Ouais, attends, parce que t'as un téléphone bien merdique. Hein. Donc, t'avais cours des VT et quoi? Et elle nous a mis un gros contrôle. Un gros contrôle, ouais. Sur les pierres. Et grâce à Minecraft, j'ai tout su, en fait. J'ai su le gré, comment on faisait, les choses comme ça, en fait. Ah, c'est bon. C'est énorme. Donc, du coup, t'as dit à ta mère, ouais, mais regarde, j'ai quand même une bonne note grâce à mes jeux vidéo. Je peux jouer une heure de plus? Non, non. Ah, oh, c'est bien, t'abuses pas, toi. Il y a eu 8,5 sur 10 quand même. Ah, quand même. Ah ouais, pas mal, pas mal. Oh, putain, un doux intelligent, c'est bien ça. C'est le seul qu'on ait, hein. Oui, c'est vrai. Bon, Gaëtan, reste avec nous. Il y a Marc également qui est avec nous du Puy-en-Velay. Salut Marc. Salut. Comment va? Salut. Ça va, ça va. Bon, ça a l'air, hein. Toi, t'es. T'as sent le mec heureux de vivre. Ouais, t'as l'air en forme, hein. Non, j'ai un peu mal au cou, je me suis fait mal. T'as mal aux couilles? Au cou. Ah, au cou, d'accord, ok. Bon, qu'est-ce que t'as appris en jeu vidéo, toi? Moi j'ai appris à conduire un peu les camions, les temps de conduite, tout ça. Ouais. Enfin, c'est un peu le métier que je veux faire, en fait. D'accord, mais t'as appris c'est dans quel jeu? C'est Euro Truck Simulator 2. C'est, Euro Truck? Oh putain, le jeu est ouf. Enfin, tu me diras, je rigole, mais moi je suis bien sur Flight Simulator parce que j'aime bien les avions, donc l'un dans l'autre, hein, à la limite. Donc Euro Truck, et donc du coup quoi, tu pilotes des camions? Ouais, des simulis, des convois, tout ça. Ah ouais, et c'est quoi le but du jeu? Bah, ne pas se crasher. Ah oui, bah c'est un bon but. De pas se crasher, d'avoir le meilleur camion possible. Meilleur camion possible, putain, c'est bon. Bah, c'est comme Flight Simulator dans le but, c'est le principe, c'est pas se crasher. Non mais c'est vrai. Et tu le tunes le camion ou pas? Ouais, assez, ouais. Et vous faites, ouais, des concours de sirènes, des trucs comme des ça. Des klaxons là, hop là, c'est parti, on y va, non? Ouais, des fois, ouais. Ah bah c'est bien, il doit. Hey, non mais ça c'est le train, merde. Voilà, enfin c'est pas vraiment un camion. Bon, si, c'est un très gros camion. C'est le très gros camion. Bon bah c'est bien, Marc, bah, j'espère que tu vas y arriver. Attends, il y a Kendrick aussi avec nous, de Longwy. Salut Kendrick. Salut Mickaël. Encore un doux. Oh ça là va là, mais quelle douceur. Tiens, il y a Steph qui dit, perso j'ai appris quelques bases de conduite en jouant à Euro Truck Simulator 2. Ah bah tu vois, t'es pas tout seul. Ouais. Et Cameron qui dit, vous êtes trop des barres, mort de rire. Bah merci Cameron. Alors t'as appris quoi toi Kendrick en jeu vidéo? De quoi tu dis Kendrick? En fait moi j'ai appris à tirer avec des pistolets et tout ça, mais à plomb en fait. À plomb? Ah, des pistolets à plomb dans le jeu vidéo? Ouais. Et dans quel jeu? Bah dans GTA 5, mais ah bah oui. Dans GTA 5 c'est des vraies balles, mais en vrai c'est avec des plombs en fait. D'accord, ok. Bah, tu sais que dans GTA 5 c'est pas vraiment des vraies balles, hein. Malheureusement. Ouais, mais depuis il tire sur les petites vieilles de son quartier. Ouais, c'est ça, bah voilà le bon exemple, tiens, bravo. Et hop là, une minute. Encore Foucan. Une minute pour avoir dit des conneries, une minute au coin, tiens, ah ça là, se prend les pieds. Tu veux faire le malin, voilà, voilà. Allez, hop. Très bien. Et du coup Kendrick, tu gères bien GTA là, tu pourrais rouler ou pas en voiture avec ça? J'arrive bien, ouais, mais c'est un peu chaud. Il gère. Il dépasse pas le 50, mais il y gère, c'est bien. Au moins, tu dépasses pas la limite, c'est pas mal. Bon, bah, merci Gagic, merci Gaëtan, Marc et Kendrick d'être passés. Vous revenez quand vous voulez, hein. Okay. Ouais, voilà, chacun son tour. Vas-y Gagic, tu voulais dire? Bah, en fait, j'ai fait un pari avec mon père. Eh bah, t'as perdu. Non mais attends, s'il te plaît. Vas-y. En fait, si j'arrive à avoir plus de 4000 visiteurs sur mon site internet avant la fin du mois, ouais, je passerai 60 balles. Alors si tu pouvais m'aider, s'il te plaît. Eh bah t'as perdu. Parce que tu disais depuis le début. Tu passeras dans pour le contre le reste du monde, tu lui demanderas tout à l'heure, tiens, Gadjig, bouge pas, on va te reprendre au standard. Gaëtan, Marc et Kendrick, vous voulez dire encore un truc en très très speed parce qu'il y a la pub qui pousse. Ouais, il y a moyen d'avoir un vaccin. Bien sûr Gaëtan, sans problème. Et toi Marc? Vaccin aussi. Eh bah pareil, tu vas rester au standard. Et toi Kendrick? Je fais ça en dédicace. Eh ben en speed alors, vas-y Kendrick, à une personne, choisis la bonne. Dédicace à ma copine. Eh ben très bien, le message est passé. Salut à vous en tout cas, merci d'avoir appelé, on va revenir dans quelques minutes en direct sur Fun Radio, restez bien là. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. MIKL, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio. Et merci d'ailleurs d'être là de plus en plus nombreux. Ce soir, on l'a bien remarqué là, avec plein de nouveaux auditeurs qui ont débarqué. Sandrine qui dit super soirée, Mickaël, nos limites, j'adore. Bah merci beaucoup Sandrine, c'est super gentil. Jason qui dit si t'offres un jeu, on apprendra à devenir une merde. C'est ça. J'aime bien ce arrive jeu, je pense que je vais y réfléchir. C'est ça. Océane qui dit le soir avec vous, c'est de la balle. Bah merci d'être là aussi, hein, Océane et tous les autres. Virgile aussi, je vous écoute depuis super longtemps. Je paye le message de bienvenue. Est-ce que je peux en avoir un, s'il vous plaît? Bon, Virgile, allez, c'est bien parce que c'est toi, hein. Voilà, ça c'est tous les auditeurs, enfin tous les gens qu'on appelle et qui insultent Toff allègrement. Vladimir Poutine qui dit dans les jeux vidéo, j'ai appris à diriger les troupes et conquérir des pays. Bah oui, forcément, Vladimir Poutine. Nadège qui dit coucou, ça fait 3 mois que je vous écoute depuis la Réunion et ça, même avec le décalage horaire, vous êtes super, continue comme ça. Trop de fou rire grâce à vous. Bah, merci Nadège. Ah, c'est bien de se dire qu'on est écouté pendant qu'on bronze. Ah, ça oui. fait plaisir. C'est bon. Et, oui. Et Nico qui dit j'utilise Gran Turismo 6 pour perfectionner ma conduite, mais sans me prendre pour un pilote non plus. Bah, tu fais bien. Et le grand pâtissier qui dit Mickaël, je vous ferai les gâteaux sans problème quand vous voulez. Eh ben, quand tu veux, tu les rapportes. Et Toff te fera un gros bisou. Bah oui, on est toujours ouvert à. Toujours. Et Stéphanie Nick qui dit bon gâteau. Petite, je me suis coincé le coude dans le tapis roulant de la caisse en faisant les courses. Ah ouais. Et comment tu fais ça Ah ben, écoute, je sais pas. Hein. Mais... Il y a un truc qui est arrivé, c'est à Braine-le-Comte, donc c'est en Belgique. Le mec, putain, c'est que c'est dramatique parce que le gars, il en est mort quand même. Mais il est son, je crois que c'est son pantalon ou sa cravate, enfin, je sais plus, un de ses vêtements qui est resté coincé dans l'escalator. Oh. Et voilà. Eh ben, c'est ouf. Non mais t'imagines. Il a dû se pencher pour faire je sais un pas. Truc ou ouais. Ou alors c'est peut-être sa cravate par exemple qui est restée coincée et du coup il s'est retourné et ça l'a étranglé. Mais t'imagines la violence quand même, la mort de merde. Tu vois, c'est quand même ça. Ouais. Enfin bon, c'est quand même violent, mais je l'avais vu et en parlant d'accident improbable, il fallait effectivement que j'en parle, je viens de m'en souvenir maintenant. Bon, n'oubliez pas avec tous les messages, hashtag et Mickaël, vous balancez tout ça sur le Facebook de l'émission, sur le Twitter également. On célébrera le numéro 1 ce soir, qui sera le numéro 1 du top Twito, celui qui aura posté un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. En gros, vous écrivez un message, un rapport ou pas avec l'émission, peu importe, vous mettez le hashtag et Mickaël et puis bah plus vous en postez, plus vous avez de chances de terminer numéro 1. Et on verra ça tout à l'heure aux alentours de minuit quand on terminera l'émission. Bon, on va accueillir maintenant Laetitia qui est avec nous de Saint-Raphaël. Salut Laetitia. Salut Mika. Salut Laetitia, comment ça va? Ça va, ça va. Bon, très bien, bienvenue à toi Laetitia. Bon, merci. On en parlait tout à l'heure. Je cherchais des filles qui faisaient moins d'1m60. Ah. Parce que je tombais sur un sondage qui parle des avantages d'être petite et je voulais vérifier avec vous. Et apparemment la mère du Doubs fait moins d'1m60 également. La mère du Doubs qui est avec nous là, le. Oui oui c'est bon, ça. Bon, rappelle-moi ton prénom, la mère du Doubs, j'ai oublié à chaque fois. Delphine. Delphine, ouais voilà c'est ça. Donc tu fais combien Delphine? 1m58. Ah oui, sur le fil alors. Et toi Laetitia, tu fais combien? 1m58 aussi. Oh bah parfait. C'est bon ça. Et combien pèses-tu Laetitia? Oh putain. Je suis à 46 kilos. Quel est ton tour de poitrine? Il faut manger maintenant. Hein, quel est ton tour de poitrine, Laetitia? Ah, ça, c'est secret. Hein, mais non, mais non. C'est notre secret à nous deux. Et donc? Et donc, je ne dirai pas. Oh, bon, allez, juste la lettre. Je ne dirai pas. T'es relou. Le tour, alors, 95? B. Voilà. Ah, c'est voilà. Du lourd. Et la taille des pantalons que t'as acheté? 36. Oh là voilà. Bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Qu'est-ce qu'elle est. Elle est bonne. Eh ben écoute, ravi de te connaître Laetitia. On a Lydia également d'Épinal. Salut Lydia. Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir Lydia. Ouais. Tu mesures combien Lydia? Alors moi, je sais pas si vous avez trouvé plus petite que moi. Hein. Combien? Alors 1m47. Ah ouais. Ouais. Et ce qui est bien avec Lydia, c'est que si tu vas en boîte, tu peux poser ton coude dessus. Exactement, ou sa coupe de champagne. Ouais. Tout à fait, voilà. Hein, c'est pratique. Hop, hein. Tu te cales comme ça. Juste pour info, comme t'appelles d'Épinal, on devait aller à Épinal mi-juin là. Ah, et on y va. C'est annulé, la boîte a fait faillite. Ah, c'est ballot. Voilà, donc du coup, on repassera à vous voir, hein, mais bon, pas en juin comme prévu, quoi. Mais enfin, bref. Comme ça, au moins, vous êtes tenus au courant pour ceux qui habitaient dans le coin et qui avaient prévu de venir nous rejoindre. Bon, alors, Laetitia, Lydia et puis Delphine qui est avec nous là. Donc, toutes les filles font moins d'1m60. Et j'avais un sondage qui expliquait quels étaient les avantages justement d'être petit ou petite. Alors il y en a contre toute attente, hein. On pourrait s'imaginer qu'en fait pas du tout. Mais si, il y a des avantages à être petit. Est-ce que vous êtes complexé ou pas d'être petit les filles? Non, pas du tout. Pas du tout pour Delphine, pas du tout pour Laetitia, Lydia? Un petit peu quand même. Ah, un petit peu, ouais, mais toi tu. Ouais, par rapport à ma profession déjà. Ah, tu fais quoi? Ah, je suis agent de police. Ah, ouais, c'est ça. Pardon? Tu fais quoi? suis agent de sécu. Ah oui, bah, pas c'était loin. Pas loin. Oui. Ah oui, mais t'es agent de sécu pour qui alors? Bah, pour nains, hein, je m'occupe que de parc pour les nains. Oui, c'est ça. Les personnes de petite taille. Après, on va encore dire oui, vous êtes nanophobe. Nanophobe, voilà. Ouais, mais tout ce qui est petit est mignon. Oui, mais il y a des exceptions partout. Hein. Non, regarde la bite de Toff, c'est tout petit, c'est dégueulasse. Exactement, et c'est ça reste une bite. Ça fait partie de l'exception. Qui confirme la règle, exactement. Bon, donc du coup, donc oui, 1m47, effectivement, c'est pas très très haut, hein, c'est clair. Donc, alors, les points positifs. Les petits ont, les petites en l'occurrence, ont plus de succès avec les hommes. Vrai ou faux, Laetitia? Oui. Lydia? Ouais, ouais. Delphine? Je sais pas, oui. Bah, t'as plus ou moins de succès. T'as pas de succès avec les mecs ou t'as du succès avec les mecs? Par rapport à des copines plus grandes? Je me plains pas, mais je sais pas faire de comparaison. Bon, très bien. Bon, elle se plaint pas, c'est le principal. Elle se plaint pas, c'est déjà pas mal. Eh ben, c'est une étude anglaise qui a prouvé que celles qui mesuraient entre 1m51, désolé Lydia, et 1m58, donc ça vaut pour vous deux, Delphine et Laetitia, et donc elles étaient plus souvent mariées et mères de famille à 42 ans que celles qui étaient au-dessus. Moralité, avant 42 ans, pas de problème, mais si après 42 ans, vous êtes toujours pas mariées, celles qui font entre 1,51 et 1,58, c'est que ça pue un peu. Elles peuvent allonger leurs jambes dans l'avion. Ah oui, ça c'est vrai, hein, pour le coup. Mais ça c'est valable pour les mecs aussi. Hein. Donc c'est l'avantage, c'est qu'effectivement vous êtes couché tranquille et ben vous êtes tranquille. Voilà. Hop, vous pouvez vous allonger dans l'avion. C'est le côté positif. Attends, il y a aussi Saveria qui vient d'arriver là. Salut Saveria de Corse. Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Bon, tu mesures combien toi? Oui, moi je vais bien. 1m55. 1m55, bah très bien. On est encore un petit peu plus petit. C'est parfait. Bon, alors le point positif aussi, elles peuvent faire du shopping au rayon enfant et donc trouver plus de trucs. Alors Saveria, vrai ou faux? Faux. Faux. Et toi, Laetitia? Vrai. Vrai. Lydia? Ouais, faux. Et Delphine? Ah, vrai aussi. Vrai aussi, c'est moins cher. Et puis surtout quand c'est les soldes, c'est pratique. Parce que du coup, bah, forcément, vous n'allez pas vous habiller au même endroit. Elles ont peu de chance. Ah oui, c'est vrai. Elles ont peu de chance d'avoir un mec plus petit. Ah, surtout toi, Lydia. Vrai. Ah ouais, parce que si le mec fait un mec en dessous de 1m47, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Et ben. C'est ouf parce que moi j'ai réussi, enfin je connais un pote, il doit faire je sais pas 1m60, pas beaucoup plus, et ben il a, et ben je ne l'ai jamais vu avec une meuf qui est plus petite que lui quoi. Ah ouais? Ah ouais, c'est-à-dire que je sais pas comment il fait, mais les meufs qu'il arrive à trouver, jamais elles sont plus petites que lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, ça peut arriver hein, après. Et toi Laetitia? C'est vrai. C'est vrai aussi, Saveria? Faux. Ah toi t'as déjà trouvé, tu sors avec des mecs plus petits toi? Ouais. Ah d'accord, ok. Elle a décidé sa variété de dire tout ce que je disais. C'est parce qu'elle est corse. Ouais, c'est les corses. Ah oui, c'est vrai. Elle a toujours raison de toute façon. T'es jamais sorti avec un plus petit? Non, jamais. Jamais, d'accord, ok. Les gens ont envie de vous faire des hugs, tu sais, des petits câlins comme ça. Oh, les petites, oh, ben viens ici. Saveria? Faux. Faux. Non, c'est vrai. Moi, on avait une copine en commun qui s'appelait Aline. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je voyais ça. Elle s'appelle toujours. Elle est pas décédée. Ah hein, bon, je pensais. Et c'est vrai qu'elle est petite et elle a une grosse tête. Ça je t'embrasse. Lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir. Mais c'est vrai que t'as envie de lui tirer la tête comme ça. Bah, elle m'énerve maintenant, tiens. Bon. Et donc, et toi, Laetitia? Moi, je dirais vrai parce qu'on m'en fait tout le temps. D'accord. Lydia? Non, pas forcément. D'accord. Delphine? Ouais, vrai. Aussi, d'accord, ok. Alors, l'avantage est de petite, parce que tout ce qui est petit est mignon, tout le monde le sait. Bon, c'est vrai, Saveria? Faux. Vrai. Ah, quand même, pas mal, Saveria. Ouais, c'est le seul, hein, c'est le seul où elle est d'accord. Laetitia? Oui. Eh bah oui, Lydia. 95D, on l'appelle. C'est ça, évidemment. Lydia? Bah oui. Et toi, Delphine? Ouais, je suis d'accord. Tout le monde est d'accord, parfait. Bah, c'est parfait. Alors, l'avantage aussi d'être petite, elles sont pompettes au bout de 2 verres de vin, donc en fait, elles sont bourrées. Saveria? Faux. Faux, évidemment. Bon, elle est corse. Elle boit de l'eau de vie, elle. Évidemment. Ah oui, c'est vrai. Laetitia? Faux. Faux. Lydia? Ouais, pour mon cas, c'est vrai. Deux verres, ça y est. D'accord. Et Delphine? Non, c'est faux. C'est faux aussi. Oui, donc nous avons 3 pochetrones avec nous. Eh oui, apparemment, c'est ça. Alors, elle compte. Qu'est-ce que c'est que ce truc de merde? L'avantage d'être petite, elle consomme moins de savon. Bah, c'est vrai. Oui, forcément, la surface est plus grande. Ah, bon. Saveria? Vrai. Vrai, Laetitia? Vrai. Lydia? Ouais, c'est faux, moi, j'en mets de plus en plus. Ah, attends, mets de plus en plus, parce que c'est de plus en plus sale. C'est une grosse crado, donc elle a besoin de frotter beaucoup. Non, mais d'accord. Non, plus ça mousse, mieux c'est. Oui, ouais, bah, bien sûr, évidemment. Et toi, Delphine? Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ça économise un peu, très bien. Et enfin, la petite dernière, l'avantage d'être petite, elles sont toujours devant sur les photos de groupe, donc on les voit toujours mieux. Saveria? Faux. Vrai. Ah, vrai. Laetitia? Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Lydia? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Delphine? C'est vrai. On l'a bien vu avec le doux tout à l'heure. Bah non, parce que lui, t'es derrière pour le coup. Ouais. Hein, quand on a fait une photo avec le doux tout à l'heure. Donc, moralité, vous ne regrettez pas d'être petite. Ou votre taille idéale, ce serait combien, Saveria, par exemple? 1m70. Ah oui, ah oui, oui, t'es loin, loin par contre. Alors, hein. 15 cm, il manque encore. Hein. Même avec des talons, c'est des talons en général, des plus gros escarpins, c'est quand même 10 cm maxi, puis il faut arriver à marcher avec quand même. Hein. Donc, 15 cm, Saveria, t'es pas arrivé. Laetitia, c'est quoi ta taille idéale pour toi? Pareil, un bon 1m70. Un bon 1m70, d'accord. Toi, il manque 12 cm. Lydia, alors toi, on vient de loin, 1m48, t'aimerais faire combien? Bah, on va dire 10-15 cm de plus, ça serait pas mal. Non, hein. Je suis en train juste de réfléchir à un truc, 1m48, ça m'arrive où? Ça t'arrive au niveau du gros bide, Tof. Parfait, c'est parfait, ça veut dire qu'elle peut me sucer debout, j'aime bien. Tu veux du gros bide. Quelle dégueulasse, Ria. Une minute, allez hop. Allez, oh dégage, dégage, ferme-la. Voilà, une minute au coin, comme ça on sera tranquille. Tu es sale. Et Delphine, ta taille idéale, ce serait combien? Pour moi, c'est parfait. Ah, toi, c'est parfait. D'accord, ok. Bon, bah, très bien, très bien, très bien. Bon, bah, impeccable. Vous êtes maquée là pour l'instant, les filles, ça veut rien? Ouais, j'ai pas entendu. T'es maquée actuellement, t'as un mec? Ouais. D'accord, Laetitia? Oui, oui, oui, fiancée aussi. Oh là là là là, magnifique. Et Lydia? Non, non, pas de couilles, pas d'embrouille. Ah, pas de couilles, pas d'embrouille. Merci, j'aime bien Lydia. Pas de couilles, pas d'embrouille. Et Delphine? Je suis libre. Libre, très bien, parfait. Oh, c'est dommage, Toff est con. Et malheureusement, ne peut pas parler. Ah oui, là, il est puni encore pendant 20 secondes, c'est dommage. Eh ben, merci les filles d'avoir participé à ce magnifique sondage. Mais cela dit, restez là encore un petit peu. Parce que il y a Adeline qui est avec nous aussi. Salut Adeline. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Bah, très très bien. Bon, Adeline, on t'avait eu il y a quelques instants, toi, puisque tu voulais. T'avais une grande question existentielle dont on parlera dans quelques minutes, c'est-à-dire comment fonctionnent les mecs? Ah, ouais, c'est revenir. Oh merde, bah oui, voilà. C'est moi le mieux placé pour répondre. Tu parles. Bon, alors, puisqu'on a des filles qui sont avec nous, Adeline, quel est le fond de ta question? Parce que la question posée comme telle est un peu particulière. Alors, le fond de ma question, en fait, c'est que bah, j'ai rencontré un mec, mais il habite super loin. Ouais. Oh, quand je dis super loin, c'est en Allemagne, donc 1266 km. Ah oui, 1266, c'est la regarder sur Google. Ah, 1266. Oh là là. Alors si je vais aller à pied, ça me prendrait combien de temps? Oui, bah trop d'heures. Bon, donc t'as rencontré un Allemand. Déjà, c'est un bizarre. Allemand, voilà. Ah, ah, très bien, bonjour. Bonjour, jeune fille. Comment allez-vous, Adeline? Et donc, vas-y Adina, continue. Donc du coup, ça fait déjà 5 ans et tout, et il est venu il y a un mois en France. Ouais. Est-ce qu'il mange de la choucroute et boit de la bière par sûr, par de 20 litres? Bonjour, je suis... Je suis Kurt. Voilà. Je suis amoureux de Adeline. Et comment il s'appelle? Kurt. Daniel. Oh bah non, c'est pas un Allemand. Ah, je suis déçu, hein, je suis déçu. Bon, bref. Et donc, alors, donc, il habite à 1266 km de toi. Et quel est le problème? Pourquoi tu veux savoir comment fonctionnent les mecs? Ils mangent trop de choucroute. Je suis censé y aller en juin et il y a une semaine, il m'a dit qu'il voulait plus me voir. Oh ah, sale Allemand. Ah, il a retrouvé. Bah, arrête, on va encore avoir dit oui, j'ai traci. C'est comme les mecs n'ont pas d'humour. Et il a pas donné de raison, évidemment. Il a pas donné de raison, donc du coup, j'ai une pote qui est dans le même souci, et du coup, on se demande si soit il en a rien à foutre de moi, ou s'il a juste peur de ses sentiments. Bah, c'est une éventualité, cela dit. Hein. C'est un Allemand, ça a pas de sentiments, ces gens-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Laetitia, là, comme ça, là, sans réfléchir? Je veux bien m'occuper de son mec. Pourquoi? Tu veux le pécho ou tu veux lui péter la gueule? Ah, lui péter la gueule plutôt. Ah, d'accord, ok, très bien. Directement, ouais, c'est pas Ismaël qui a dit pas de couilles, pas de problème ou... Non, c'est Lydia. Ah, c'est Lydia, pardon. Ah, ouais, c'est Lydia. Mais par contre, si je puis me permettre, quel est l'intérêt, Laetitia? Parce qu'on oui. sait pas, ça se trouve, il a une très très bonne raison, l'Allemand, là, d'avoir décidé d'arrêter. On sait pas. Parce qu'il faut pas faire ça à une fille, c'est pas gentil. Ah, bah oui, mais enfin bon, c'est pas gentil. Il y a plein de filles qui font des trucs pas gentils avec les mecs non plus, hein. Oui, mais ça dépend des filles aussi. Oui, ça dépend des filles. Bon, attends, on va prendre l'avis de Lydia aussi dans quelques minutes. Pourquoi j'ai deux fois Lydia dans le standard? Je ne sais pas, en tout cas. La Corse! Je n'ai plus ton prénom, du coup. Saléria. Ah, Saléria, exactement, parce qu'il y a marqué Lydia maintenant. Bon, Saléria, t'as encore un truc à ajouter? Je crois que c'est Saléria. Je dois faire une dédicace au lycée Fèche. Eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. On embrasse tout le monde en Corse et Ajaccio. Salut, Saléria. Allez. Gros bisous, à bientôt. Non. Allez, ciao à toi. Retour avec Adeline. Bah, Lydia va donner son avis. Laetitia, bah, tu restes avec nous. Les filles, appelez-nous. Les mecs, pareil. Comment fonctionnent les mecs? C'est une grande question. Eh ben, on va en parler dans quelques minutes. Et puis, il y avait Dylan Ledoux, là, qui avait fait la call tout à l'heure, qui a demandé le son des Global DJs avec Kids. Eh ben, voilà. On va le mettre maintenant. Bah, normalement, il y avait prévu l'autre, le nouveau des Global DJs. Eh ben, on va se mettre celui-là. Oh, voilà, c'est pas grave. Hein. Kids, maintenant, sur Fun, 23h07, toujours au cœur d'une heure sans pub. Et bienvenue également à tous les nouveaux auditeurs qui débarquent ce soir sur Fun Radio. On est là jusqu'à minuit. Merci d'écouter Fun. Le son des Global DJs, on l'avait demandé tout à l'heure, tiens, c'était Kids. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te marres tellement avec Mickaël No Limit que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limit. De 20h à minuit sur Fun Radio. Exact, 23h10 sur Fun, j'ai une Nintendo Wii Mini à gagner et, enfin, ou plutôt, une mallette spéciale poker. Vous allez pouvoir vous marrer avec le truc. Ah, cool! Ah, ouais, plutôt cool. Pour ça, il va falloir jouer avec nous au match d'impro. Le match d'impro, c'est simple, on cherche un garçon et une fille. On fait un match d'impro, on vous donne un thème. Et puis, bah, évidemment, ça part sur le film de boule, évidemment, vous nous connaissez. On n'est pas comme ça, nous. Hein. Non, bah non. Si vous voulez jouer avec nous, on joue d'ici une petite vingtaine de minutes. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Le match d'impro va arriver dans quelques minutes. On est toujours au cœur d'une heure sans pub. Je vous cale dans quelques minutes le son de Guillaume avec 5 Hours. Et puis avant de partir, je vous mettrai aussi Gino. Voilà, First Love. Allez, continuez à balancer tous vos messages qui arrivent en direct. On est très nombreux ce soir et ça fait plaisir. Hashtag Mickaël sur le Twitter. Ajoutez-moi également sur le Facebook de l'émission. Tapez Mickaël officiel. Pareil sur Instagram, pareil sur Twitter. Et si vous me suivez, je vous suivrai aussi. Pareil aussi sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. Tapez Mickaël officiel. Et si vous vous abonnez à ma chaîne, je m'abonnerai évidemment à la vôtre. Il y a Critic Man qui dit ah là là, la team Mickaël qui refont les Allemands énormes comme ma bite, entre parenthèses. Vous, tu t'emballes, toi. Il y a Laetitia aussi. Oui, super complexé. Je fais 1m53. C'est vraiment petit mais pratique pour les chéris. Toujours plus grand, c'est chou. Bah voilà, au moins vous êtes protégés, c'est bien. Dylan aussi, moi je n'ai rien offert à ma mère. J'ai complètement oublié que c'était la fête des mères. Bah bravo Dylan hein. Jackals aussi, est-ce que Toff pue de la gueule? Parce qu'à force de dire de la merde, ça doit être le cas. Vous déchirez, changez pas, merci beaucoup. Bah oui, hein, je pense hein. On peut le confirmer. De quoi la gueule? Ah bah écoute, c'est pas. Il est préférable de ne pas s'approcher trop. Voilà, fait, c'est ça exactement. Et de ne pas nourrir. De pas nourrir. Ne pas jeter de cacahuètes. Il y a Jenny qui dit les gars, franchement, vous êtes les meilleurs. Le fait de vous écouter remonte vraiment le moral. Vous sauvez des vies. Oh bah c'est gentil, Jenny. Bon, tu t'emballes un peu, mais si, ça fait si, plaisir. Si. En là, tout on va cas. Ça, on va l'envoyer au sous-chef. Ouais, ça devrait être remboursé par la Sécu. Ouais. Alexandre, Mika, tu peux demander à l'antenne si quelqu'un sait pourquoi la bourse dans GTA 5 Online ne marche pas sur Xbox 360. J'en ai pas la moindre idée, mais le message est passé. Et Willy aussi qui dit, moi je me suis coupé 3 doigts en même temps car je taffe en boucherie. Mes doigts ont été littéralement coupés dans une machine à hacher la viande alors que je faisais de la farce. Ah bah oui, c'est une belle farce justement, tiens. Putain. Et Corentin qui dit, putain les mecs, vous êtes trop bons. Bah c'est gentil Corentin. Bon, on est là tous les soirs, hein, de 20h à minuit le dimanche et de 23h à 2h du lundi au jeudi. Prévenez vos potes également. Car si ce sont des potes, vous devez, c'est le minimum syndical de les prévenir. S'ils sont condamnés, s'ils se sentent obligés d'écouter des émissions médiocres, il faut les prévenir. Ils ne sont peut-être pas au courant qu'il y a quelque chose de probablement mieux à écouter mieux, ailleurs. Bah voilà, il faut les prévenir. Si vous êtes des amis, c'est comme ça. Si vous êtes la famille, c'est normal également. Mais oui. Vous devez les prévenir de ne pas écouter, de ne pas être obligé ou de se sentir obligé d'écouter des émissions et médiocres. Il y a un grand homme qui a dit, si tu aimes ton prochain, dis-lui d'écouter Mickaël No Limit. Exactement, oui. Et Romain, grand philosophe. Ah oui. Evan qui dit, moi je suis resté bloqué avec un antivol autour du cou pendant 4 heures sans pouvoir l'enlever. C'est quoi, c'est ta meuf qui t'avait accroché devant le supermarché? C'est pour pas que tu te barres. T'imagines le mec pendant 4 heures avec un antivol? Ah putain, ça peut en être plus drôle. Ça doit être un U en fait, il doit avoir. Ah oui, un U, ouais, bien sûr. Mais comment il a fait? Oh, c'est énorme. Ah oui, ça peut être très drôle, tiens. Bon, Adeline, le retour. Toujours là, Adeline? Oui, tout à fait. Bon, on fera les appels de Toff également hein, dans quelques minutes. Donc restez bien là, ça parlera de sexe et de beau temps. Voilà, je suis de retour, plus, mon amour. Bon, Adeline qui nous avait appelé parce qu'elle voulait savoir comment fonctionnaient les mecs. En gros, elle est sortie. Tu l'as rencontré où ton Allemand, Adeline? Dans un échange scolaire en 4e. D'accord, oui, donc ça fait un bout de temps là. Ça fait 5 ans. Ah oui, d'accord. Bah, il serait temps d'apprendre à le connaître, quoi. Bah ouais, donc c'est surtout que Adeline l'a rencontré, elle devait aller le voir au mois de juin, et puis bah là il lui a dit qu'en fait finalement c'était pas la peine de venir. Mais en même temps c'est normal, Adeline, ça fait 5 ans, vous aviez 13 ans, je veux dire, le mec à mon avis il a rencontré une petite Allemande et puis voilà. Oui, mais enfin, comment expliquer, il y a 3 mois on s'est remis à se reparler, mais genre super bien, et c'est depuis ce moment-là, quoi. Enfin, voilà. Ouais, mais voilà, mais c'est ce que je dis à mon avis, là, parce que tu sais, c'est compliqué les relations longue distance, en plus ça fait 5 ans, le mec s'il a jamais eu d'autres copines que toi, comment te dire qu'il doit être chaud bouillant comme la braise là. Non mais tu vois, c'est même pas une question de c'est un mec machin, c'est juste normal, 5 ans c'est quand même violent. Mais ouais. Bah oui, ouais, attends. Bon Lydia, qu'est-ce que t'en penses? T'as déjà eu des relations longue distance ou pas, Lydia? Non. Jamais. Non. Plus longue distance que t'as eu, c'est combien? Non, pas loin de chez moi. Ah oui, d'accord, oui, bien loin. Toi, t'es une aventurière, Lydia. Ouais. Ouais, c'est vrai, on a remarqué ça tout de suite. Et toi, Laetitia? J'en ai déjà eu une où ouais. J'habitais en Italie, ça a duré un an et demi. Mais après, bah, avec la distance, bah, ouais, mais où en Italie? Parce qu'en même temps, si tu veux, Saint-Raphaël, l'Italie, c'est pas non plus hyper loin. C'était à 8 heures de Saint-Raphaël. La ville, je m'en rappelle plus, mais c'était à 8 heures de Saint-Raphaël. Ah oui, elle t'a marqué. Ah ouais, 8 heures de Saint-Raphaël, oui, effectivement, ça fait un peu loin. Que, vu, ça fait une trotte, ouais. Ouais, vu comme ça, effectivement. Bon, et donc, vous étiez restés combien de temps ensemble? Un an et demi. Et ça s'est cassé, ça a cassé pourquoi? À cause de la distance ou autre chose? La distance, et après, ça marchait pas trop. Ah oui, on bah va pas raconter les détails, mais bon. Bah, si, tout ce qui est sexuel, moi, ça m'intéresse. C'est ça. Elle te broutait mal le minou, voilà, c'est ça? Voilà, sexuellement, vous faisiez quoi? Non, c'était nickel. Mais les choses ont fait que voilà. Voilà, les choses ont fait que voilà. Bon, attends, il y a Stéphanie également qui est avec nous là. Salut Steph. Salut. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, alors toi, tu voulais réagir à Adeline, donc comment fonctionnent les mecs par rapport à son histoire là, qui en soi n'est pas exceptionnelle dans le sens où le mec, à mon avis, il a pas eu les couilles de te dire, écoute, j'ai peut-être rencontré quelqu'un d'autre, ou voilà, il t'a juste dit, non mais finalement, c'est pas la peine de venir, allez, merci, au revoir. La choucroute n'était pas bonne. Et puis il a raccroché, quoi, voilà. Nous étions bien en Bavière. Bon, alors Stéphanie. Oui. Bon, c'est quoi ton avis par rapport à Adeline? Bah, moi je pense que même s'il lui a dit de pas y aller, elle devrait y aller pour pouvoir avoir une discussion vraiment en face à face avec lui. Ouais, enfin, je vais pas se taper 1300 bornes juste pour discuter avec Roger quand même. Hein. Bah si. Bah non. Non, elle aura jamais de réponse. Oui, parce mais que bon. Si lui il est déjà venu jusque chez elle, c'est pas pour rien. Mais quand de même. Toute façon, j'ai mes billets d'avion. Ah, tu l'es? Ah oui, bah oui, donc t'as pas le choix. Voilà, vas-y. En plus. Mais attends, tu vas. Bah, j'imagine que t'avais prévu d'y aller toute seule, évidemment. Bah bien sûr. Ah bah oui, vas-y. Combien de temps tu vas rester là? Une semaine? Oh putain, c'est où en Allemagne? Tu vas t'éclater! Ah ouais, c'est où en Allemagne? Rothenburg-Aberdwunder. Ah, aïe. Où ça? Rothenburg-Aberdwunder. Je suis désolé, mais je regarde. C'est où Rothenburg-Aberdwunder? Rothenburg. Non mais c'est tout près de quelle ville? Brême. Ah, Brême. Entre Brême et Hambourg. D'accord, ok. Brême et Hambourg. Et c'est même pas Berlin où c'est assez cool, ou une grande ville, quoi. Non, il y a rien là. Non, mais non. Mais après, enfin, je connais plein de monde là-bas aussi, donc. Ça va alors. Bon bah oui, effectivement. Alors pourquoi pas? Tu devrais aller là-bas pour. Si t'as tes billets d'avion, après, t'as rien à perdre. Hein. Enfin, un peu de temps, mais. Ramène-lui de la choucroute. Mais ouais, donc tu sais où il habite, tout ça. Oui. Bon bah écoute, ouais, bah va le voir. Hein. Comme ça au moins t'auras une discussion, puisque t'as quand même les billets d'avion. Ouais. Mais ils sont pas remboursables, les billets d'avion, non? Non, bah non, forcément. Bah ouais, j'imagine, t'as payé cher. Près de 230 euros. Ah ouais, putain, ça fait chier quand même, ouais, effectivement, pour pas y aller. Si je puis me permettre, va déjà voir sur Mythic si tu peux pas trouver un autre mec dans la région. Oui, c'est vrai, sinon tu prends Tinder, hein, tu le mets sur ton application que tu regardes dans l'Allemagne, tu peux te retrouver mec à l'Allemagne. T'arrives Tinder, comme ça tu peux voir un autre mec. Bah oui, au cas où, quoi. Non mais c'est une idée, hein, après, hein, c'est juste histoire de pas perdre trop de temps, quoi. Ça t'est déjà arrivé, toi, ou pas, Steph? Oui, moi ça m'est arrivé. Ah, et t'as fait quoi? T'as été le voir et t'as dit quoi? Bah là ça m'arrive en ce moment, donc je vais y aller demain ou après-demain, moi. Il habite où? Avec des problèmes. Il est où? Il habite à Paris. Et il s'appelle comment? Hein? Il s'appelle comment? Nicolas. Bon, et il t'a fait quoi? Il fait quoi, Nicolas? Bah un peu la même chose, quoi. Ah, il t'a un aussi peu dit... la même chose. Ah quoi, vous êtes sortis ensemble, genre entre guillemets virtuellement, et puis après au moment où il a voulu te voir... Où il fallait fourrer. Ouais, où il voulait... Enfin, où vous deviez vous voir, il t'a dit merde. Non, on s'est vu, et puis là aujourd'hui il m'a dit qu'il voulait plus me voir. Ah, d'accord, ok. Ah, et ben c'est un mec, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça, quoi, même. Non, c'est peut-être que. Faut arrêter de croire que les mecs et les meufs, c'est pas différent, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à comprendre. Je pense que c'est les situations qui font que. Tu vois, il n'y a pas une espèce de. C'est pas génétique, il n'y a pas une génétique mais, de l'homme. Non, mais d'accord, ok, oui, ah, ok. Si, il y a une génétique, mais c'est pas. C'est pas marqué dans les gènes, voilà. C'est bon, que très bien. Voilà. Bon, Adeline, bah écoute, tu vas quand là en Allemagne du coup, au mois de juin? Le 21 juin. Oh, pour la fête de la musique, c'est pas mal. Parfait, bah, génial, je vois pas le rapport, mais. Bah, si, si. La fête de la choucroute, et que la bière coule à flot, mes amis. Eh, tu pars avec quelle compagnie, Lufthansa, j'espère? Air France. Ah merde, t'auras dû prendre les Allemands là. La France. Ouais, t'auras dû prendre les Allemands, merde. Ah, oh, tu vas arriver entre l'accordéon et la saucisse, tu vas être au top. Ah, ah, tu vas être bien là, tu vas être très bien là. Bon, Adeline, tu nous rappelles fin du mois de juin du coup pour nous expliquer comment ça se passe? Ouais, d'accord, y'a pas de soucis. Voire même, on peut t'appeler pendant que t'es en Allemagne afin de prendre des nouvelles. Ouais, bonne idée. Bah oui. Te prends pas la tête, hein. Demande-lui, voilà, est-ce qu'il s'est passé un truc et tout. Puis le mec, il va te dire non, oui, puis prends pas la tête, hein. Voilà, te prends pas le chou. Bah ouais. Bon. Ouais. Tu nous tiens au courant, Adeline? Ouais, pas de soucis, je vous rappelle fin du mois de juin. Ça roule. Salut Adeline, gros bisous. Allez, bisous. Ciao. Et il y a Lilia également de Marseille, là. Salut Lilia de Marseille, comment ça va? Salut, ça va et toi? Bon, et toi, tu voulais. Bah, ça va bien. Toi, tu voulais foutre la merde avec Laetitia et Lilia, puisque toi, tu as une. Quelle taille fais-tu? 1m78. Eh oui, à 15 ans. Oh là là là. À 15 ans. Oh là là là là là. Ouais. 1m60. Et toi, tu veux dire, ouais, mais j'aurais préféré être plus petite, non? Ah, mais c'est ça. Ah ouais, toi, tu voulais être plus petite? Mais parce qu'en fait, vu que je suis grande, je peux pas mettre de talons, ça sert à rien. Bah, si, tu peux, mais c'est juste que les mecs passent pour des cons, quoi. Même plus 1m80. Alors que les filles petites, elles peuvent mettre ce qu'elles veulent. Ouais, mais ça, c'est vrai. C'est un avantage. Ouais, mais bon, tu sais, quand t'auras 20 piges, 1m78, tu vas avoir de ces putains de jambes. Mais j'ai pas fini de grandir, moi. Bah, faut voir, en plus que ça va s'arrêter, hein. Peut-être que ça va s'arrêter, hein. Regarde Toff, lui, son cerveau, il s'arrêtait à 12 ans. Hein. Oh, pff, même avant. Ah, mais avec Mickaël, on connaissait une meuf, son mec qui était petit, lui avait interdit de mettre des talons. Elle pouvait pas. Obligée de rester en talons plats. Ah, d'accord. Putain, c'est dingue, ça. C'est 1m78. Ah, oui, hyper grand. Hyper jaloux. Un mec hyper jaloux? Oui. Tu fais de la télé. Ah oui. Pardon. Enfin qu'il essaye. Oh bah, écoute, c'est ça. Bah, c'est... Bon bref, Lilia. Allô. Lilia. Bon, ah, c'est la mère, c'est la rentrée. Je pense qu'il y a un embrouille à la maison. Passe-nous ta mère. D'abord, elle a 14 ans là. Non. Maman. Oui, à mettre son petit à 14 ans. Mais ouais. Quelle honte les parents qui font ça, c'est honteux quoi. Ouais. Comment ils l'affichent devant toute la France? Mais vous pouvez pas savoir, Amy, qu'elle est à la radio. Et tu mesures 1m2. Ouais. Dis la vérité. Oui. Pareil, Lilia? Oui. Ah bon, très bien. Bon, bah tu salues ta mère. Hein. Ouais, alors elle écoute là. Ah, elle écoute. Bah, tu lui as offert un cadeau pour la fête des mères? Non, je dis bonne fête. Ah bah oui, t'as grave ton cœur en plus. Hein. Bah bravo. Hein. Félicitations, ah, bah, oui. Lilia. Elle est grande ta mère ou pas? Ah non. Ah, c'est marrant ça. Elle est petite, elle fait 1m60. Et ton père? Je sais pas, je suis plus grande que lui. Il est petit, il fait 1m40. Ouais, c'est marrant ça, putain, dis donc. Bon bah écoute, Toff t'appellera vers 18 ans. Bah je vais attendre jusque là. Ouais, dans ses rêves, ouais. juste pour voir la taille que t'auras. Ah, c'est bien Lilia, tu es une fille qui ne te laisse pas faire et intelligente et qui a les yeux en phase de trou, c'est bien, ça, j'aime c'est bien. Beau, ça c'est beau. Du coup, ma mère elle écoute. Ah bah très bien, bah écoute, on l'embrasse aussi. Bon bah salut Lilia. Salut. Ciao à toi, Marseille, à bientôt. Bah Stéphanie qui vient de se barrer, bah salut à toi Steph. Et puis Laetitia et Lydia, bah je vous fais des gros bisous, vous revenez quand vous voulez les filles. Oui, okay, dis-moi oui, Nika. Oui. Un petit pacton, nickel. Et bah vous allez gérer ça avec le standard, je vous repasse okay, Sandro yes. Direct. Salut. Okay, merci tout ça, bonne soirée, continuez comme ça. Gros bisous, qui crie comme ça Lydia là derrière là? Non, c'est pas moi. Ah non, c'est chez Laetitia, autant pour moi. Salut Lydia, gros bisous à toi, à bientôt. Salut, bisous. Allez, ciao à toi. Et puis bah tous les autres là, vous nous appelez, n'hésitez pas. Hein. Je rappelle que on est toujours en direct jusqu'à minuit, qu'on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. On va parler encore jeux vidéo avec Raphaël et Antonin dans quelques secondes, puisque il y a un doux hein, qui, je rappelle que ce sont les auditeurs qui n'ont pas encore 15 ans ou qui n'ont pas mué, voire les deux, qui a sauvé son grand-père qui est en train de rouler 120 km/h. Il a fait une crise cardiaque et le doux a repris le volant, il a roulé jusqu'à l'hôpital, il a sauvé le grand-père et il a appris à rouler grâce à GTA. Et ça c'est beau. C'est beau quand même que grâce à GTA il ait pu sauver son grand-père. Mais c'est beau, non mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. La légion des doux. C'est exactement, ouais. Allez, 23h23 sur Fun Radio, je l'ai promis tout à l'heure, on s'écoute Diro maintenant, 5 Hours. Et puis bah comme je le disais, hein, on va jouer au match d'impro. Si vous voulez jouer avec nous, il y a des packs poker à gagner ou les Wii Mini. Vous nous appelez 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bienvenue tout le monde. Mmh. Le son de Dioro sur Fun Radio que vous avez découvert sur Fun Radio. Et c'est normal. Dioro, c'était 5 Hours. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit. No limit. No limit. Mickaël. Sur Fun Radio. Exact. On est là, 23h27 sur Fun Radio. Et on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Avant de se faire les appels de Toff, on parlera de sexe et de beau temps. Et nous avons Morgane et Mathieu. Salut les Menems. Salut. Ça va Morgane? Ça va très bien et vous? Bah très bien, 21 ans de Fréjus Morgane. Oui. Très bien. Et de l'autre côté Mathieu, 19 ans de Rouen. Ça va? Oui, c'est ça, ouais. Bon. Je vais mettre Mathieu en condition. Morgane, combien mesures-tu? Il est chaud lui ce soir. 1m62. Combien pèses-tu? 45 kilos. Il faut manger maintenant. Non, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Quel est ton tour de poitrine? 95C. Oh, oh là, explosion, oui, oui, oui, oui. Ces saveurs, cette perfection, ce parfum. Ce parfum du sud qui remonte. C'est ça, Fréjus. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté, Morgane? 38. Oh, oh. Qu'est-ce qu'elle est bonne. T'as vu, Mathieu, on t'a bien mis un soir. Ah ouais, là, ouais, là. Ouais, ouais. On a choisi la plus belle de la soirée, je pense. Bon, c'est ça. Mathieu, ton doigt, on s'en fout, oui. Hein, quoi tu ressembles. Envoie une photo à Polo, à Fun Radio, vous pouvez faire. C'est scientifique. Hein. Et comme d'habitude, il n'aura rien, c'est un petit peu habituel, c'est on va triste. Dire. Bon, alors Morgane et Mathieu, on va se faire le match d'impro dans quelques minutes. Je vous donne le thème, évidemment, les élections. Ah, évidemment, normal. Eh bah oui, il va falloir aller voter, bien entendu. Hein. Donc, vous allez devoir improviser un petit dialogue hein, de 1, 2, 3 minutes à peu près. Nous, on peut à tout moment s'insérer, pénétrer le mettre le doigt dans la discussion. Voilà, on peut mettre un doigt dans la discussion. Tu vois, il mériterait une minute. Et ça va être dur aussi. Hein. Pourquoi? Ça va être bien dur. Ah oui, ça va être dur, oui, ça c'est sûr. Donc, évidemment, il faut que ça termine en film porno. Le doux va évidemment enlever le casque de ses oreilles, bien entendu. Et le donner à maman. Voilà, aller dans le studio d'en face où ils sont en train de préparer Partiphone. Ils seront très bien là-bas. Enfin, il sera très très bien accueilli là-bas. Et voilà, Morgane, Mathieu, réfléchissez à ce que vous comptez faire. Il faut donc parler des votes aujourd'hui. Vous étiez peut-être dans le bureau de vote, je sais pas. Petite pipe à l'isoloir. Peut-être, l'isoloir, assesseur, faites comme vous voulez. Donc, on fait ça dans quelques minutes. Mathieu, Morgane, vous restez là? Ouais, ouais. Allez, réfléchissez, je vous mets en antenne, Morgane et Mathieu. Improvisez bien, en tout cas. Et puis, les auditeurs vont devoir voter dans quelques minutes pour savoir lequel d'entre vous repartira avec les cadeaux. En attendant, faisons un tour du côté des appels de Toff. Allons-y. Je rappelle qu'on fait ça toute la semaine, évidemment. Les appels avec toujours un sujet divers et varié. Surtout varié. Donc là, c'était une étude qui avait montré que 80% des femmes avaient envie de faire l'amour quand il fait beau. Oui. Et que dans ces 80%, il y en a 70% qui passent à l'acte, quoi qu'il arrive. Ah oui, c'est pas mal. Donc c'est pas mal. Donc si en ce moment il fait beau, donc si vous êtes dans les 70%, appelez-moi. Je suis disponible jusqu'à aujourd'hui parce qu'à partir de demain il fait dégueulasse. Ah très bien. Voilà. Enfin bah, pas partout, mais en règle générale. Bon, allez, on y va en appel. Bah oui, allons-y. Allez, c'est parti. On y va. C'est parti. 23h30 sur Fun. Oui, allô. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si votre femme avait plus envie de faire l'amour quand il fait beau. C'était rapide. Hein. Oui, ça mérite d'être rapide, effectivement. Il n'a pas eu une grande discussion. Bon, attends, on va le rappeler. C'est parti, 23h30. Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. J'étais avec votre mari, mais on a été coupé. Non, mais c'est quoi cette blague? Mais c'est pas une blague, en fait. Je voulais savoir si vous aviez plus envie de faire l'amour quand il fait beau. Non, mais c'est une blague ou quoi? Non, c'est une question, madame. Non, mais je réponds pas à ce genre de questions, mais j'essaye de reconnaître la voix, mais je reconnais pas, donc voilà. Ah non, on se connaît pas, madame, je m'appelle Toff, et je veux juste savoir si vous aimez plus faire l'amour quand il fait beau ou que quand il fait mauvais. Bah j'ai pas envie de répondre, embêter une autre personne. Ah bah c'est pas gentil ça, madame. Bah non, mais j'ai pas envie de répondre. Mais pourquoi vous voulez pas répondre, madame? Parce que c'est n'importe quoi. Mais non, c'est pas n'importe quoi, c'est juste, est-ce que le temps influe sur votre... Non, je réponds pas, je vais raccrocher. Ah bah non, raccrochez pas. Eh, si, elle va raccrocher. Ah bah non, pas du tout, monsieur. Vous pouvez pas emmerder quelqu'un d'autre. Vous allez fermer votre gamelle, vous allez raccrocher ce téléphone et plus m'emmerder, d'accord? Mais pas du tout, monsieur. Mais vous allez raccrocher, de toute façon je vais raccrocher. Mais non, emmerder quelqu'un d'autre. Mais non, monsieur, votre femme a pas répondu. Allô? Ah merde, le relou, on va le rappeler. Attends, on le rappelle. Hop. Ça se fait pas. Allez vous faire enculer. Ah non, monsieur, enfin. Pourquoi vous dites ça? Eh ben voilà, hein. Ça se fait pas. Moi je dis ça se fait pas. Ça y est, ça se fait pas, mais il l'a fait quand même. Je sais pas si t'as remarqué, mais. Ouais, mais ça se fait pas. Hein? Ouais, mais c'est honteux. Eh bah ouais. C'est honteux de faire ça à moi. Bon bah tant pis, hein, on en appellera d'autres pas tout à l'heure, mais dès demain bien sûr, à partir de 23h on sera de retour. Hein, 23h, 2h, tous les soirs de la semaine, on est en direct avec vous aussi. Donc si vous voulez, si vous faites chier le soir, n'hésitez pas, 23h, 2h, prévenez vos potes, on est ensemble tous les soirs et ça fait plaisir. Bon, on va se faire maintenant, avant de récupérer Antonin et Raphaël, Mathieu et Morgane. Vous êtes là tous les deux? Oui. Ouais. Vous avez un peu réfléchi à comment ça allait se passer? Ouais. Bon, très bien. Eh ben écoute, c'est parfait. On va donc y aller. Je suis juste en train de chercher un petit un son. Mais c'est compliqué de trouver un son d'ambiance de bureau électoral. Voilà, à voter. Oui, par contre, bon. Ça se passe comment? Bah ça se passe très bien. Vous allez démarrer maintenant. Merci. Et vous allez discuter, vous vous arrangez, je ne veux pas savoir qui fait quoi, à vous d'improviser, je m'en fous. Le but, celui qui arrive à le mieux improviser, eh bien repartira avec les cadeaux. Évidemment, ce sont les auditeurs qui vont voter avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, par SMS ou via le Facebook. D'accord ? D'accord. Donc voilà, vous discutez ensemble, vous faites comme si vous étiez dans le même bureau de vote, et puis bah vous parlez de tout et n'importe quoi, et il faut que ça dévie rapidement sur le sexe. D'accord ? D'accord. Ok. Allez, c'est parti, on y va. Et toi, fais l'assesseur. Salut. Bonjour. À voter. Je me trouve assez mignon. Ah, je sais, moi aussi je me trouve assez mignon. Je me la raconte. Oh l'enculé. Vous êtes assez bonne. Vous êtes assez bonne. Ah bah ça va, vous voulez pas qu'on aille dans l'isoloir ? Si vous voulez. Action. Comme vous voulez. Bah ouais, comme ça je pourrais mettre monsieur, enfin madame Le Pen, le pénis dans votre dans l'urne quoi. Madame Le Pénis. Ah mais y a pas de souci, moi ça me dérange pas. Hein. Bah oui, après tout. On est il là faut voter ça, qu'une hein. fois. Il faut voter bien qu'une sûr, fois. Alors hein. c'est seulement en un seul coup, hein. C'est bon. Ah oui, moi ça me dérange pas. Mauvais, très mauvais film de boule. Et ouais. Et comment dire, après vous comptez faire quoi? Commence à vous embrasser dans le cou. Non mais faites, il faut pas imaginer, il faut faire, en même temps c'est lui qui pose. Il faut faire, allez-y et soyez plus direct, on se croirait dans un mauvais film érotique. Ouais. Allons-y, d'accord. allez, non, là. Allez, écoutez-moi. D'accord. À voter. Alors, tu peux me tenir ma belle fille? Et moi je te touche bien comme il faut. D'accord. Le doux en les deux cas. D'accord. Vu que j'ai vu tes mensurations, t'es assez bonne. Je te prends par les seins. Ouais, ça me dérangerait pas, moi. Des petits massages. Hein. Bah, comment tu parles, le gauche ou le droite? On parlait de, je suis gourmand. Oh là là, on s'en branle le bourre là, on en parle plus. Oh, tof. Et vous voulez que je la mette bien profond? Ah oui, moi, il n'y a pas de souci, j'aime ça. Ah bah d'accord, on n'a pas de souci. Et je vais te faire crier dans l'isoloir. Vas-y, fais-le crier. Ah ouais, si je descends et que je commence un peu à faire une fellation, tu dirais quoi? J'irais Jean-François. C'est con. J'ai envie que tu cries, j'aime bien quand les hommes ils crient. Ils crient, d'accord. T'aimes bien crier? Bah carrément. Et si je te mange le cul? Ils sont mauvais. Oh là là là. Vas-y, bouffe mon cul. Oh là là, la grande classe. Ça et tu me bouffes bien aussi? Il y a ça me fait ouais, la mettre. Hein. Et comment dire, on pourrait s'échanger des choses. Ah oui, mais moi, il n'y a pas de souci. Quoi, hein, des cartes de panini pour le foot ou... Stop. Oui. Alors, bon, malheureusement, je ne peux pas dire amouré puisqu'il ne l'a pas fourré. Attendez. J'ai même pas éjaculé, tu dis stop. Ah bah oui, mais ça, je vous avais dit que vous aviez 2 minutes, hein, à peu près, donc... D'habitude, je suis précoce. Bah, je suis désolé. On s'est pas rendu compte, dis donc. Non, pas là, non. Ouais. Bon, alors attention, à vous de voter maintenant. Enfin, vous donnez vos avis. Hashtag et Mickaël. Et puis, vous mettez Morgane, c'est la fille, pour voter pour Morgane. Ou Mathieu, pour voter pour Mathieu. Pareil aussi sur le SMS. Vous envoyez et Mickaël, suivi du prénom, Morgane ou Mathieu. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Tu voulais dire quoi, Mickaël? Mathieu? Oui. Oui, c'est qu'à de le dire, d'aller voter. Oui, bah votez, oui, bah bien sûr. Ouais, t'as été voté toi ou pas? Oui, c'est bon. C'est bien. C'est bien, Morgane et Mathieu, c'est bien. Bon, bah du coup, vous votez maintenant, vous donnez vos avis, on donne les résultats dans à peu près 20 minutes. Vous avez vu qu'on marche plus vite que les résultats de... Ouais, t'as vu, c'est pas vrai. Hein, c'est ouais, européenne, hein, c'est plus rapide. Hein. C'est plus rapide. Ça veut dire. Bon, Mathieu et Morgane, pourquoi on devrait voter pour toi, Morgane? Parce que je suis bonne et que je pense que je suis un bon coup quand même. Hein. Bah, très bien, envoie polo à tfunradio.fr. P-O-L-O, envoie une photo. Et toi Mathieu, pourquoi on devrait voter pour toi? Pourquoi? Parfait, c'était le meilleur argument. Eh ben, je pense que là, tu feras un excellent politicien. Ouais, là t'as plus qu'argumenté, là c'est bien. Ah oui, là, on a bien vu. Ah ouais, on a bien vu. Hein. T'es, c'est bien. Bon, Mathieu Morgan. Une belle bite, tout simplement. Ouais, ok, d'accord. C'est dit. Un peu petit, mais elle est belle. Un peu petit, voilà. Mais elle est belle. Bon, bah, vous votez, vous nous donnez vos avis maintenant. Hashtag Mickaël sur le Twitter, Facebook et sur les SMS. Et puis, on va prendre les résultats dans quelques minutes. On a Raphaël avec nous maintenant de Montpellier. Salut, Raphaël. Salut, Mickaël. Ça va? Ouais, ça va. Bon, tu voulais réagir par rapport au doux, toi, qui, le doux, je vous rappelle, ce sont les auditeurs de Fun. Qui n'ont pas encore mué ou qui ont moins de 15 ans et qui a sauvé son grand-père parce que son grand-père a fait un arrêt cardiaque alors qu'il était à 120 km/h sur la route. Le doux a repris le volant et l'a déposé à l'hôpital. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et du coup, je vous avais demandé, il avait dit qu'il avait appris à rouler grâce à GTA 5. Et donc, du coup, je vous demandais, est-ce que vous avez appris à faire des trucs avec des jeux vidéo aujourd'hui ou que vous utilisez aujourd'hui mais que vous avez appris il y a longtemps? Et toi, Raphaël? Moi, j'ai appris à conduire. T'as appris à conduire? Ouais, parce que je joue à Need for Speed. Ouais. Et ce qui m'a servi aussi, c'est que je suis en internat et le mercredi soir, je fais un atelier histoire et j'ai appris l'histoire de la Grèce grâce à God of War. Attends, grâce à quoi? À God of War. Ouais, t'as pas appris l'anglais avec. Oui. Ah, il peut pas tout apprendre. Hein. Oui, c'est ça. Et donc t'as appris quoi, tu m'as dit, grâce à God of War? L'histoire de la Grèce. Ah, l'histoire de la Grèce. Bah, comme quoi, finalement, ça sert. Hein. Mmh. Ah oui. Ah oui, tu as dit à tes parents que t'avais appris des trucs importants grâce à des jeux vidéo? Oh, mes parents, ils sont pas trop pour. Ah oui, bah c'est dommage. C'est pas étonnant en même temps. Oui, ça m'étonne pas, effectivement. Parce que, en fait, là, en ce moment même, je suis... avec mon pote là, je parle sur Skype et j'aimerais bien parler d'une Team Gamer parce qu'on a prévu d'aller à la Paris Game Week. Tu veux parler de quoi? De la Team Gamer. La Team Gamer, c'est quoi? C'est une team. Oui, ça je me doute. Ouais, voilà. De gamer, attends, laisse-moi deviner, c'est deux gamers, c'est ça? Ouais. Non, putain, dingue. Trop fort. Ouais. Bon, et donc? Et donc, on fait des glitches, des bugs et... On fait des modes quoi. T'es conscient que en fait personne n'a rien compris à part ceux qui sont déjà dans la team gamer. Ouais ouais. En fait, dans cette team, on a modé les jeux quoi. On les a. Ah oui. Je ne comprends rien. J'ai l'impression que tu parles d'une autre langue. Modé. Oui. Oui, mais tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire modder un jeu, tu vois. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire modder. Ah bah voilà, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que. On les a modifiés quoi. Ils sont. D'accord. Et pourquoi tu n'utilises pas le terme modifié plutôt? C'est plus que facile. Modé. Hein. Ouais. En gros, les armes elles sont plus puissantes. Pareil sur GTA. Après sur Black Ops 2, on peut faire des parcours, on peut aller en dehors de la map, on peut sauter super haut. Ouais, mais c'est nul parce que du coup vous arrangez plein de trucs. C'est plus facile d'y jouer du coup. Oui, mais en même temps, on s'amuse. Oui, non, mais d'accord, mais bon, c'est quand même plus sympa quand t'essaies d'arriver. Tu sais, c'est comme ceux qui prenaient les raccourcis avec des codes et tout le bordel pour passer des étapes. C'est con. Ouais, t'arrives au bout, c'est bien, mais au final, t'as pas vraiment réussi à arriver au bout. Tu sais, moi, perso, j'utilise pas trop les modes. Mais après, moi, je propose aux auditeurs là, qui nous écoutent de s'abonner à la Team Gamer. Parce qu'on en a 84 et jusqu'à 100 abonnés. C'est toujours, les gars. Ouais. Jusqu'à 100 abonnés. C'est gratuit parce qu'on fait des comptes en fait. Ah, parce que ça va faire payer en plus l'autre là, faire payer après. Non, alors ouais, on va faire payer après. C'est gratuit jusqu'aux 100 premiers abonnés. Vous avez que les 15 premières personnes abonnées, demandez votre compte. Et du moins. Bon bah voilà, bah en gros pour les intéressés, ça sera plus simple parce que là c'est quand même relativement confus. Donc vous tapez Team Gamer et puis après on te retrouvera quoi, c'est ça? Voilà. Très bien. Ah bah attends parce qu'il y a aussi Antonin qui est avec nous là. Salut Antonin. Ouais, salut Mickaël. Ça va? Ouais, ça va. Bon, alors toi, c'est quoi les jeux vidéo là où t'as appris les trucs intéressants? Moi en fait, sur Minecraft, je joue et il y a des traductions de merde en français, donc j'ai foutu mon jeu en anglais. Ouais. Et j'ai très bien appris à parler anglais grâce à bah ça. Ouais. J'ai appris plein de mots et ça m'a sauvé plusieurs fois en contrôle d'anglais. Non mais c'est clair. Sympa. Non mais attends, mais on rigole, mais c'est vrai que pour le coup, c'est bien. Vous mettez tout en anglais et tout, c'est cool. Pareil, si vous regardez des séries, regardez-les ouais, en anglais. Ouais, regardez-les en anglais. Moi, j'ai super appris l'anglais en regardant la série en anglais et en mettant les sous-titres en anglais aussi. C'est parce que du coup, c'est plus. Qui c'est que c'est quoi cette voix là qui me parle? Moi, je crois que ah, c'est doux. Putain, j'ai eu peur. Moi c'est pareil, pour Minecraft j'ai appris quelques trucs en anglais en mettant en anglais. Voilà. Oui, c'est mieux parce que t'avais mis en espagnol, t'aurais moins bien appris l'anglais, anglais, quoi. Hein, ça aurait été un petit peu plus compliqué évidemment. Hein. Mais c'est pas interdit au moins de 12 ou 16 ça aussi Minecraft, pas du tout. Non, c'est tout. Bon, d'accord, ok. Je pensais autant pour moi, j'ai rien dit alors, très bien. Sinon j'aurais été évidemment, on aurait été avec Polo, lui confisquer le jeu. Grave, normal, et j'ai envie de dire logique même. Et donc c'est un très bon plan hein, si vous voulez apprendre des langues et tout, c'est cool. Vous mettez la version originale si c'est en anglais évidemment, et puis ça marche super bien. Pareil aussi quand vous regardez les séries ou quand vous regardez les films, vous mettez en anglais, sous-titres en anglais même au début, voilà comme ça, parce que c'est souvent la lecture, ça va, c'est la compréhension parfois qui est un peu plus compliquée pour certains, donc voilà, ça peut être un bon conseil quoi. Surtout quand t'as des accents, là je regarde Trou Détective, c'est deux texans. Ah, et le texan c'est chaud. Comprendre ce que le mec il a dit. Bah ouais, c'est clair. Ouais. Ben Antonin, Raphaël, merci d'avoir appelé. En tout cas, vous revenez quand vous voulez et puis à bientôt sur Fun Radio. Nickel. Ouais, je peux faire une dédicace. Vas-y, Antonin, là on speed à une personne, choisis la bonne. Grosse dédicace sur le serveur Mineria. D'accord. Voilà. Et ben message. On l'embrasse. Y a pas de souci, Antonin. Salut à toi, à bientôt. À plus. Ciao. Raphaël, tu voulais dire Je pourrais avoir un pack fun. Oui, bah tu vas gérer ça avec son rouge, je la repasse tout de suite sans problème. D'accord. Merci. Salut Raph, à bientôt, ciao à toi. Et puis on va donner les résultats aussi avec Mathieu et Morgane pour le match d'impro. C'est dans quelques minutes là. Si vous voulez donner votre avis, eh ben vous y allez maintenant. Hein, vous balancez votre message M-I-K-L espace Mathieu ou Morgane si vous voulez voter pour eux par SMS au 64-900 ou au 30-44 depuis la Belgique ou alors avec le hashtag MIKL. On donnera également les résultats du top tweetos. Je vous l'ai promis. Le son de Gilo va arriver. Ce sera First Love et ce sera dans un instant sur Fun Radio pour le contrôle reste du monde en préparation également. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S suivi de votre message au 64-900 par SMS. Mickaël, nos limites. De 20h à minuit sur Fun Radio. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit, nos limites. Nos limites. Mickaël. Mickaël. Sur Fun Radio. Exactement, on est en direct sur Fun Radio avec les résultats dans quelques secondes de ce magnifique battle qu'il y a eu entre Mathieu et Morgan pour le match d'impro. Et en attendant, je l'avais promis avant de partir là et avant de faire le. Il y a encore beaucoup de choses à faire avant de partir, hein, cela dit. Hein, avant de faire pour le coach le reste du monde, avant de faire également le top tweetos, on va se faire le son de Gilo maintenant. First Love sur Fun Radio. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir à débarquer. Hein. Tous les nouveaux auditeurs, on les embrasse. Bienvenue chez vous, c'est Fun Radio. Play to win. c'est son Gilo, First Love, je l'avais promis. C'est parti. Pendant que certains braquent des tirelires, que d'autres s'inventent des vies, Mickaël, lui, tel injusticier, vous donne la parole. Il est plus gros qu'à nous. Mickaël Olympique. Tous les dimanches, 20h à minuit sur Fun Radio. Exactement, et on est là aussi la semaine hein, de 20h à minuit, de 23h à 2h, pardon. Il y a Emiran aussi qui dit bonsoir, ça fait longtemps. Je peux avoir un petit son de bienvenue. Oui, un petit message avec plaisir. Je vais te mettre un concombre, une courgette, c'est ça que tu veux, non? Eh oui, Maxime aussi, il y a quoi mon message de bienvenue? Je suis accro à vous, continuez comme ça, merci Maxime. Eh ben, je vais t'en mettre un petit aussi, là, attends, hop là. T'es un gros débile, sérieux, t'as rien ça dans le crâne. Voilà, il y a Nicolas aussi, j'ai appris comment assassiner top discrètement grâce à Assassin's Creed. Ah ben, voilà. Une bonne idée, tiens. Ah, ça c'est pas mal. Et puis en plus, c'est vrai que c'est vachement utile de nos jours. Ouais, c'est clair. Jérémy Titi qui dit je vote pour Morgane car elle était plus pressée de baiser. C'est Mathieu trop lent, pas assez chaud le mec. Andréva qui dit la meuf a même pas joui. Sandra Day qui dit ils sont pas doués quand même tous les deux là, au match d'impro. Et puis il y a Aston aussi qui dit c'est la semaine des examens. Autant vous dire que ça fait plaisir de vous écouter avant la descente aux enfers. Oh mec, si tu le vois comme ça, t'es pas arrivé, hein, je te le dis moi. Bon, et un autre message d'Enola également qui dit je peux avoir mon message de bienvenue, continue comme ça, vous êtes parfait. Merci Enola. Ben, je vais t'en mettre un petit, tiens, évidemment, avec plaisir. Mais va te faire enculer. Eh ben voilà. Bon, match d'impro maintenant, on a Mathieu et Morgane, vous êtes toujours là tous les deux? Mathieu et Morgane? Oui. Ah, j'ai cru que je vous avais perdu. Bon, Mathieu, c'était pas grave, mais Morgane, ça m'aurait fait chier quand même d'avoir. Bah oui. Bah non, moi, c'est pas grave. Hein. Bah oui, attends, évidemment. Attends, elle est quand même pas déconner. Bon, alors, les résultats, puisque Toff s'occupe de tout ce bordel là, de tous les messages qui arrivent à gauche à droite. Eh bien, c'est une victoire écrasante, hein, c'est-à-dire que je suis même pas sûr qu'il y ait plus que 5 messages pour Mathieu. Donc voilà, donc c'est Morgane qui l'emporte. Et bravo, ouais, je pense que les saints ont joué. Bravo Morgane. Hey Morgane. Merci. Oui. Tu veux quoi? Tu t'es spécialisée dans le poker ou tu préfères la Wii Mini? La Wii Mini. Alors hein. C'est dommage parce qu'on aurait pu faire un petit strip poker. Mais comme vous voulez hein. Bah oui, mais alors faut prendre la valise de poker. Ouais. Non, mais t'inquiète, on a les cartes à la maison. Ah, on arrive, envoie ta photo on descend. À Fun Radio. Bien. Eh ben écoute, faut justement qu'on vienne faire à l'occasion une émission en direct de Fréjus, on passera voir alors. Y'a pas de soucis. Mais ça a l'air sympa en plus Fréjus. Ah bah mais ça l'est, c'est très sympa Fréjus. Bon, eh ben écoute, gros bisous à toi Morgane. Bah merci. Je t'embrasse. Et puis Mathieu. Ouais, je peux faire une dédicace. Ouais, vas-y Mathieu, comme ça t'auras au moins pas tout perdu quoi. Ouais, à mon idole. Teuf. Oh, quelle horreur. Écoute, merci Mathieu. Quelle horreur. Tu dois encore un petit peu apprendre. Mais quel drame. D'accord. Tu n'es pas encore assez un pervers. Mais oui, c'est ça. D'accord. Bon, salut Mathieu en tout cas. Bisous. Ciao et bravo Morgane pour la Wii Mini là, que bah, tu repars avec du coup. Il y en aura d'autres à gagner tout au long de la semaine évidemment. Et puis avant de donner les résultats du top tweetos, et bah, nous allons faire maintenant Polo Again The Rest of the World. Bienvenue dans Polo Again The Rest of the World. Vous êtes sur Fun Radio, bienvenue ceux qui viennent de nous découvrir. Vous découvrez une vraie émission, c'est Polo contre le reste du monde. Ne nous emballons pas. On commence tout de suite ce Polo contre le reste du monde avec le candidat. Le candidat? Oui, Polo. Je t'écoute. Oui, voilà, je m'insurge de ces résultats. Je n'ai eu que 5 voix. Ouais, ferme-la et casse-toi. Lino. Oui, allô. Oui, Lino. Qui est plus beau que Polo? Il n'y a pas de plus beau que Polo. C'est bien vrai. Allez, dégage. Jordan. Oui, bonsoir, vous êtes très beau, un petit blanc de cul. Non. Le doux malin. Allô. Ah, t'es mauvais, tu fais pareil, tu reviens juste après. Jean-Jacques Dulac. Il a bugué. Attends, on va le redémarrer. Jean-Jacques Dulac. Salut, Polochon. Salut, oh, allez, casse-toi, oh là là. Mais tu peux pas parler normalement? D'accord. Abruti, va. Allez, dégage. Hugo. Oui, bonjour, Polo. Ouais, je t'écoute. Combien mesures-tu? 1m77 ou 76. Alors, avec l'âge, j'ai un peu... Mais tu vas me laisser parler, oui? Oui. Bon, vas-y, quoi, après? Combien pèses-tu? 78. Quelle est ta taille de poitrine? J'ai pas de poitrine. 90C. 95 F. Je me dis, et quel est le dernier pantalon que tu as acheté? Oh, allez, casse-toi. Quand tu apprendras, apprends à me laisser parler, Hugo. Gagik ou Gagik ou Galik ou Gabik? Gagik. Bon, qu'est-ce que tu veux, Gagik? Visitez le site Gagik MDR. Quoi? Visitez le site Gagik. Allez, dégage. Viens pas faire ta publicité, j'en ai rien à foutre. Le tunnel. Oui. Bonjour le tunnel. Quelle est la taille de ta bite? Du haut de tes 12 ans, tu n'as pas autre chose à te demander? espèce d'idiot, va. Abruti, va travailler à l'école ou venir l'appeler à cette heure-là dans une émission de radio. Le candidat, le retour. C'est sérieux. Bonjour, monsieur Polo. Bon, et tu peux arrêter de faire cet accent-là. Bah, attendez, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Mais je m'en sors, ces abrutis votent pour des femmes. Bon, allez, dégage, Lino. Je voudrais devenir doux officiel. Ah, alors je vais te baptiser. Bienvenue, Lino, comment t'appelles-tu? Lino. Lino, mets-toi à genoux. C'est fait. Ah, insulte-toi. Je suis un gros connard, un fils de pute. Encore? Fils de mon papa. Bon, Lino, tu veux rentrer dans l'armée des doux? Tu veux devenir doux officiel? Prends ton téléphone dans une main. C'est fait. Tape-le dans la tête. Sur ta tête. Sur ta tête, ouais. Encore! Lino, tu es doux officiel, bravo! Tu seras le doux abruti qui fait tout ce qu'on lui dit. Ok? Exactement comme toi. Allez, eh bah dégage, voilà, hop, je te raccroche au nez. Le doux malin. Et là, on attaque la Russie. Là, maintenant, on est prêt, hein. On a tous nos lance-pierres. Avec Vladimir Poutine. Ouais? On va l'attaquer, on va ouais, le faire. Allez, dégage d'ici, allez. Ça, tu peux pas lui raccrocher au nez, c'est dommage. Hop là, Jordan! Oui, c'est quand tu veux qu'on fasse un petit banquet avec toi. D'accord, Jean-Jacques Dulac. Oui, moi j'ai 12 ans aussi, je veux te baptiser. Très bien, non, tu n'as pas 12 ans, tu n'as pas mué par exemple. Hugo. Il a mué. Oui, quelle est la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Oh là, Hugo. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que ça intéresse quelqu'un tout ça? Oui, je pense. T'es sûr? Oui, je suis okay. Sûr. Ok, Gagik. Des tickets à Polo. Ok, merci. Tunnel. Oui. Je t'écoute. Est-ce que je peux participer au générique? Non, conclusion. Attends deux secondes, reste ici. Gagik. Mais je te souhaite une vidéo, merci. Allez, casse-toi d'ici. Hugo, conclusion, s'il te plaît. Bah, la taille du dernier pantalon que tu as. Ça te regarde pas, Jean-Jacques Dulac, conclusion. Oui, bah non, c'est comment l'armée. On comprend pas ce que tu... Jean-Jacques. Comment? Allez, dégage. Allez, Jordan. C'est beau. Merci beaucoup. Le doux malin, conclusion, vite. Allez, on bute la Russie, on les encule. Allez, stop. Ouais, oh là là, sois moins vulgaire. Oh, ouais, apprends une blague, lui, attention. Parle pas comme ça à Poutine, c'est un pote. Et pour terminer, le candidat. Oui, écoutez, non, il est encore pire en Belgique. Ils ont élu avec gay. Vous rendez-vous compte? Ces propos n'engagent que vous. Ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Polo against the rest of the world. Vous êtes sur Fun Radio, merci à tous ceux qui m'écoutent et merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux, tous les soirs, je suis numéro 1 et ça n'a pas de prix. Ah oui, ça n'a pas de prix, effectivement. Bon, allez, avant de partir, maintenant, là, on va se faire le top Twitto, c'est comme on parlait de Twitter. Bah, merci d'ailleurs, en tout cas, à tous les nouveaux qui sont arrivés. Il y a Virginie66 qui était là, il y avait Jojo, il y avait Alla Madrid, Decima qui avait envoyé son message hier. C'est le Real Madrid qui a gagné hier, c'est pour ça que j'ai confondu. Nadia également, il y avait Ryan, Rock'n'Wolf, il y avait Stéphane, il y avait Arnulfi, Célizy, Sandra B, Jérémy Titi, il y avait le boulanger aussi, il y avait qui aussi Amaury qui était là également, il y avait Elliot, DJ Daminou, etc. Nico, merci en tout cas. Il y en a plein que j'ai pas cité, évidemment, je peux pas tous les citer bien entendu, mais en tout cas merci à vous d'avoir été là. Et on va d'ailleurs vérifier maintenant quel est l'auditeur le plus influent ce soir avec le hashtag MIK. L, numéro 5. Alors, numéro 5, c'est Sandra. Numéro 4. Virginie66. Numéro 3. Jérémy Titi. Numéro 2. Nadia Le Prince. Et numéro 1. Tout est rentré dans l'ordre, Vladimir Poutine. Ah, et numéro 1. Qui a repris sa place, évidemment. Ouais, bravo, Vladimir. Bon, alors du coup, qui a gagné? Parce que Vladimir a déjà gagné, Nadia aussi, donc on en est au... C'est Sandra, je pense. Sandra B. Sandra, on me dit que... Bon, on va vérifier, mais en tout cas, évidemment, on offrira le sextoy offert par... passagedudésir.fr. Bien entendu, voilà. Bon, et bah parfait, voilà, on va se faire le générique de fin avant de partir, évidemment, je normal. Juste embrasser Aurélie avant. Pour qui, c'est qui? C'est moi, c'est pour moi. Oh, le bouffon, il a dû... Oh là là, le Michel Minable. Oh là là là là. Michel Minable. Bon, allez, j'ai pas envie générique. De dormir ce soir, je fais ce que je veux. T'as raison, ouais, c'est ça. Allez, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle, y'a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qui encule ton oncle, t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger car t'encules ton oncle toute la journée. Petit fils d'enculé, voilà, fils de putain même. Le doux chante. Allô? Allô? Allez, chante. Ta gueule de merde, toi, l'enculé. Qu'est-ce qui se passe ici? Quel cauchemar. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Bien. Le tunnel. Ouais. Allez, bon, chante. Et l'autre aussi, le doux, là. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Sur des bites. Le maire, toi l'enculé. Tu bouffes des bites en saucisse, toi l'enculé. T'es un enculé. Non, c'est un enculé. Bichou les deux, on est des enculés, c'est vrai. Ferme ta gueule, toi l'enculé. Ouais, bien vu, bien vu. Bon, bah c'est parfait tout ça là. Bah bravo le tunnel, salut hein. Ouais. À bientôt le tunnel. Bientôt. Allez, salut toi. Tunnel, magnifique. Voilà, tunnel. Bon bah merci à vous en tout cas d'avoir été là. Bon bah Ledou, tu reviens à l'occasion. Quand t'auras fait des meilleurs scores à l'école. Allô. Ouais. C'est à toi qu'on parle Ledou là. Il écoute pas, hein. Mais il est perturbé ou quoi Ledou? Bah il a pas écouté, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? D'avoir des meilleurs scores à l'école. Voilà. Quelle est la moyenne? Bon, on va demander à ta mère. Quelle est la moyenne? Quelle est la moyenne du Doux à l'école là, à peu près, grosso modo? Attends, on entend mal. Et il a coupé le micro, le Saigo là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il a coupé le micro pour pas qu'elle donne la moyenne. Ah, oh là là là là là. Traître. Bah, bravo. Félicitations. Eh ben tu n'auras pas ta photo avec Tof, tant pis. Bon, allez, on se retrouve demain, nous, en pleine forme à partir de 23h sur Fun Radio. Courage pour les examens, pour ceux qui sont en plein dedans, là, ça va bien se passer, vous allez voir, ça va se finir à un moment ou à un autre. Et puis merci d'avoir été aussi nombreux ce soir, j'espère que vous aurez passé le message à vos amis demain pour qu'ils soient là à partir de 23h sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Le dimanche soir, Fun Radio. 20h minuit, No Limit. No Limit. Mickaël sur Fun Radio. Ah, si j'allume pas le micro, ça marchera pas évidemment. Hein. Bon, allez, c'est parti avec Party Fun qui débarque là. Plein de monde hein, ce soir dans Party Fun. Il y a bientôt plus de monde que chez nous, donc. C'est pour dire. Alors attends, regarde, je mets mon casque. Bah, mets ton casque, vas-y. Live and direct. Voilà. Hop là. Bonsoir. Comment ça va, Adrien, en pleine forme? Ça va super, et vous, les gars? Bah, écoute, plutôt pas mal. Ouais, top du ouais. Top. Tranquille, tranquille, tranquille. Oui, quoi donc prévu ce soir, mais t'es venu avec ton gosse. Alors non, mais alors oui, c'est vrai que ça fait très très objet. Ça fait peur. Je suis sûr. Qu'est-ce que c'est? C'est une chicha électronique. Voilà, il y a la cigarette électronique et c'est une chicha électronique. D'accord, voilà, pour normal. Les la chicha électronique, voilà, c'est ça. Bon, bah, qu'est-ce qui est très bien. Bientôt, ils offriront le rail de coke électronique. Non, non, quand même. Non, alors je précise que c'est sans nicotine. Sans nicotine, parce que je ne suis pas fumeur. Voilà. D'accord, je tiens. T'imagines. Demain, j'avoterai le rail de coke électronique. Pose le truc, hein, on sait jamais. Bah, c'est un malentendu. Qui sait, on peut pas savoir. Bon, qu'est-ce qui va se passer en Party Fun? Alors ce soir, donc oui, une émission spéciale. Ça s'est décidé au dernier moment. Je vais vous expliquer l'histoire. En fait, ce sont des. Il y a Dimitri Vangelis et Weeman qui sont deux jeunes producteurs qui viennent de Stockholm, qui bossent avec Steve Angelo de la Swedish House Mafia, je pense que vous connaissez. Bah oui, ils ont fait un morceau qui s'appelle Payback. Et hier soir, Quentin Mosiman en fait a fait un vocal cover à chanter sur leur morceau. Et donc il les a tweetés et ils ont dit putain fort, c'est énorme, on adore le truc. Et puis voilà. Et ils étaient aujourd'hui sur Paris, donc on leur a dit bah les gars, passez à la radio ce soir, faire la avec nous. Bah ça va être bon voilà. Ça. Puis la prochaine fois les Suédoises aussi. Donc, ouais. Voilà, c'est ça. Bon, physiquement ça va, mais bon, tu vois, on préfère les meufs, on préfère les blondes, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Bon, enfin bon, ok, bon, bah c'est parti. Party Fun, merci beaucoup les gars. Ouais, bah, bonne nuit alors. Jusqu'à 2h, Party Fun Remix, exactement. Puis à 6h, il y a Bruno qui débarque et voilà. Nous on sera de retour après le Vin Fun à partir de 23h sur Fun Radio. Salut.